Je viens de finir Dr. Stone et je réfléchissais, si ça nous arrivait à nous, on perdrait plein de choses. La culture, les sciences, les films, la musique, effectivement, la littérature. Bah ouais, ça fait réfléchir. D'ailleurs, on perdrait tous les mangas avec les petites filles. Non, non, non, non, non, non, non, non, non. Pour votre nouveau numéro de Case sur Table, avec moi aujourd'hui autour de la table des nouveautés, je suis avec Alex. Oui. Nécro. Ouais. Et Issam. Salut. Comment allez-vous, messieurs? Ça va. Ouais. Et toi? Ça va très bien. Merci de me le demander. Ça me fait grandement plaisir. Comme d'hab, un petit tour de table pour savoir ce que vous avez fait dernièrement hors podcast. Et nous allons commencer par. Est-ce que c'est intéressant de commencer par Issam, étant donné que tu vas encore nous parler de l'archiviste? Non. Eh ben non. Ah. Alors Issam, nous t'écoutons. Alors, vous avez entendu parler d'Opération Nanar? Non, plus sérieusement, hier j'ai vu L'île aux chiens, vous saviez. Je crois que t'as été le voir avec trois connards. Ouais, c'est ça. Je crois trois connards, il s'appelle comment déjà? Alex? Alex, Nécro, il crie, je crois un truc voilà. Comme ça. Moi j'ai dormi. Ouais, je t'ai vu, je t'ai vu. Non, tu dormais, hein. C'était très bien, il y a un monsieur qui veut baiser des chiens, donc j'ai adoré. Non, plus sérieusement, excellent Wes Anderson. Bon, ouais, voilà. C'est ce qu'on peut attendre de lui. C'est magnifique. Clairement. Visuellement. Au niveau histoire, c'est super drôle. Avec plein de messages cool. Donc, ouais, c'est vraiment à voir. Clairement. La musique, excellente. Ouais, excellente, la bande son. Le doublage aussi, très très bon. Ouais. Les acteurs choisis pour les chiens. Bah, il y a les trois quarts de ce. Enfin, il y a tous ces acteurs habituels, finalement. Mm. Bah, sauf Cronson, quoi. Oui, et Scarlett Johansson. Pas oui, Scarlett Johansson. Chez lui. Pareil. Mais chose sinon, à... c'est sa troupe habituelle. Et chose marrante, c'est qu'il est du coup sous-titré pour tous les pays. Oui. Parce que bah, les langues restent les mêmes. Mmh. Oui, les acteurs qui parlent, enfin les personnages qui parlent japonais sont, enfin, ne sont pas redoublés en anglais. Ça reste en japonais avec des fois quelqu'un qui fait la traduction par-dessus. Et les chiens parlent en anglais. Voilà, c'est comme ça, c'est... C'était... Très très bien, nous vous le recommandons et je pense qu'on en parlera plus longuement un jour dans un casse sur dans un guerre des claps dédié à Wes Anderson. Clairement pas pour les trop jeunes enfants par contre. Je crois que j'allais dire clairement on n'en parlera plus. Non, c'est clairement c'est pas un film d'animation pour gamins. Oui, parce que je vois beaucoup de gens sur internet dire que c'est un film pour tout public. Mmh. Ouais. Bon, je sais pas, je trouve pas ça. C'est quoi qui te fait... Bah, un enfant de 4 ans, ça risque d'être unique. Déjà, le fait qu'un trop jeune enfant, le problème des sous-titres... Déjà voilà, rien que ça. Oui, d'accord. Et puis, je sais pas, je trouve que tout le côté manipulation politique... Il comprendra pas le fond de l'histoire, quoi. Ouais, assassinat politique, il comprendra pas le fond, mais bon, ça... C'est sûr. Même si un tout petit gosse, je pense que même le chien robot dans la décharge, ça peut lui faire peur. Hein. T'as des oreilles arrachées... Ouais. C'est une opération chirurgicale à la fin. Non, il y a deux, trois trucs quand même. C'est-à-dire que nous, voilà, on a passé des caps hein, dans notre vie, mais un gosse de 4 ans, je... 5 ans... Et... Ouais, non, mais je veux dire... On a tous les sauts, nous, donc ça va. Mais... Les nouvelles générations, enfin... C'était trop bien. Je veux pas faire de généralité quoi que ce soit, mais à 13 ans, ils ont déjà vu des trucs que nous... Ah oui, non, je te parle pas de 13 ans. On parle pas de 13 ans. Ah, encore plus si. Je te parle de 5 ans, putain. Bah oui, non, mais 5 ans, tu le mènes pas au cinéma pour un tout sous-titré, c'est sûr. Bah oui, mais c'est... Enfin, film d'animation, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont le réflexe, c'est pour les gamins de cet âge-là. Justement. On en reparle du scandale Sausage Party. Ouais, on en reparle. Ça, voilà. Non, mais il faut être débile, quoi. Bah, il y a eu beaucoup de débiles. Voilà. C'est pas étonnant. Tu sais, les élitistes qui sont anti-VF, ils ont du mal avec, quand on leur parle de l'idée de ouais, mais si vous allez voir votre film avec votre gamin qui comprend pas la langue et qui sait pas lire, bah, c'est tant ça. Tant pis pour le gamin, il avait qu'à être plus intelligent. Ouais, il est bilingue depuis 2 ans. Hein. Connard, t'es non désiré de toute façon. J'en fais partie des élitistes anti-VF et pour le coup, oui, les enfants n'ont. Bah oui, les enfants. Mieux vaut les amener voir de la VF quand même, histoire qu'ils comprennent un peu ce que tu leur montres. Et puis il y a toujours le fameux argument qui ressort à chaque fois : Retour à le futur. Quoi? Mais Retour le futur est meilleur en VF qu'en version originale. C'est non, ça. Mais de toute façon, ça règle la question. Un gosse de 5 ans, tu l'emmènes pas au cinéma, il va faire chier tout le monde. Non, mais moi, j'ai mieux pour régler la question. Des gosses, t'en fais pas. Ouais, déjà, t'en fais pas. Voilà. La première fois où je suis allé au cinéma, ça devait être vers mes 5 ans. Ouais, donc, ouais. Mais t'as fait chier tout le monde. Bah, pas dans mon souvenir. Enfin, je redemande à mes parents. Mais... Non, mais c'est une blague, mais en général, un gosse de bas âge, il va faire du bruit, il va rigoler. Il t'emmenait voir quoi, Emmanuel? C'est qu'il est mal éduqué, ton gosse, dans ce cas-là. Bah, il y en a beaucoup de mal éduqués aussi. Non, le premier film que j'ai vu au cinéma, c'était Hercule, Disney. Celui qui, quand tu l'attrapes, il. Non, ouais, c'est là. On va continuer cette blague. Ah, donc tu voulais pas faire l'intro dont on parlait, mais ça, par contre, tu veux bien le dire. Moi, je suis vieux, ah ouais, il aime bien introduire Hercule. Ah ouais, t'aimes bien. Hein. Moi, je me sens vieux, le premier que j'ai vu au cinéma, c'était la belle et l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat. C'était bien, c'était le bon temps. À l'époque, on n'avait pas encore besoin du son pour prendre du plaisir au cinéma. On n'avait pas les bigophones et les tatous, là. Ah. À cette époque-là, le popcorn, ça coûtait vraiment pas cher. On pouvait le faire directement dans la ville voisine. On pouvait aller le matin et on revenait le soir avec notre petit paquet. On n'avait même pas le connard de pianiste qui venait nous faire chier. Ah, j'étais da-da-da. Il n'y avait pas encore Moulinex, là, le truc qui faisait que finalement notre femme après avait plus de temps pour nous tromper. Et puis les lunettes 3D, on s'en foutait complètement à cette époque-là. Ça n'existait pas. En plus, il y avait que les nazis qu'on avait. Putain. Oui, c'est toujours cas sur table. Non, c'est vrai, en fait, à part, c'est en fait les premiers à avoir développé des films en 3D, c'est les nazis. Oui, oui. Oh mon dieu. Bon, donc, et si on passait à Alex maintenant pour savoir si. On a parlé d'Hercule, on a parlé de nazis, on a parlé Alex, de cinéma, je crois. Il est temps d'attaquer. Il est temps de. Non, mais on a toujours pas fini le tour de table, hein, je t'explique. Alex, est-ce que t'as quelque chose à rajouter? Eh ben, figurez-vous qu'hier soir. Je suis allé voir un film, c'était Lilo Chien. Ah, il paraît que c'était bien. Et c'était avec trois connards. Donc, les gros, Richard, Christopher. Bien, Christopher. Attendez, je fais un tour de table. Allez, on la refait. Oh là, là, là, là. Non, ça passe vachement ça à l'audio. Ouais. Dernièrement, j'ai regardé la série Happy, tirée du comics de Grant Morrison. Et j'ai pas lu le comics. De ce que j'en sais, le comics est très court. Là, on est déjà 8 épisodes avec une saison 2 qui pourrait se faire, si jamais. Apparemment. Et ouais, c'est vraiment sympa. C'est bon, ouais, c'est très violent. Donc là aussi, on n'emmène pas voir son gosse de 5 ans. Enfin, on n'emmène pas son gosse voir ça. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait. Faut... Ah, le pitch est extraordinaire déjà. Ouais. Je peux faire un petit. Alors, j'ai pas celui de Netflix en tête, mais il était génial celui de Netflix. Bah, en gros. Mais en gros, c'est un père policier. Enfin. Un policier justement qui va se rendre compte qu'il a une fille, etc., il n'était pas au courant, qui a un peu mal tourné parce qu'il est un clodo, il est alcoolique, drogué, voilà. Et le jour où il apprend justement qu'il a une fille, qui s'est fait enlever justement par un Père Noël qui est complètement barré et tout ça, et bah, il va aller la sauver, et bien sûr, ce policier, il est super violent, enfin, il a aucune pitié, c'est génial quoi, si on aime la violence, si on aime le truc un peu de l'humour noir. Mais c'est pas ça là. Si on aime les pernes. Si, le pitch c'est ça, le pitch c'est ça. Mais t'as oublié un truc essentiel, ce flic là. Ah, oui. Il a des hallucinations et il voit une licorne bleue et en fait, voler autour de lui et lui parler. En fait, c'est l'ami imaginaire de sa fille justement qui va aller chercher son. C'est quand même père. Essentiel. C'est ça qui le relie, oui, pardon. Ouais. Pourtant, c'est le truc, c'est la petite pépite de la série. Bah, bien sûr. Ouais, je l'ai même pas dit, c'est vrai. Et donc, tu parlais du Punisher, c'est ça? Ouais, ouais, c'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Et donc, cette licorne bleue qui lui fait la morale et qui lui donne des conseils tout le temps, qui est faite en synthèse, du coup, pour le. Mais qui est très bien faite. Pour une série sci-fi, c'est vraiment. Qui fait en image de synthèse pour la série, alors que dans le comics, elle est vraiment dessinée façon cartoon. Ouais. Bah, de toute façon, même dans la série, elle fait un peu cartoon. Oui. C'est de la CGI, mais. Ce sera un concept, le Punisher, qui a les hallucinations de Deadpool. Non. Alors, si tu veux, ils ont déjà fait le Punisher en mode Frankenstein. Plus jamais. Ah, merde, c'est voilà. Vrai. Oui, j'ai oublié ça. Nécro, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. T'es sûr? T'as pas été au cinéma, toi aussi, hier soir? Bah, si, mais bon, il y avait trois cons qui faisaient du bruit à côté. Tu pouvais pas dormir, du coup. Je n'arrivais pas à dormir. T'étais allé voir quoi? Lilo Clébar. Ah. Et Chris, donc toi. on va arrêter de faire cette blague. On est obligé de demander, sinon il râle. Ouais. Qui râle? Toi. Mais. Non. Toi. Du God of War, actuellement. Forcément, du bon jeu vidéo qui tâche. Et du Céleste, côté jeu indé, un platformer bien hardcore, qui fait plaisir. Alors, comme on disait, on aime la violence. De quoi, Céleste ? Ouais. Non, je ne crois pas. D'accord. Ça doit être un autre. Comme on disait, on aime la violence. Hein, ah bah, avec God of War, oui, t'es servi. Avec God of War, tu es clairement servi. C'est vrai qu'on aime bien la violence, ouais. L'avalanche de notes est plutôt méritée. Bah, il n'y en a pas jusqu'à du 20 sur 20, mais la critique dithyrambique est méritée. Pour l'instant, de ce que j'en ai vu, après une bonne petite dizaine d'heures de jeu. Moi, j'ai pas beaucoup joué ces derniers temps. Il faut que je reprenne. Si j'ai bien fini en plus. Si j'ai bien compris, c'est surtout l'immersion en plus qui a été mise en avant. La relation père-fils, l'immersion dans l'univers, la mythologie nordique qui arrive un petit peu dans la série, qui arrive vraiment doucement pour l'instant. D'ailleurs, j'ai vu une image qui m'a beaucoup fait rire, où en fait, il y en a un qui a fait une sorte de crossover entre Kratos et l'univers de Skyrim. En fait, t'as le fils de Kratos qui lui a tiré dans le genou. Du coup, il ne sera pas aventurier. Ah oui, ils sont chez le médecin, non, c'est ça. Non, c'est juste qu'en fait, il y a une blague qui est récurrente dans Skyrim où en fait, t'as les gardes à chaque fois qui disent « Moi aussi, j'ai voulu être aventurier avant, puis je me suis pris une flèche dans le genou. » Et ouais, du coup, c'est devenu un même internet. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, la phrase revient tellement souvent, tu te rends compte que tous les gardes de toutes les villes ont failli être aventuriers, mais se sont pris une flèche dans le genou. Voilà, c'est... Voilà. Le même est tellement connu qu'il y a même un pop avec un des gardes de l'univers Skyrim qui a une flèche dans le genou. Voilà. Ouais, enfin, en même temps, des pop, ils en créent 200 par jour. Il n'y a toujours pas le pop de l'archiviste du cinéma, d'ailleurs, il va falloir qu'on les contacte. Hein. Je suis sûr qu'il y a un pop Adolf Hitler quelque part. Ah putain. Ça m'étonnerait pas, ouais. Les pop Iron Sky. Ah, fait qu'un bras animé. Ah putain. Non. Derrière les pop Horror Story de G2, ça doit passer, ça doit exister. Bon, est-ce qu'il serait pas temps de rentrer dans le vif du sujet et de récupérer les rails de ce podcast? Ah bah oui, là on va rentrer dans le vif du sujet, oui. Parce que... On a déjà perdu nos auditeurs. La transition est difficile. Je vois pas l'intérêt de continuer. Bon, parlons d'un manga édité par Akata, vu que une personne autour de la table l'a apprécié, c'est à lui de nous faire le résumé. Vas-y, mon ami. Il s'agit de Game, édité par Akata, écrit et dessiné par... Maya Nishikata, donc Game entre nos corps. C'est l'histoire de Sayo, une jeune femme de 27 ans, après le résumé au dos, qui travaille dans une grande entreprise et qui consacre sa vie à son travail, qui n'a pas vraiment de vie à côté. En fait, ses copains la quittent tous... Justement, parce qu'en fait, elle se dédie entièrement à son travail et pas du tout à une éventuelle vie de couple. Oui, elle est over-carriériste. C'est ça. Et un jour, il y a un nouvel employé qui arrive dans la boîte, Ryoichi, qui va s'intéresser très vite à cette jeune femme, mais de façon très prédatrice, et qui va commencer à vouloir entamer une liaison avec elle en la forçant un peu, voilà, très clairement, il insiste beaucoup auprès de ça. Vraiment un petit peu. Hein. Alors, très prédatrice, tu veux dire hyper lourd. Oui. Enfin, tu veux dire hyper lourd. C'est même clairement prédateur, son comportement. Oui. C'est pas juste qu'il est lourd. Il y a des gestes beauf 2000 quand même. Oui, voilà. Oui, mais je veux dire, c'est justement pas juste un beauf, ça va plus loin que ça. Ah oui. Non, mais vas-y, termine ton résumé. C'est pour ça que je dis prédateur. Bref, donc, il passe une sorte de contrat avec elle, ils vont entamer un jeu, une sorte de jeu mi-sexuel, mi-relationnel assez étrange, où le but c'est de dominer l'autre, en gros. Entre autres par la sexualité, c'est-à-dire celui qui arrive à faire jouir l'autre a une domination sur lui et donc gagne la manche. Et donc, Game va pas mal diviser. Bon, je vais commencer par l'aspect graphique, moi je trouve ça joli, voilà. Oui, là, par contre, j'ai rien à reprocher. Moi. Ah, c'est très propre graphiquement. Visuellement, j'ai rien à reprocher du tout. Même, enfin, tout le monde autour de la table n'a. Ah non, très bien. Oui, c'est pas. N'a rien à redire au niveau du dessin. C'est là où il va diviser, c'est que donc il y a cette relation malsaine qui s'installe entre les deux, puisque c'est un rapport de domination qui est plutôt instauré par le mec, et effectivement, dans le tome 1, quasiment tout le temps, c'est la fille qui est dominée et qui se laisse complètement contrôler par cet homme. Alors qu'elle nous est présentée effectivement dans les premiers chapitres comme une femme forte et indépendante. Là où on n'est pas d'accord, c'est que moi je trouve ça très intéressant et très bien, dans la mesure où je trouve que c'est le thème du manga, où j'ai l'impression que ça a été vendu par Akata comme une romance, mais pour moi c'est une erreur de communication assez énorme, et c'est une erreur d'interprétation que de lire comme une romance. Mais ceci, pour je suis moi d'accord. C'est une sorte de... je sais pas comment dire ça, de drame à la limite du thriller psychologique sur ce genre de relation abusive. effectivement, il n'y a aucun moment où très clairement l'auteur nous dit que ce qui est fait, ce que fait le mec est mal. Mais pour moi, ça relève pas d'une, d'une volonté de faire du romantisme, mais juste d'une confiance dans le spectateur pour qu'il puisse comprendre seul, interpréter seul, qu'il faut pas faire ça. Mais le souci, c'est que vu que ça a été vendu comme une romance, oui. Là, le, ça, en fait, ça touche un spectre plus large qui est pas préparé à ça. Oui. Bah, du ça... coup, l'interprétation... Ah, mais ça, je suis d'accord, ça a été très mal vendu. Ça a été très mal vendu, mais à ce moment-là, des œuvres qui ont été mal vendues d'une manière qui ne correspondait pas à ce qu'elles étaient, il y en a d'autres. Oui, ça ne fait pas forcément des mauvaises œuvres. Voilà. On est d'accord avec ça. Par contre, je comprends pourquoi... c'est-à-dire qu'en fait, je connais un peu ton amour du cinéma asiatique. Et je comprends pourquoi tu apprécies ça, parce que c'est les thèmes qu'on retrouve, effectivement, et la façon de travailler ces thèmes-là qu'on retrouve dans plusieurs films très intéressants dans le cinéma asiatique, justement, où le but, justement, c'est de te faire, des fois, réfléchir même sur ta propre fonction en tant que spectateur du film. C'est vraiment te mettre dans tes petits retranchements, des fois, où tu dis « Ah, qu'est-ce que je regarde ? Qu'est-ce que je regarde ? Où ça va ? Où est-ce que ça m'embarque ?» Pas que asiatique, c'est ouais, aussi mais c'est un thème plus présent dans le cinéma asiatique. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a très peu abordé dans le cinéma, par exemple, dans le cinéma français, on oublie. Si, Love, de... enfin, c'était pas exactement le thème, mais il y avait des similitudes dans Love, de ouais. Noé. Ouais. Et tu connais beaucoup de personnes, proportionnellement, qui ont vu Gaspard Noé Ah ben, je sais pas, mais c'est français quand même. Oui. Il sort un nouveau film cette année, d'ailleurs, j'ai trop hâte. Mais c'est vrai que c'est pas des thèmes mainstream, quoi. Oui, alors là, pour le coup, oui, t'as raison, c'est vrai que ça m'a rappelé un peu les mécanismes des Pink Waiga et Robin Porno des années 70, qui est un genre dont je suis assez friand. J'en ai perdu deux, là, non. Non, non, moi, je te laisse finir ton argument. Ça m'a pas mal fait penser à un film que j'ai vu, justement, quelques semaines avant de le lire, qui s'appelle La saison de la terreur, je crois, ou La saison de la peur, un des deux, de Wakamatsu. Et qui raconte pareil, en fait, ces deux flics qui doivent surveiller un ancien militant politique. Et ce militant politique, en fait, depuis qu'il est devenu inactif, c'est devenu un gros connard. Il est rentré dans le moule de la société en en prenant tout ce qu'il y a de pire. Il vient en concubinage avec deux femmes et il est à la limite de les violer quotidiennement. Il y en a une scène où il les viole clairement. Et encore une fois, ça nous est dit à aucun moment dans le film que c'est malsain. Mais il y a un moment, il n'y a pas besoin qu'on nous le dise. Et pour moi, ça m'a fait pareil là. Et après, le souci, Chris, t'as plus d'infos sur l'intention, en fait, enfin l'évolution du manga. Bah que voilà. Apparemment, ça continue comme ça et que elle tombe amoureuse de lui, quoi. Et qu'à aucun moment, t'as de remise en question sur. Sur son comportement, si, et voilà. Si par la suite, il n'y a pas de remise en question, dans ce cas, c'est moi qui ai tort. Mais j'attendrai de le lire moi-même, pour le coup, avant de. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, les trucs qui nous disent le plus, de toute façon, c'est les trucs où, au premier temps, on ne peut pas se rendre compte de ce qu'est ça le message, finalement. Parce que, en fait, on a la situation principale, l'élément perturbateur, et puis on n'a pas la suite, donc du coup, on ne sait pas ce que ça va nous donner. Mais, ouais. Mais du coup, Chris, Alex, exprimez-vous, parce que je sais que c'est vous qui avez le moins aimé, qui avez vraiment pas du tout. Parce que pour moi, c'est over malsain. 100%, quoi. Pour moi, il n'y a rien qui peut sauver le bordel, en fait. En fait, pour moi, le fait que vraiment il n'y ait aucune remise en compte à aucun moment, c'est problématique, juste ça. Alex, il me semble que c'est pareil pour toi. Bah déjà, moi, après ma lecture, comme je t'avais dit, Sam, ce qui me dérangerait, c'est que, justement, on soit sur une histoire comme ça, où la relation malsaine continue, et à la fin, elle se tombe amoureuse, et qu'entre guillemets, le message qu'on puisse en tirer, c'est... persévérer, même si votre mec vous viole ou vous fait des violences ou quoi que ce soit, à la fin peut-être qu'il sera gentil et vous aurez une belle histoire. Mais bon, peut-être que j'exagère un petit peu, mais en gros c'est un peu ma peur. Et c'est aussi la mienne. Oui, et puis je rejoins aussi Christopher là-dessus, c'est pour moi la relation est trop malsaine, j'ai l'impression que le personnage masculin il profite d'elle, bah oui. Il profite un peu de sa faiblesse, un peu de sa... c'est pas de sa naïveté, mais le fait que... En fait elle s'en fout, quoi. Bah. Concrètement elle s'en fout de ce qui lui arrive sexuellement. Elle s'en fout un peu de son corps, elle fait juste sa vie, sa carrière. Au final, elle a plein de sous, on comprend à un moment, elle s'en fout, elle sait même pas ce qu'elle va en faire. Enfin, ça a l'air d'être une personne un peu perdue psychologiquement. Et lui, il arrive au moment opportun pour faire un peu son petit dada tranquille et... Bah oui, non mais complètement, bien sûr. Voilà, c'est en fait vraiment, moi le souci, c'est que j'attendais, effectivement, j'étais très divisé. Et là, l'idée, c'était vraiment, est-ce que la suite confirme ou infirme ? Et bah là, du coup, oui, si. Bah ça, on verra vraiment quand on la lira. Voilà. Enfin, voilà, c'est les avis que tu tiens d'où. De personnes qui ont lu la suite en scan, quoi. Ouais. Donc voilà. Parce que du coup, vu que déjà, y en a qui l'ont interprété comme une romance, ce sur quoi je ne suis pas d'accord, c'est vrai que je ne ferai pas confiance à ce qu'on en dira tant que je ne l'aurai pas lu moi-même sur ce titre-là. Après ça, on est tous d'accord pour dire que le titre a été mal vendu en tant que romance, oui. Clairement. Ouais. Mais pour moi, il n'y a même pas besoin d'attendre la suite, entre guillemets. Déjà, la fin du tome 1, elle fait des pratiques sexuelles dont elle n'avait même pas l'envie au départ. Entre guillemets, on a l'impression qu'elle le fait juste pour gagner, c'est hyper malsain. Pour moi, c'est pas naturel. Ça témoigne d'un problème chez le perso et pour moi, clairement, c'est trop malsain. C'est le mec qui vraiment profite d'aller. Pour moi, ça passe pas quoi. Mais c'est en fait le truc, c'est que je suis parfaitement d'accord avec cette interprétation là. La différence, c'est que pour moi, c'est le thème du manga. Alors, c'est malsain, d'accord, mais pour moi, ça mène à quelque chose, ça mène justement à une réflexion sur ce genre de relation qui, hélas, existe. Oui, après, c'est sûr que s'il y avait une espèce de dénonciation sur le thème, sur ce thème, oui, là, ça serait passé, mais moi, ça sera jamais comme ça. Quoi. En fait, c'est ça le souci qu'on a avec ce tome 1, c'est que toi, tu penses que ça va aller dans une mauvaise direction, toi, tu penses que ça va aller dans une bonne direction. Et c'est pour ça que toi, t'es enclin à continuer la suite et que toi et moi, d'ailleurs, nous ne le sommes pas. Parce que on pense que ça va aller dans une certaine direction par la suite. Du coup, on peut pas le savoir tant que la suite ne sera pas là. C'est problématique. C'est ça qui est problématique. C'est qu'on a ce problème-là depuis Fire Punch. Hein. Il y a toujours des trucs qu'on se dit, alors là, ça va partir comme ça. Bon, par là. Même pas, parce que dans Fire Punch, même les trucs malsains, on te fait comprendre qu'ils le sont. Oui, c'est vrai qu'il y a ce recul. Dans l'ambiance, il y a un recul. Là, il n'y a rien. Mais après, je suis d'accord sur le fait que, entre guillemets, ça fait bien son taf sur la dénonciation. Ça montre bien que, justement, dans notre société actuelle, il se peut qu'il y ait des relations comme ça tous les jours, on croise ces gens-là et on réagisse ça le montre bien, ça, je suis d'accord. Je suis tombé sur des relations comme ça, et c'est ça qui m'a plus fait froid dans le dos, en plus, en lisant ça, c'est qu'en fait, j'ai connu des gens dont la relation était comme ça, mais systématiquement. Et du coup, là, je me suis dit, merde, il y a du vécu, limite. T'as l'impression que c'est que le mec a vécu comme ça, ou la femme, je sais pas qui a fait... Une femme, ouais. T'as l'impression que la femme a vécu ça et qu'elle l'étale sur papier parce qu'elle a besoin de le sortir. Bah oui, mais du coup, si ça va par là, si c'est ça et que ça t'a mis mal à l'aise pour ça, c'est que c'est... Oui, ça a bien fait son taf, oui. Ouais. Mais après, c'est le fait... Voilà, c'est juste le manque de remise en question. Voilà, c'est ça qui... Pour moi, il y est dans la mesure où c'est justement montré comme relativement malsain. Pour prendre un comparatif, une histoire qui a des gros points communs, quand même, c'est 50 nuances de gris. C'est le même type de relation, mais dans 50 nuances de gris, quand tu le lis ou quand tu vois le film, très clairement, le ton qui est donné est romantique. C'est-à-dire, Gray, il est montré comme une sorte de chevalier blanc qui sort l'autre de sa fange. C'est clairement comme ça. Hein. C'est montré comme romantique, et les scènes SM ou les scènes où il est hyper dominateur, en fait, on essaie de te faire croire que c'est mignon très clairement. Là, c'est pas le cas, il y a quelque chose de très froid et de très inquiétant de base. Donc pour moi, c'est un peu comme dans, par exemple, si tu lisais du Silence des Agneaux, qu'à aucun moment il y a un personnage qui dit clairement « Attention, il faut pas manger les gens comme le fait Hannibal ». Ouais, Le spectateur est assez intelligent pour le comprendre. Sauf que là, c'est beaucoup plus subtil. Hein. Là, c'est beaucoup plus bizarre. En fait, là, les personnes peuvent s'identifier, effectivement, comme ça s'est retrouvé. Là, justement, t'as cité 50 nuances de gris, mais je veux dire, il y a des nanas, elles étaient à fond dedans, elles s'identifiaient parfaitement à l'héroïne. Là, par exemple, un mec qui lit ça, ça peut l'intéresser de jouer ça, tu vois. Ça peut effectivement lui dire, ah ouais, ça peut fonctionner comme ça. Tu vois, c'est... Oui, parce qu'il y a des connards. Bah oui, il y a des connards, oui, justement. C'est ça le problème. Hein. Il y a des connards. Et une femme peut se dire, peut-être que c'est normal aussi, certains trucs. Et peut-être même des femmes, bon après j'exagère peut-être encore, mais qui vont se dire, peut-être qu'il faut que j'en fasse plus à mon homme ou même à ma femme sur le plan sexuel pour que je lui fasse plus plaisir. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est se mettre de la pression pour rien, quoi. C'est la problématique du viol conjugal qui est mis en avant depuis quelques années, quoi. Ouais, non, j'imaginais le mec qui vit là qui se relève en disant « J'ai gagné !» Qu'est-ce qui se passe, chérie? Pour moi, sur un truc comme ça, s'il y a des gens qui l'interprètent de cette manière, c'est pas de la faute de l'œuvre, c'est parce qu'il y a des connards, il y a des idiots qui sont incapables de comprendre un message un minimum implicite. Bah, ce serait la faute du ciblage de l'œuvre. Et du coup, on revient au problème de début, c'est que ça a été vendu n'importe comment. Ça a été, Mais puis, moi, j'irais même plus. Pour moi, et puis, Issa me parle de message, pour moi, il n'y a même pas de message en fait, dans ce tome 1. Pour l'instant, il n'y en a aucun. Pour l'instant, à aucun moment, on te dit c'est bien ou c'est mal. Vraiment. Et c'est aussi ça que je reproche, en fait. C'est que, ouais, on te fait comprendre que lui, c'est un connard. Oui, ça, c'est assez clair. Que le personnage masculin est montré comme un enculé. Mais à aucun moment, on te fait montrer que ce qu'il fait à la nana, c'est vraiment mal, quoi. Bah, ça, par contre, on le perçoit pas trop. Pour moi, si. Pour moi, si, clairement, vu que lui, c'est un connard et qu'on montre bien qu'il est ultra manipulateur et qu'il profite, qu'il profite d'elle. Oui, mais le moi, fait. À partir de là, il est montré en mal alpha. Il est montré en mal alpha. Et vu le mal alpha, c'est pas forcément mauvais, du coup. Et vu qu'elle rechigne pas plus que ça à le faire. Voilà. Bah oui, mais elle, de toute façon, elle est montrée dès la base comme étant dépressive. Mais tu vois, il aurait pas suffi de beaucoup, il aurait juste suffi de montrer que le personnage féminin se pose des questions. Juste ça, ça aurait suffi. Juste ça. Et y a pas. Ouais, je sais pas. En fait, c'est ça ma problématique. Bah voilà, donc ça nous divise. De toute façon, je te lis la dernière phrase du synopsis derrière. Commence alors un étrange jeu entre les deux collègues, entre domination et plaisir. Plaisir ? Oui, il y en a où du plaisir ? Il y est pas, quoi. Bah, domination, oui, clairement, il y en a, oui. Il y est pour lui, quoi. Ouais, mais c'est mal ça. Non, mais là où on est d'accord, c'est que ça a été très mal vendu par Akata, hein, dans tous les cas. Et puis elle, même, c'est à un moment, elle a un orgasme, alors qu'en fait, elle n'en avait même plus pendant ses rapports. C'est plutôt une jouissance mécanique. C'est quelque chose qu'elle ne peut pas réfréner, parce que le corps, de toute façon, agit comme ça. Parce qu'il y a bien le mot romance. Hein, romance, ouais. Ah oui, non, mais ça a été très très mal vendu. Quotidien, bon, je souhaite à personne d'avoir un quotidien comme ça. Hein. Enfin bon, ne l'achetez. C'est quoi le troisième ne quotidien, pas, romance érotique. Ne l'achetez pas pour une romance, déjà. Et bah en fait, si t'as l'impression d'être joyeur en quelque sorte quand tu lis ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est de percer une bulle d'intimité qui t'appartient pas et de regarder ce qui s'y passe. Mais finalement, pour moi, c'est même pas érotique. Je trouve qu'il y a un côté très froid et très mécanique, même dans les scènes de sexe. Ah oui, ça aussi, je suis d'accord. Il y a pas du tout d'érotisme. Oui, les scènes de sexe, c'est pas ça qui dérange en fait. C'est vraiment le fond, quoi. Mais voilà, même le fait de classifier ça en érotisme, bah non. Parce que, enfin, pour moi, érotisme, ça sous-entend un minimum d'excitation. Là, il y en a clairement qui vont être excités en lisant ça. Ouais, enfin, ouais, je veux dire, dans ce cas-là, ils sont excités. À ce moment-là, il y en a qui sont excités en regardant des animaux morts. Hein, c'est pas pour ça. Il y en a, ils seront excités en lisant Dr. Stone, mais voilà. Enfin, je veux dire. Page au pif, c'est comme ça. Voilà, bon, là, ça va être délicat. C'est un érotisme, quoi. Messieurs, est-ce qu'on en a fini avec Game? Est-ce qu'on... Moi, je voulais juste rajouter que, en tout cas, ça rentre quand même dans la ligne éditoriale de Akata, qui se veut avoir des titres qui font réagir, qui sortent un peu de l'ordinaire et qui sont assez atypiques. Des borderline ? Non, pas forcément borderline, mais tu vois, enfin, je trouve que déjà ça c'est bien. Ils restent dans leur ligne, c'est cool. Après, ça se discute. Après ça, si rééditer Mein Kampf, ce serait aussi le cas, quoi. Ça fait. Ouais, alors. Ça ferait les bonnes discussions de soirée. Toujours les bons mots, ce Issam. Hein. Toujours. Est-ce qu'on en a fini avec Game ? Est-ce qu'on ne se donnerait pas rendez-vous pour quand la série sera terminée pour voir où ça nous amenait ? Ah merde, faut lire la suite. Non, pas forcément, mais Issam la lira donc. Moi je lirai la suite. Ouais, pour voir. Bah, je veux voir si ça change ou pas. Au moins le tome 2, quoi. Moi j'ai pas envie de. Vraiment, cet univers-là m'insupporte. Donc je laisse lequel. Eh bien, nous vous donnons rendez-vous dans un prochain podcast. Passons au second titre. Toujours des affines de merde. De notre sélection du mois, ça y est. En fait, on n'aurait pas dû parler de Game en premier, ce qui va nous la faire comme la dernière fois avec Insect. Il va être odieux pendant tout le reste du podcast. Prépare-toi à avoir ta reco bousillée. Ils ont aimé Fire Punch. Bah, limite, on va parler de Dr. Stone comme ça. Après, il va nous. Non. On va parler d'un titre édité par Pika, Magical Tax Force, Asuka. Bah, justement, je veux pas trop qu'il crache dessus parce que là, il est énervé. Non, parce qu'il a bien aimé aussi. Ouais, mais là, il veut plus aimer. Il a bien aimé. Un titre édité par Pika, écrit et dessiné, il me semble qu'il y a un scénariste, un dessinateur et un mec qui a aidé pour la conception des armes, c'est ça ? Alors, scénario, c'est un peu le bordel. Scénario Makoto Fukami, dessin Sego Tokiya, pardon. Désolé. Je pense qu'il t'excuse. Je le verrai ce soir. Et sinon, il y a aussi un consultant en termes de stratégie militaire, quand même. Ça va aller loin. Ouais, ça, par contre, j'ai pas trop compris. Mais... Bah. Au même titre que dans. Si, en fait. Que dans March, en fait, t'as vraiment des scènes vraiment de bataille. Enfin, je l'ai lu, en fait. Tout, et du mais... coup, enfin, pour moi, il n'y a pas besoin non plus de. Bah, tu sais, dans les films d'action, t'as des conseillers militaires pour ne serait-ce que ça. Un film. Dans quel sens tenir les flingues. Bah, il y a une explication très claire. C'est le médium. Parce que sinon, ils le tiendraient par le canon. Ils sont cons à ce point, tu penses. Non, c'est pas ça. C'est que, par exemple, un flingue, tu sais, tu le tiens vers le bas ou vers le haut ? De toute façon, est-ce que ce soit en sécurité ? Non, mais arrêtez de vous prendre la tête, l'explication elle est c'est simple. C'est vers le haut normalement. Oh, l'explication elle est simple, hein. C'est japonais. Ils font des recherches de ouf, ouais, bah oui. Que ce soit pour leur film ou leur manga. Voilà, elle est là l'explication. Basta. Le mec qui a fait, j'ai oublié son nom, celui qui a fait Les Gouttes de Dieu, il a fait 10 millions de voyages en France juste pour se renseigner sur tous les pinards qu'on a en France, quoi. Ouais. Alors que bon. Sinon, c'est vers le bas. Il aurait dû se renseigner. Il aurait dû se renseigner sur le fait que y a personne qui réagit comme ça en buvant du vin. Parce que les mecs, ils boivent de la villageoise, c'est bon, ils jouissent pendant 3 tomes. De la villageoise. Alors donc, c'est l'histoire de 5 magical girls qui se retrouvent sur un champ de bataille. C'est-à-dire, le début, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, les humains sont débordés par une catastrophe imminente. Et il y a une créature qui sort d'un volcan. Un gros bébé. 5 magical girls s'en occupent, sachant qu'elles expliquent tout de suite qu'il y en a déjà 4 qui sont mortes. Voilà, donc en fait, elles étaient 9 avant, elles ont déjà bien morflé. Et suite à ça, il y a une ellipse temporelle, et on voit une des Magical Girls qui a essayé de prendre sa retraite parce qu'elle a un grave traumatisme post-guerre. Et bah là, s'il y en a qui veulent rajouter, parce que moi, je veux pas spoiler beaucoup plus que ça, parce que vraiment, il y a un... Bah après, tu suis son quotidien, quoi. Bah, elles sont passées qui va la rattraper. Ouais. Voilà, et ça. On voit aussi tous ses traumatismes, parce qu'elle a vécu des traumatismes vraiment déjà très importants dès le début, dès qu'elle était toute jeune, avant d'être une Magical Girl. Et ça explique un peu pourquoi elle s'est pris double ration de traumatisme dans sa vie et qu'elle veut plus lutter. Bah quand on répartit tes parents dans toute la ville façon puzzle, ah oui. Ça fait des traumatismes. Ah, et puis quand elle voit Sakura et Sailor Moon se faire tuer sous ses yeux. Ah, Gigi qui passait sous le camion aussi, oh, ça a pas bien passé. Mais sinon, alors esthétiquement, c'est très sympa. Et au niveau de la chorégraphie de combat, il y a vraiment des trucs qui sont vraiment des... On sent les impacts. Bah, c'est bien on nerveux, sent les impacts, quoi. C'est bien géré. C'est très nerveux, c'est cool. Mm. Le dessin est propre. Rien à redire de plus, quoi. C'est très non. Bonne lecture. Si, il y a un truc qu'on peut dire. C'est que c'est un titre qu'aucun de nous quatre n'attendait autour de la table. Ah, complètement. J'ai vu ça, je me suis dit, c'est quoi ce truc. Et au final, c'est l'une des bonnes surprises du mois. Bah, les personnages sont super attachants, je trouve. Ouais, c'est bien rythmé. Très vite. Ah si, au fait, Magical Girl qui botte des culs avec des flingues et des lames. Hein, Qui ont des designs plutôt sympas, elles font très Valkyrie dans l'esprit. Ah, voilà. Oui, voilà, il ouais, faut pas s'imaginer des Magical Girls qui vont sortir la petite baguette et lancer oui, voilà, des petites boules, c'est vraiment c'est des militarisés. C'est pas des Magical Girls à la Sailor Moon, comme dit Sam. Quoi. C'est et des Magical Girls qui font apparaître plein d'armes ou qui ont quelques pouvoirs affiliés avec leurs armes. Quoi. Et qui n'hésitent pas à buter des gens, quoi. Ouais. C'est ok, ennemi en face, bon, bah on bute. c'est vrai que pour le coup, il n'y a pas l'opposition qu'il y a dans Magical Girl Sight entre le design mignon des Magical Girls et leur pouvoir ultra bourrin. Là, elles sont bourrines à tous les niveaux. Disons que le seul rapport avec toutes les Magical Girls mignonnes, ça va être les petites mascottes qui les suivent partout. Quoi. Ouais. Mmh. Ouais. Ces petites mascottes mignonnes, et puis voilà. À la limite... La soigneuse, plutôt, qui a l'air un petit peu plus kawaii, mais... T'as vu la taille de sa seringue, j'ai pas envie de me faire soigner ah oui, par ça, moi. Ça, elle a le côté un peu plus kawaii, quoi. C'est, ouais. Moi, c'est typiquement le genre de perso psychopathe, tu sais, qui fait kawaii, et puis sur le champ de combat... Ouais, tant que tu dises d'un coup, quoi. Sur le champ de combat, elle morfle quand même. Mais elle a le morfle, pour le coup. C'est l'infirmière. Coucou, contrôle morsuel. Ça, mais un film, tu l'as fait jouer par Jack Nicholson, celle-là. Je voulais revenir sur le fait que... Nicholson en robe et collière avec une seringue géante. Je voulais revenir sur le fait que personne s'y attendait, mais c'est, je pense, typiquement à cause de la couverture un peu putassière, où tu vois le personnage de dos un peu dénudé. Oui, il y a deux raisons. Elle fait putassière, mais quand tu lis le truc, tu te dis que finalement, non. Oui, non mais comme ça, voilà. Tu vois, sans de savoir l'histoire... Il n'y a pas de fanservice, pour le coup. Ouais, il n'y a même pas de fanservice, c'est ça qui est super sympa. Oui, on va peut-être voir une petite culotte par-ci à un moment, mais c'est tout, quoi. C'est et c'est pas appuyé, nul, quoi. Non. Alors, non, par contre, l'autre raison qui fait que personne s'y attendait, c'est parce que Pika, c'est des brels en communication, c'est tout. Ouais, bah oui. C'est aussi ça, l'autre raison. Mmh. Voilà. C'est vrai qu'ils en ont pas parlé du tout. Bah, parce que les mecs sont en train de se transformer en Panini 2, quoi, c'est tout. La transformation en Sailor Moon. La collection graphique, Pika graphique, ils en parlent jamais. La transformation se passe façon Sailor Moon aussi, sinon avec oui, vraiment oui. Le corps qui vient nu, les bandes qui passent autour, qui camouflent juste ce qu'il faut. Mais c'est, vraiment, c'est Sailor Moon, quoi. C'est l'inspiration, tu le sais. Bah, déjà, ça m'a fait sourire. Le souci, c'est que c'est sorti au très mauvais moment parce que Pika est à fond sur les communications de. Ah, si, il y a eu du fanservice sur une page. De l'Atelier des Sorcières. Ouais. C'est le seul truc qui communique. Ouais, mais justement, voilà. Bon, pas tous en même temps, messieurs. Et pas de conversation différente au même moment, par contre. J'ai lu. Non, moi, mais parce que sinon. Dénonce pas. Hein. Communication de Pika, on en parle, la communication Pika graphique. Ou même les auteurs japonais. Se plaignent sur Twitter comme quoi Pika ne fait pas de pub pour les bouquins qui sortent chez nous. Et on en est là quand même. Ils arrêtent de faire chier, ils parlent pas notre langue. C'est bon, hein. On en est là quand même. Il y a des auteurs qui se plaignent, qui disent mais mon bouquin il sort en France dans quelques jours et personne n'en parle. Comment ça se fait? Voilà, si c'est pas un manque de com, ça, qu'est-ce que c'est, quoi? Et c'est pareil pour ce bouquin-là. Il y a eu aucune com dessus. Ouais. Mais j'espère que ça va marcher un peu quand même, parce que ouais, c'est chouette. Je crois qu'il y a déjà un certain nombre de tomes en plus au Japon. C'est ce que j'allais vérifier justement. Mais voilà, en plus ça laisse clairement sous-entendre qu'on va découvrir pas mal d'autres Magical Girls par la suite, parce que c'est vrai que dans le tome 1, finalement on n'en voit que deux d'importantes, ouais, l'héroïne et la soigneuse. C'est ça. Enfin, il y a une troisième, mais ce serait spoilé de trop en parler. Et on voit, ouais, il y a des personnages importants qui ne sont pas des Magical Girls, qui sont juste les copines de classe de l'héroïne, donc ça c'est vraiment chouette. Alors, il y a un truc intéressant, c'est aussi qu'il y a des histoires d'affinité avec la magie, et le fait que les personnes qui n'ont aucune affinité avec la magie ne peuvent pas voir la vraie apparence des Magical Girls. C'est-à-dire, même si c'est leur voisine de palier, ils ne peuvent pas la reconnaître si jamais ils la croisent en Magical Girl, alors qu'elles ont le même visage. Sauf si, voilà, affinité avec la magie. Oui, elle voit une version camouflée. Voilà. Oui, c'est des petits détails comme ça qui développent un petit peu l'univers, quoi. Donc, ouais, il y a plein de petits détails comme ça qui sont sympas. Bah, et qui justifient qu'elle soit pas reconnue à tous les coins de rue, ce qui, dans les autres trucs de Magical Girl. Là. Non, parce qu'on est d'accord, c'est leur moon, elle est grillée, quoi. Bah, à chaque fois, c'est le même. Chaque fois, la même réplique, c'est genre, t'as les personnes qui font ah, mais on tourne un film, qu'est-ce qui se passe? Mais, bah, c'est leur moon, ça le justifie par le fait qu'ils sont. Que quasiment à chaque fois les passants sont sous état d'hypnose oui, aussi, à cause ouais. de l'ennemi, donc c'est justifié comme ça. Mais... Il y a 6 tomes pour l'instant. Et dans Sakura, à chaque fois, par hasard, ça se passe dans des endroits où il n'y a personne. Ouais, comme par hasard. Ah, pour l'instant, 6 tomes en cours. Et la fameuse infirmière avec sa grosse aiguille est en cover du tome 2. Ah bah, elle a un flingue. Bah oui, d'abord elle tire et après elle soigne. Maintenant, je vais soigner ton bobo. Tu sais, c'est une psychopathe. Oh, tu es blessé. Laisse-moi te soigner. Attends, t'es pas assez blessé. 2 minutes après, on est en train de le perdre. Donc vraiment une lecture qu'on recommande plutôt tous les quatre autour de cette table. Ça fait... C'est un de mes coups de cœur manga de ce mois-ci. Hein. Ouais, carrément. Ouais. Peut-être pas un coup de cœur pour moi, mais ouais, une très très bonne lecture. Un de mes coups de cœur, c'est-à-dire qu'en fait, c'est, voilà, ça fait partie du top tier sans problème. Mmh. Le second coup de cœur est en game, c'est ça? Le premier, c'est de... Non, j'ai pas entendu ce que t'as dit. Voilà. Ton cerveau m'a auto-censuré. Voilà. Mais bon. C'est sympa cette vague de Magical Girl bourrine qu'on a depuis quelques années. Bah ouais, avec Magical Girl of the End qui a marqué le début. Ouais. Magical Girl of the End, Magical Girl Sight. Pour moi, le meilleur, c'est Sight, tout le monde. Magical Girl Boy aussi, on a eu. Je n'ai pas lu. Oui. J'oublie à chaque fois ce truc. Et Madoka Magica. Et puis il y en a d'autres qui arrivent là. En cours d'année. Bon! Quel est le prochain titre que nous allons aborder? On va passer aux comics, avec un titre qu'on est trois à avoir lu. Alexis, Sam et moi-même, c'est bien celui que tu as dans la main. Il s'agit de Redneck, édité par Delcourt, l'un des titres du mois de notre cher Alex. Ah oui, parce que c'est mon coup de cœur en fait. Donc c'est écrit par Donny Case, on a au dessin Lisandro Esteren et Dick Unif, je pense que c'est le lettrage, c'est la couleur pardon. Donc on suit l'histoire d'une famille de vampires, en fait, qui sont assez reclus dans leur petite bourgade, parce que justement ils ne veulent pas se mêler à la populace humaine pour ne pas faire de carnage. Et on va comprendre en fait qu'ils sont en rivalité avec une famille d'humains, le nom... Famille de fermiers, ouais. Ouais, une famille de fermiers, voilà, qui sont un peu riches, qui tiennent un peu les rênes de la ville, justement. Et ils sont en rivalité comme ça. Et sauf qu'un jour, en fait, dans la famille des vampires, les jeunes en ont marre de rester cloîtrés chez eux, ils vont se balader en ville, et ils vont faire un petit clash, justement, avec la famille rivale. Ce qui va entraîner quelques déboires, quelques petits échanges. Un petit clash. Mais vraiment, un tout petit, quoi. Le genre de petit clash qui conduit au moins une dizaine de morts. Voilà. Avec une belle explosion. C'est rien. Et donc voilà, on va du coup découvrir un peu toute l'histoire de cette famille, tous les secrets, et je vais pas en dire plus, mais c'est super. Je vous recommande, c'est mon coup de cœur, achetez, lisez, lisez la suite, voilà, c'est tout, c'est bon, c'est fini, merci, au revoir. N'importe quoi. Alors, excellente lecture pour ma part aussi, on peut quand même prévenir que visuellement, ça peut pas plaire à tout le monde. Oui, c'est assez particulier, ouais. Pardon. Qu'est-ce que j'ai une toux, là, c'est bon. C'est très particulier, alors ça colle parfaitement à l'ambiance, hein, cela dit, hein. Oui. Visuellement... notamment un des personnages de la famille des vampires qui est vraiment... L'art colle super bien, oui. Le grand-père. C'est ça. Mais ouais, c'est un trait très griffonné, mais du coup très énervé, qui colle parfaitement pendant les scènes de carnage, en fait. Sale et furieux. Sale, furieux et poisseux. Et ouais, ça colle bien avec l'intrigue et avec le milieu où ça se déroule. Mm-hmm. Vraiment la campagne profonde américaine, là où t'as que des blaireaux et des bons rednecks, comme l'indique le titre. Les dialogues sont assez crus parfois, donc c'est cool aussi. Ouais. Mm-hmm. Oui, clairement, c'est pas à mettre entre toutes les mains côté violence, quoi. Bah, c'est le truc qui est vraiment dépaysant, c'est que ça met les vampires dans un contexte où on n'a vraiment pas l'habitude de les voir. C'est la campagne américaine profonde avec ses blaireaux et ses débiles. Voilà. Ce qui est en train de devenir toute l'Amérique. Non, mais ce que ça nous narre, c'est la lutte ancestrale entre deux familles dont on a l'impression qu'elles sont bien incestueuses depuis des générations. Ouais. C'est vraiment l'Amérique ultra profonde dans tout ce qu'elle a de plus dégueulasse. Et voir les vampires dans ce contexte-là, c'est quand même très inhabituel. Et puis même la famille de vampires est plutôt... Même au sein de la famille, il y a des clashs, des relations. C'est pas qu'ils sont pas que en clash contre l'humanité, quoi. Oui. Même entre eux, il y a des dissensions, quoi, internes à la famille. Il y a une divergence d'idées entre les générations. Il y a celles qui veulent ne plus se cacher, ceux qui justement veulent rester cachés, ceux qui veulent asservir le reste de l'humanité. C'est ça. Enfin, voilà, quoi. Le grand-père, c'est un petit peu le tonton facho qui est resté époque. Et du coup, ça va péter. Ça pète bien quand ça pète. C'est trop bien, quoi. Il me semble que la série est toujours en cours aux US. Oui. Elle est éditée par Image Comics là-bas. Oui. Par contre, je ne sais plus combien de tomes ils en ont déjà. Il y a 2 TP de sortie et du coup, là, il y a la série qui continue. D'accord. Le tome 2, je crois, en France, il est annoncé à la fin de l'année, non? Non, il n'y a pas encore de date. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date encore. Ah, zut. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que va y avoir une suite, mais le tome 1 en soi se suffit complètement à lui-même. Oui. C'est la fin du tome 1 pourrait être une conclusion. C'est vrai. Mais on veut quand même la suite. Je suis d'accord. mais voilà. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Et pourquoi faire la suite, là? Si, je pense que pour faire un comparatif, ça peut plaire à ceux qui aiment Devil's Reject. Oui, un truc. Pour le côté, on suit des personnages qui sont pas forcément gentils. Ouais, et puis avec une ambiance crade. Avec une ambiance poisseuse et dégueu, ouais. Ça colle plutôt bien. Effectivement, Rob Zombie collerait parfaitement pour une adaptation cinéma. Devil Reject, on l'avait dit, je crois, hein, déjà, qu'il va faire une suite au film. Oui. C'est en cours de tournage. Voilà. C'est tellement une bonne annonce qu'il faut qu'on le répète à chaque podcast. Voilà, c'est ça. Tant qu'on parle d'adaptation au ciné ou en série. Chez Image, la série Deadly Class va avoir une adaptation en série chez Sci-Fi. Ils ont fait le casting, ils ont mis des photos et ça a l'air trop bien. Voilà, c'est ça. Je vais regarder Day One. Est-ce qu'on en a fini avec Redneck? On parle de série et de vampires, il y a Tokyo Vampire Hotel qui est enfin disponible avec les sous-titres. Regardez, c'est génial. Quel est le rapport avec les comics? Je ne sais pas. Si, on parlait de vampires. Des vampires et c'est une série, fais pas chier. Et toi? Sinon, on notera aussi qu'il y a Twilight qui repasse à la télé en ce moment. Il y a une série Twilight qui va être faite. Est-ce qu'ils vont faire comme pour les taxis? Ils vont mettre le 1, le 3 et puis la semaine d'après le 2, le 4 ou... Oui, enfin, en même temps, ça va, les taxis, il n'y a pas trop de mal à suivre l'histoire. Ah si, le fil rouge, quand même, de la relation. Faut que j'aille voir le 5, il y a un nain. J'aime bien les nains. Pareil qu'il y a une scène où, pour rater une voiture, il jette l'aggro sur la voiture. Ça a l'air bien, hein, ce film. Faut que j'aille voir ça. Je crois que c'est ce truc qu'on voit dans la bande-annonce, il me semble. Mais... J'applaudis. Ça a l'air cool, hein. Ah, la France, franchement. Ça valait le coup d'en faire un saga. ça valait le coup. Ouais. Est-ce qu'on a fini avec Redneck? Oui, achetez-le. Ce fut court mais intense. Achetez-le, merci. Eh bien, il est temps de passer à la suite. Il est là. On va parler de Ranjo Desperado, édité par Kurokawa chez nous. Hop. Écrit et dessiné par Ando Chic. Voilà. Où on suit l'histoire de Monko. Monko, une jeune femme qui vit dans un Japon féodal mixé avec le western américain des plus belles années. Et en fait, son but dans la vie, c'est de trouver le mari idéal. Et donc, elle parcourt le territoire de ville en ville pour trouver l'amour. Niveau ambiance, c'est comme si on avait pris Gumn, Cowboy Bebop, et j'avais une autre référence en tête. Bah déjà, c'est beaucoup, là. déjà, c'est Sarah. Hein c'est Sarah. Non Mais... Trigun pour le côté western, je sais pas. Bah ouais, Trigun aussi, ça colle. C'est comme si ces trois-là s'étaient retrouvés dans une partouze et avaient... Et... Ranger Desperado en était sorti. Été avorté. Sacré ça, partouze, hein. Ça a pas mal évoqué certains Takashi Miike de la belle époque. Mais et le Bon, la Brute et le Cinglé. Mais il y a énormément de références déjà au cinéma spaghetti italien, au western. Il y a énormément de références. Et je pense, à mon avis, tu les as peut-être mieux vus que moi, mais à mon avis, il doit aussi avoir des références au cinéma asiatique. Oui, oui. Bah, oui. Bah, ce qui est super, c'est que déjà, le cinéma spaghetti italien, c'est du tirer des références asiatiques. Donc du coup, ça se renvoie à la balle. Mmh. Oui, déjà, d'où le côté très le Bon, la Brute et le Cinglé, parce qu'il y a, l'aspect western spaghetti en mode délirant et asiatique. Oui, tout à fait. Excellent, d'ailleurs. Il est génial, oui, regardez-le. Une bien belle recommandation casée comme ça, en milieu de chronique. niveau ambiance, non, on est... Non, pas casé, Kurokawa. Putain, je n'osais pas la faire, mais merci. Mon Dieu. Niveau ambiance, on est dans de l'action délire qui se prend vraiment pas au sérieux. On n'est pas là pour réfléchir. Pas le temps de faut niaiser. Préciser que le personnage principal le est une femme hyper badass qui met la branlée à tous les mecs qu'elle croise... Sans qu'ils s'y attendent. Se retrouve à tous être des connards en fait. Ouais, au départ, elle pense que c'est des bons mecs et puis au final, c'est tous des connards. Ah bah c'est Cavity Jane quoi. C'est un peu ça. Mais sauf que elle est plus portée sur l'amour que sur la justice quoi. Ouais. Parce que elle est capable, à certains chapitres, elle franchit un petit peu la ligne jaune justement pour aller dans le sens du mec qu'elle pense tomber amoureuse quoi. Et du coup, les mecs sont tellement tous des branleurs, excusez-moi du terme, qu'au final, elle est obligée de se battre avec une femme pour avoir un peu de joie dans sa vie, quoi. Ouais, voilà, à la fin, ouais. Non, mais justement, ça évite le côté trop femme dominée, dans la mesure où c'est elle qui domine tous les autres, quoi. Ouais. C'est la seule qui sait faire des trucs à peu près corrects, à part l'autre femme du groupe, justement. Et tous les mecs qu'elle rencontre sont des connards qui au début ont l'air super sympas, qui au début la charment et qui finalement lui font des coups de pute. Donc. Nana, du coup, l'autre Nana, elle, qui a bien compris que tous les hommes sont des connards. Oui. À part un qui n'était pas un connard, mais malheureusement pour elle... Ouais. Ah oui. et c'est rigolo parce que du coup, l'autre Nana veut la buter, non pas parce qu'elle est vraiment ennemie avec elle, mais juste parce qu'elle la trouve trop idéaliste. Ouais. Elle veut la buter ouais, juste parce que... C'est un peu radical quand même. Ah mais, t'aimes trop les hommes, il faut que je te bute. Non mais... Une bonne vision. Du coup c'est Twitter. C'est ça. Non mais pour vous donner une idée, dès le chapitre 1, bah, on découvre que l'héroïne elle a un bras mécanique avec toutes sortes de gadgets et elle combat une araignée géante. Une araignée avec une tête de chat. Une tête de chat. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, c'est... Ouais, l'univers est vachement cool, ouais. Non mais dans les mangas, faut toujours un chat. Oh, mais là, un chat araignée, quoi. Ouais, mais c'est pas grave. Voilà. Même dans Gabe, à un moment, avec le chat. Oh, putain. Tais-toi donc. Visuellement, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est propre. Le dessin est plutôt propre. Il y a... les pages sont bien remplies. T'as pas de soucis d'absence de décor. Mm. Issam nous en parlera pour un futur shoujo d'absence de décor dans la liste. Mais ouais, c'est très très propre. La série vient de se terminer au Japon, vu qu'elle comptera 6 tomes. Donc au moins, on sait où on va. Ça sera pas une série bien bien longue. Mais moi, ça fait partie de mes séries du mois, ouais. De mes lectures du mois. Ouais, pour moi, ça fait partie de mes bonnes surprises, ouais. Un vrai dynamisme dans le dessin, dans les scènes d'action. Bah, encore une fois, ouais, un titre qu'on n'attendait pas trop. Pour le coup, Kurokawa, on a fait un petit peu de pub quand même autour. Mais je m'attendais à un truc vraiment balourd. Ouais, moi, pareil, terrible. En fait, en voyant la coupe, je me suis dit que ça va être un truc un peu chiant, quoi. Ouais, voilà. Pour le coup, moi, pourtant, je sais pas si tu te rappelles, mais dès le début, celui-là, il me tentait. Oui, la couve, il me tentait vraiment beaucoup. La couve t'a tiré direct, je pense. Puis ouais, graphiquement, le mélange entre l'univers western et l'univers féodal japonais est traité sur le plan visuel. Il y a plein de détails qui sont à cheval entre les deux. Du coup, même les décors sont super cool à regarder. Et ça colle vraiment bien, ouais. Ah, puis son ennemi, là, la blonde, elle est... Elle est géniale. Elle est géniale, quoi. Alors, ouais, ça fait partie de ceux que j'ai pas lu. La psychopathe. Ouais. Mais que du coup, t'as envie de lire. Hyper baraqué d'un coup, là. C'est ça. Mais du coup, c'est peut-être pour ça que mon top tier, il est pas tout pareil que le vôtre. Les patates calmées. En admiration devant les patates. Ouais, c'est le deuxième truc de fille badass pour ce mois-ci, c'est cool. C'est quoi le premier? Magical Task Force. Ah oui, je croyais que je parlais de game. Badass. On parlera d'une nana bien plus badass que, tout, que ces deux-là, hein, plus tard. Pour une recommandation spéciale. Ah, je croyais que t'avais parlé de Dr. Stone, je me disais que aussi. Ah ouais, elle est pas très badass. Non. On va reparler. Donc ouais, clairement, une lecture que je conseille à fond. Et puis pareil pour mes deux petits camarades. Ouais, pareil. Donc voilà, une série qui vient de se terminer au Japon, donc je le rappelle, en 6 tomes. Est-ce que messieurs, vous voulez rajouter quelque chose sur Ranjo Desperado? Non. Ouais, le tarif ça fera un bon film. Bah, une belle édition, le tarif a l'air cool, donc ouais, il n'y a pas de raison de se priver. C'est, hein. Le tarif, c'est un... Le tarif habituel, quoi. Le tarif habituel de chez Kurokawa, du seinen, il est à 7,65, je crois. Mmh, c'est ça. Ouais, mais c'est du papier. Mais enfin, voilà, c'est du bon papier. Ouais, Kurokawa, voilà. En général, c'est des éditions soignées. Hein. Non, franchement, ça va. Et puis, voilà, 6 tomes, c'est pas un gros engagement. Oui, il y a aussi ça. Bah, au vu du scénar, ouais, c'est une bonne longueur, c'est cool. Et puis, pour le coup, un univers comme ça, bah, on n'en voit pas tous les jours. C'est ça. Ça sort vraiment du lot, quoi. Mais on va voir après que c'est pas forcément un argument de vente. De quoi, les univers qui sortent du lot? Oui. On en parlera, mais pour moi c'est pas un univers qui sort du lot. Hein. Ah bon? Ah oui, clairement pas. Oh, bah, pareil. On en parlera plus tard. Parce que pour l'instant, on va passer à un titre de chez Doki Doki. Un titre que nous avons tous lu. Un titre qui s'appelle Routine. Et un titre qui est terminé au Japon en 3 tomes. Ouais. Vas-y. Vas-y. Là, ça se bat pour faire le résumé. Bon. Alors déjà, ça ne sera ni Alex ni moi qui feront le résumé, vu que nous, voilà. Moi, j'en ai rien à péter, quoi. Voilà, c'est ça. Je vais pas non plus le défendre à fond la caisse. Hein. Alors, Routine, c'est l'histoire d'un lieutenant de l'armée qui s'appelle Oro Gataka, qui est envoyé, en fait, dans une... Enfin, à une mission particulière, parce que une ville a été recouverte d'un dôme, et rien ne peut sortir ni entrer dans la ville à cause de ce dôme. C'est les Simpsons le film, ça? C'est... Oui, ou le dôme. Le dôme de Stephen King. La particularité, c'est que lui est originaire de cette ville. Quand il était enfant, il vivait dans cette ville, et il en est parti pour des raisons qu'on découvrira au fur et à mesure. Et le dôme va le laisser rentrer, en fait. Comme s'il y avait une histoire de t'es originaire de là, donc t'as le droit de rentrer. Là, techniquement, il y a aussi tout ce qui est matériaux, tout ça. Il faut que ça provienne de la ville. Voilà. Ouais, voilà. Et donc, tout ce qui peut rentrer, ce n'est que ce qui vient de la ville. Donc, c'est ce donc qui la va, machine. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est une critique de la mondialisation. Je l'avais pas vu comme ça. Ah, ce serait donc ça. Toujours est-il qu'il va rentrer dans ce dôme, et il va se rendre compte que... tout le monde dans la ville le voit comme quand il avait 8 ans, donc juste avant qu'il ne quitte la ville, et qu'il est revenu en fait à la veille du jour où un drame s'est commis, où un de ses camarades en fait est mort dans un incendie. Et donc il va commencer à se dire, bah, est-ce que je peux changer les choses? Est-ce que je peux éviter toute une série d'événements catastrophiques qui ont foutu en l'air mon groupe d'amis d'enfance? Ouais. Pour le résumé, ça vous paraît suffisant? Oui. Et puis alors, après, il y a beaucoup de choses dedans. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments qui sont des sortes de micro-indices qui ont été laissés tout au long de l'histoire. Notamment le fait que la fille, justement, enfin la camarade qui est morte, on a l'impression qu'elle savait quelque chose avant. Mm-hmm. Qu'elle voulait absolument dire il va arriver quelque chose de catastrophique et tout. Et... Oui, c'est un garçon. C'est un garçon qui meurt. Par contre, effectivement, tous ses amis, il leur arrive des merdes. C'est-à-dire, il y en a une dont on sait qu'elle va avoir bientôt un accident qui lui fera perdre ses jambes. Ouais. Et il y en a une qui s'enfuit de chez ses parents et qu'on n'a jamais revu. Bah, oui, c'est ça. Et du coup, potentiellement, ça devient l'objectif du manga. Quoi. Ce qu'il n'avait pas rendu avec lui. Et du coup, il va arranger les choses. Oui, voilà. Encore une fois, de conversation. Ah, c'est le mec qui avait rendez-vous. D'accord. Ah, je me suis mélangé. Non, mais j'ai lu il y a longtemps. Parce que du coup, ça devient l'objectif du manga, en fait. Bah, le fait que tous ses potes vont avoir des soucis, et lui, il va tout faire pour arranger ça. À mon avis, c'est ça... Oui, mais ce qui m'a dérangé, c'est qu'en fait, tout cet objectif-là, on te le présente dans les 15, 20 premières pages, oui. Peut-être. Et le reste du tome, en fait, sert à ne rien faire pour et surtout augmenter, enfin, pour avancer dans l'intrigue, quoi. Et du coup, l'autre souci, c'est qu'il n'y a que 3 tomes. Voilà. Donc, est-ce que tu la sens venir à la fin bien bâclée? Et surtout, quand tu vois ce qui s'annonce dans le tome 2, tu te dis que ça ne va pas ranger les choses. À ce stade-là, je pense que ça peut suffire, 3 tomes encore, si effectivement le tome 2 n'est pas trop. Ne s'éparpille pas. Bah. Je vois pas le problème. J'ai l'impression que ça va. Ouais, quand même. Ouais. Le petit passage classique dans l'école où il va passer les trois quarts du tome à aller dans les vestiaires et tout, bref. Ouais, peut-être que ça serait été rapidement, je sais pas. Non. Je sais pas. À mon avis, non. Mais encore une fois, c'est... Ah là, vous faites un peu un procès à voilà. Paris, quoi. C'est... Oui, voilà, c'est ça. Putain, il fait très féminin. Vous envoyez les fichiers S en prison. Ouais, mais après, quand tu vois ce qui se passe dans le tome 1, on parle d'une gamine qui a 10 ans, 11 ans, je sais plus, 11. Qui pense déjà à faire l'amour, qui n'hésiterait pas aussi, à se mettre à poil devant le mec. Ça, ça aussi, c'est un truc qui m'énerve. Les... Bon, ça, c'est Les enfants qui ont des discussions d'adultes. Beaucoup de pauses un peu tendancieuses. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, dès que t'arrives vers les 11 ans et tout ça, tu commences potentiellement à parler de ce truc-là, mais c'est pas rodé dans ta tête. Bah oui. Tu dis des mots que tu sais même pas à quoi ça correspond. Bah tu sais pas déjà tout, quoi, enfin, entre guillemets, quoi. Je veux dire, c'est comme si, si tu demandais à quelqu'un dans la rue, dis-moi à quoi ressemble Dieu, décris-le-moi exactement tel qu'il est. Non, pas tel que tu l'imagines, tel qu'il est. Voilà, je me fais un peu l'avocat du diable là-dessus, mais son père, on apprend que son père l'a déjà fiancé, visiblement. Ouais, donc... ça peut peut-être s'expliquer un peu, même si, effectivement, c'est un peu abusé. Et je suis d'accord pour le fanservice, par contre, il y en a trop. Il y en a trop. Mais après, ça a été une lecture plutôt agréable pour moi. Bah, j'ai passé un très bon moment aussi. Moi, pas du tout. Très bon, j'irai pas jusque-là, mais j'ai passé un bon moment. Moi, je me suis emmerdé, comme pas possible. Bah, moi, je me suis emmerdé, pas sur le fait que la lecture soit mauvaise ou quoi, c'est que l'intrigue, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'avance pas dedans, il fait d'autres trucs, tu te dis, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'emmerdes à passer les trois quarts du tome à faire ça, alors que t'as ça à faire? Ah oui, c'est ça. Surtout qu'il y a que trois tomes. Oui. Si c'était une série longue, je dirais, ok, le mec... Si c'était une série longue, le mec, finalement, il aurait pu perdre son temps, en quelque sorte, en faisant quelque chose, en essayant de bien faire, et finalement, sortir, merde, en fait, je me suis foiré, donc faut que je réussisse à raccourcir le truc. C'est ça. Et, ouais, là, c'est la durée. Pour moi, c'est effectivement le gros point noir, c'est le fait que ce soit qu'en trois tomes. Et oui, après, je veux bien que ça soit faire un procès, comme tu dis, Issam, mais 95% des séries Doki Doki, c'est ça. C'est des petites séries qui partent d'un bon postulat, qui sont annulés et qui sont toujours bâclés sur la fin. C'est vraiment 95% de leur série. Tu sais, 95% des nazis, c'était des gens mauvais. C'est pas pour ça. Ça ramène toujours tout aux nazis. Hein. Le point Godwin de l'enfer. Toujours, j'adore ça. Faut faire attention. Hein. Tu vois, c'est pas parce que Drop Frame va réussir à faire un truc bien que ça va être le cas pour les autres séries. On n'a pas encore lu la suite, on sait pas. Hein. Mais bon, ça s'annonce très bien, quoi. Après, Drop Frame, ça s'annonce maîtrisé. Enfin, le truc qui me pose peut-être le plus problème dans Routine, c'est effectivement qu'il y a quand même pas mal de points communs dans le principe avec Drop Frame, qui pour le coup est largement mieux. Voilà. Et tout ce fanservice dégueulasse sur des enfants. Ouais, moi ça aussi, ouais. Ça qui est très problématique. Même si, pour le coup, je le trouve largement plus modéré que beaucoup de trucs qu'on a. Oui, bah oui, parce que si tu compares avec les trucs glaireux façon No Game No Life, le souci, c'est qu'au bout d'un moment, oui, ça devient nos points de comparaison. Mais comme je disais tout à l'heure, attendons de voir le top 2 dans l'école. Moi, je dis, ça va devenir cringe, mais. Enfin, cringe, je sais pas comment on dit, mais. Cringe, ouais, ça va devenir cringe. À souhait, quoi. Déjà, oui. Dans les vestiaires, dans la salle de classe. Mais déjà, on verra la conclusion du tome 2, quoi. Mm. Si le tome 2 se conclut et qu'il n'y a aucune avancée dans l'histoire, bah on sait que ça sera bâclé, quoi. Ouais. Oui, forcément. Ça se trouve, il va dire, oh, vas-y, en fait, je m'en bats les couilles, je me casse. Et puis, il rentre lui, et puis voilà. Il se barre et dit, non, en fait, il n'y a aucun survivant. Il emporte la gamine avec lui. Et du coup, quand il repasse de l'autre côté, bah, il est adulte. Et elle elle est toujours gamine. D'accord. On t'avait dit de jamais rentrer dans la navette d'un inconnu. Et elle ressort, elle est la squelette. Ah merde, elle est morte entre temps, c'est vrai. Non, elle est pas morte, elle s'est barrée. Ah, mais il s'est passé des trucs entre temps potentiellement. Bah, elle a peut-être pas eu de chance. Les années d'éclat. Mon dieu. Mais c'est vrai, on sait même pas au final. Est-ce qu'il va avoir une influence sur les événements ou pas? Est-ce que ça reste que dans le dôme? Oui, non, mais même ça, on le sait pas. On sait pas. Oui, mais ça, c'est logique. On sait pas si déjà le fait qu'il soit rentré, qu'il ait fait des trucs, ça a influencé sur ce qui se passe derrière. Oui, mais ça, c'est normal, vu qu'on voit ça de son point de vue. Ouais. Bah, ce serait terrible qu'il puisse pas influer sur les choses finalement. Limite, ça serait cool. Tu vois, là, t'as moyen de finir. Peut-être que ça va être le coup classique. En fait, ce qu'il est en train de faire, c'est ce qui l'amène à être maintenant à l'état actuel. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a des risques. Ça va être le coup classique, quoi. Je pense que vous recherchez beaucoup trop d'explications. Là, ça va trop loin. Pour une série en 3 tomes qui, à mon avis, va se terminer en queue de poisson. Hein, mais ce n'est que mon avis. Hein. Je voudrais pas être pessimiste, mais. Ouais. Bon, par contre, il râle, mais si vous venez lui acheter au gré des bulles 44 rue du Jard, il prend un grand sourire quand même. Hein. Non, je vous conseillerais plutôt d'autres choses. Quand même, on a du cœur ici. Bah, c'est qu'il te reste 15 Dr. Stone à écouler, il faut les vendre. Non, il m'en reste moins, t'es fou, quoi. C'est bien parti. Maintenant que l'arbitre moderne a fait une vidéo, ça y est, ça part. Il en reste 7. Ouais. T'as vu ça? Bon, on a terminé avec Rotine. Oui. Il est grand temps de rentrer dans notre tunnel shoujo. Parce que ces messieurs de chez Pika ont fait une collection, enfin, ont revu leur collection shoujo. Shoujo Addict. Mais non, mais c'est... Après, je crois qu'il y en a la moitié qui ne sont pas chez Pika. Si, si. Sur 4 titres, il y en a 3 de chez Pika. Donc, si, si. Tout va bien. Et Nobi Nobi appartient à Pika. Mais bon, le truc sur le diable, c'est... Non, mais là, je parle de la collection Shoujo Addict. Ah oui, avec la petite étiquette. D'accord. Le petit macaron. Les petits macarons. Mais on va commencer d'ailleurs par le c'est titre bon, de chez... Et effectivement, c'est délicieux. On va commencer par le titre de Nobi Nobi. Toi, ma belle étoile, vous êtes que deux à l'avoir lu, c'est-à-dire Issam et Alex. Une petite série en 4 tomes. Oh bah, le résumé va être assez court. L'auteur déjà, s'il te plaît. L'auteur, excusez-moi. C'est une ou un? Je ne saurais pas. Je pense qu'il me semble que c'est une. Une. Alors, une. Une. Dit-il la bouche pleine. Lalako Kojima. Je n'ai pas la sœur. Un lien de parenté, peut-être. l'histoire va être assez rapide. En fait, on va suivre un nouvel élève qui va arriver dans l'école. Il va être un peu timide. Et donc, il va essayer de s'intégrer un peu dans sa classe. Et il va passer par l'étape assez classique de devoir intégrer un club. Et il va tomber sur le club d'astronomie de l'école. Donc, il va s'y inscrire parce que ça l'intéresse. Et puis, les gens, ils ont l'air assez cool avec lui. Et notamment une personne qui l'intéresse plus particulièrement, qui s'appelle... Sera. Comme Eric. Qui est une fille en fait assez introvertie comme lui, enfin beaucoup plus que lui même je dirais, qui vient pas souvent à l'école et ça l'intrigue, il est assez sous le charme pour pas dire amoureux dès le départ. Et c'est ce qui va le pousser en fait à vouloir passer beaucoup plus de temps avec elle et elle, de son côté aussi, ça va un peu la stimuler, ce qui va faire qu'elle va venir un peu plus à l'école, bref, voilà. Vous voyez un peu l'idée, la relation va se créer, et on va suivre cette petite histoire. Ok. Est-ce que ça te convient, Issam? Ouais, j'étais en train de me demander si on dévoile la... Enfin, parce qu'il y a un élément important à la fin du tome qui... C'est vrai que ça arrive à la fin. Ouais, si c'est à la fin du tome, donc... Ouais, voilà, je sais pas trop... Par contre, sinon, au début, j'ai eu peur, parce que quand tu m'as décrit le truc, je me suis dit qu'il allait faire des papasseries administratives pour rejoindre l'école pendant l'école. Alors, en fait, pour son dossier, voilà, il fallait qu'il fournisse telle pièce. Ah merde, il manque un papier. Ah, je le ramène demain. Donc c'est une série complète en 4 tomes. Le titre original, c'était toi, mais on le s'est passé à 38. Donc ouais, série est terminée en 4 tomes. En 4 tomes, donc ça va être pas assez... terminé, pour l'instant on a 2 tomes de sortie. Ouais, donc ça va être assez court, donc c'est pas un gros investissement. Et j'ai plutôt bien aimé, c'est très mignon. Le petit twist de fin donne envie d'aller voir la suite pour voir comment ça va se dérouler, donc très chouette. Pareil, okay, en fait, okay. C'est vraiment du shoujo très... du shoujo romance très prévisible, on va dire. C'est-à-dire, il y a les clichés du shoujo romance, oui. Que ce soit au niveau des personnages, au niveau de l'ambiance et compagnie, mais c'est très bien fait. Mmh. C'est beau. Oui, c'est très joli, visuellement. C'est très joli. Oui, les personnages, très joli. Je les ai trouvés super attachants. Ouais. Même le garçon, en fait, on s'y attache dès le début. Bah, et puis même les personnages secondaires du club d'astronomie... Ouais. Enfin, ils sont assez délirants, j'ai trouvé ça cool. Donc voilà, ça révolutionne pas le shoujo, mais j'ai passé un très bon moment à le lire, et pour le coup j'ai lu le tome 2, et ça continue bien. Faut que je le lise. Ça continue dans la même ambiance, c'est vraiment chouette. Même le petit twist de fin, pour le coup on s'y attend vraiment pas, donc ça marche déjà. Et ça peut amener un petit peps dans la relation, c'est cool. Bah, c'est traité comme un thème, notamment autour de sa psychologie à elle. Mm-hmm. C'est plutôt bien abordé, ouais. Donc moi je recommande, si vous voulez faire un nouveau shoujo addict, justement, de la petite du petit quartet là qui est sorti ce mois-ci. Toi ma belle étoile, c'est un bon choix. C'est clairement le plus enfantin des quatre, celui destiné au public le plus jeune. Oui, en même temps, c'est édité par Nobi Nobi, qui est un label qui, en général, cible la jeunesse. Donc, Ouais, c'est le plus abordable, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais ça n'empêche que des messieurs de plus de 20 ans barbus comme vous peuvent les apprécier. Oui, voilà. C'est bien vrai. c'est bien vrai, me dit-il avec sa chemise de bûcheron. Mais aimer un truc de Nobinobi prévu pour un public plutôt très jeune, c'est la deuxième fois que ça nous arrive. Ah, mais la première fois, voilà. C'était Yuzu, quoi. Voilà. Elle met des coups de boule aussi. Donc, là, il y a moins de coups de boule que dans Yuzu. T'es obligé d'aimer Yuzu, quoi. Puis Alex, il y a un autre titre aussi qu'il aime beaucoup de chez Nobinobi. Flying Witch. Ah, Flying Witch. Bah, moi aussi, d'ailleurs. C'est génial. Toi aussi. Ouais. Je savais plus que c'était où. Mais oui, c'est génial aussi. Faut en faire une reco. Ils sont bien. Ah ouais, bah, ils ont plein de petits titres. Super. Là, ce mois-ci, ils sortent le truc sur le camping, qui a l'air chouette à voir. Ouais. C'est Gensuga qui nous disait que c'était chouette. C'est ça. Donc ouais, ils ont des petits trucs sympas. Et même, ils sortent aussi des mangas vraiment jeunesse, de licence jeux vidéo, genre Megaman. Ça reste aussi des petites lectures sympas. Bah ouais. Un petit éditeur qui fait des trucs cool. C'est pas eux qui ont un truc sur les chats aussi Sur les... Alors, potentiellement tous les éditeurs ont un truc sur les chats, oui, mais... je sais plus le titre, mais dont j'avais lu quelques chapitres et qui était super bien. Alors si, je sais qu'ils avaient sorti Moustique, qui est un chat. Bah c'est peut-être ça. Et il y avait un spin-off de Moustique qui s'appelait Big Boss, où c'était un gros chat avec une cicatrice sur l'œil. T'as un spin-off d'une série de chats. C'est assez incroyable quand même quand tu penses. Ça arrive en vrai, ça. Ah là là. Est-ce que vous en avez terminé avec Toi, ma belle étoile? Oui. Ouais, c'est... lisez-le. Mais il faudra que je le lise. Je voulais le lire, mais je n'ai pas eu le temps. Et ben, on va enchaîner avec un autre titre de ce label Shoujo Addict. Un titre cette fois-ci lu par Issam, encore une fois, et Necro, Waiting for Spring, avec pour le coup une couverture toute rose pimpante. Alors, donc, Waiting for Spring de Pika Edition par Anashin. Donc déjà, avant de faire un résumé, on va dire que ce truc-là, j'ai dû le lire dans le bus, pour commencer, et que la couverture est rose pétante des deux côtés, donc c'est marqué Shoujo en gros avec un panneau clignotant. Voilà. La couverture du tome 2 sera orange pétante, alors. Hein. Alors, c'est l'histoire donc d'une fille plutôt banale, décrite comme plutôt banale, qui à chaque fois, celle qui est un peu introvertie, qui reste en arrière dans la classe pour sortir la poubelle, qui ne se mêle pas trop aux gens, et qui va par tout un tas de situations se retrouver à se rapprocher d'un groupe de 4 hommes qui sont dans le club de basket et qui sont vraiment les plus beaux mecs de l'établissement, et toutes les nanas sont en transe à chaque fois qu'elles les voient, alors que elle est un peu détachée de tout ça. Et les situations vont faire que elle va finalement faire partie un peu en quelque sorte du groupe. Elle va toujours être prise avec eux et se retrouver à vivre finalement les moments qu'ils ont de calme hors des groupies, de façon à pouvoir discuter avec eux et vivre des moments tranches de vie. On peut dire, c'est pour une raison assez simple, c'est qu'ils se retrouvent à se réunir entre potes dans le café où elle travaille. Voilà. C'est comme ça que... Et la règle qu'ils doivent tenir, c'est que personne ne soit au courant de ce café-là, qui viennent dans ce café-là, de façon à ce qu'il n'y ait pas de groupies qui viennent faire chier. Pour être tranquille. Voilà, voilà. C'est elle qui impose cette règle, d'ailleurs. C'est elle qui impose cette règle. C'est pas eux qui veulent pas de groupies, c'est elle qui veut pas qu'on sache... Voilà. Qu'elle bosse dans ce café. Ouais, que sa vie privée se fasse envahir, en fait, par ses camarades de classe dont elle a rien à faire. Voilà, et de toute façon, elle le dit, hein, que ce café-là est extrêmement important pour elle, et que, voilà... Mais donc, les garçons dedans sont des mecs, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des moments où ils sont lourds, où ils sont cons, où ils sont... Et à côté de ça, après, il y a d'autres moments où ils sont vraiment touchants. Qu'est-ce que tu veux, c'est des basketteurs, hein, faut pas trop leur Mais il y a tous les ingrédients pour que j'y teste. Aujourd'hui, Issam se met tout le monde à dos, les basketteurs et les nazis. Ah non, au contraire, les nazis. Et ceux qui ont des chiens. Et ceux qui ont des chiens. Imagine les nazis basketteurs qui avaient des chiens. Ah bah les bergers allemands, je peux pas supporter. Alors que c'est tellement bien, les bergers allemands. Oh là là. Y a tous les ingrédients pour que je déteste. Donc des bergers allemands, des basketteurs et des nazis. Non, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, je veux dire, lesquels plus beaux mecs de la classe et tout ça, le fait qu'il y ait une nana qui soit plutôt banale et finalement peut-être qu'elle va se révéler être super belle quand elle va prendre soin d'elle, tout ce que je déteste. Mais là, c'est tellement bien composé et c'est tellement bien amené que c'est cool. La lecture était cool pour moi. Je sais pas ce que t'en penses, Issam. Bah moi, ça fait partie de mes coups de cœur. Voilà, pareil. C'est fou le nombre de fois où j'ai des shoujo dans mes coups de cœur. Oui, c'est terrible. là, en fait, ce que j'ai aimé, en plus du fait que les cinq personnages principaux, donc Quatuor de Mech et l'héroïne, soient super bien traités, ils sont super bien traités, ils sont tous très facilement identifiables niveau caractère et très rapidement attachants. Mais surtout, ce que j'ai trouvé intéressant, et pour le coup, un peu en dehors des codes vraiment les plus clichés du shoujo de romance, c'est qu'elle va avoir une histoire amoureuse avec un des mecs, et elle s'en rapproche d'un des quatre, très clairement, mais elle est pote avec les autres. Il y a vraiment une amitié homme-femme sans sous-entendu, avec une partie d'entre eux, qui est vachement bien traitée. C'est, ils se font des vannes, ils se... Tu veux dire que les amitiés homme-femme, c'est possible ? C'est, voilà. Non, ça existe pour de vrai. C'est vraiment... traité comme ça, c'est elle est pote avec eux, elle rentre dans leur groupe de potes. À en croire la, pop culture, on dirait que c'est un mythe quand même. Hein. Et ce que je trouve génial, c'est leur objectif à E4, c'est pas voilà. C'est pas de la baiser quoi. Je souligne ça parce que ça fait du bien justement une œuvre qui te pointe le fait que une amitié homme-femme ça existe. Bah, c'est exactement ce que je me suis dit. Parce que non, c'est tellement rare les films, les séries, les œuvres littéraires qui te le font comprendre quoi. Et ce que je trouve génial, c'est que du coup, ceux qui sont plus proches d'elle en amitié réussissent à comprendre ses expressions et tout ça, à savoir à peu près ce qu'elle pense. Ouais. Et du coup, en fait, ils lisent en elle comme si c'était un livre ouvert. Quoi. Ouais, ah, bah, y a une complicité qui s'installe super vite. Il y a même la vanne plusieurs fois d'un des quatre, justement, qui semble lui faire des déclarations, mais en fait, c'est juste qu'il s'entraîne sur elle pour vraiment la fille dont il est amoureux. Il lui fait le coup au moins 2-3 fois, et tous les autres, ça les fait marrer, en mode, mais tu crois encore. Alors, le dessin, par contre, est très classique. Il n'y a pas de truc particulier. Ouais, mais il est efficace. Il est propre et efficace. On lui demande pas plus. Mais ça aussi, ça fait partie des titres que je voulais lire, mais que je n'ai pas eu. Je crois qu'il y a un certain nombre de tomes, déjà, au Japon. Au Japon, il y a 8 tomes actuellement, c'est pas encore terminé. Ouais, mais voilà. Alors, enfin, ça peut continuer hein, de toute façon. C'est très dense aussi. C'est très dense, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas que les interactions. Il y a des vraies interactions complètes avec des personnages qui sont vraiment secondaires. Oui. Donc, il y a vraiment une vie à côté. Certaines de ses camarades de classe, dont elles sont approchées. Les trois, oui, du début. Ouais, une autre aussi qui a aussi le béguin pour un des mecs, justement, des quatre mecs. Sa pote du café. Sa pote du café. Les mecs viennent dans ce café, justement, parce qu'il y a cette fille-là et qu'il y en a un qui veut la draguer. Elle lui fout un gros vent dès le chapitre 1, d'ailleurs. Oui, mais il insiste, hein, il est bien. Non, il continue à venir au café, il lui dit plus jamais, je crois, mais il continue à venir au café. Au moins pour la voir. Ouais. Ouais. Ouais, et puis parce que c'est devenu leur lieu de rendez-vous. Oui. C'est le QG. Bon, après, la couverture rose étonne quand même pas mal, je trouve. Alors, au moins, tu le vois. Au moins, tu le vois. Ah ouais, au moins, sur l'étape de nouveauté, tu le vois. Enfin, moi qui ne l'ai pas lu, en voyant la couve comme ça, je ne me serais pas imaginé que ça parlait de basket ou... En voyant le dos, quoi. Ouais, c'est moi, sûr. Moi, je me suis dit que j'allais avoir encore, moi, je pensais que ce serait un plus... goût mielleux en bouche. Oui, c'est ça, voilà, je pensais que ce serait un peu plus fleur bleue. Genre. En voyant le dos, et, il faut qu'on en parle, en voyant la nouveauté, donc du coup, qu'apporte la collection Shoujo Addict. C'est-à-dire que maintenant, Pika, sur la collection Shoujo Addict, fait comme Akata, fait des petites indications, des petits mots, pour expliquer un petit peu le contenu à l'intérieur. Donc, par exemple, pour celui-là, nous avons comédie, sport et lycée. Voilà, c'est l'une des nouveautés. Ce qui résume assez bien. Ça résume bien. Il n'y a même pas romance, du coup. Il n'y a même pas romance, c'est vrai. Mais oui, quand tu parles des personnages secondaires, c'est vrai qu'il y a notamment toute une sous-intrigue, je ne sais pas si elle reviendra, mais avec une petite fille qui est toute seule, tu sais, qui est toute seule sur le terrain. Alors ça, c'est No Game No Life, tu as dû mélanger... C'était truc à toi, ça ne nous regarde pas. En fait, il y a même des trucs qui sont complètement... des histoires qui sont complètement... hors d'une idée de romance qui sont traités en sujet secondaire et qui donnent des personnages vraiment intéressants qui gravitent autour de tout ça. Effectivement, l'histoire de la petite fille avec le basket, c'est vraiment très intéressant. D'accord. Donc ouais, ça pose un univers assez riche en fait. Quand il joue au basket avec la petite fille. Bah, elle est toute seule dans son coin avec un ballon et du coup il... On fait tout pour pas spoiler au max, lis-le. Moi je vais le lire, en tout cas, c'est sûr. Grosse recoup. J'ai pas eu la chance de le lire, mais ouais. Ça a l'air pas mal. Mais moi, je vais le ramener chez moi ce soir. Coquinou. Hein ? Il a dit Coquinou. C'est depuis qu'on a parlé de la petite fille. C'est l'argument massu. Donc, gros coup de cœur pour vous deux, pour Waiting for Spring. Ouais. On conclut sur ce titre-là. Ouais. Et on enchaîne directement avec le prochain. La courtisane d'Edo. Donc, nouveau titre, toujours Shoujo Addict. Un titre que vous êtes trois à avoir lu, parce que moi, je n'ai eu le temps que de lire le premier chapitre. Issam Alex Necro. Donc, Issam, nous t'écoutons. Alors, La Courtisane d'Edo, c'est un manga écrit par Kanoko Sakurakuji. Et comme c'est quand même bien fait, ça se passe à l'époque d'Edo. Putain, c'est génial. Ouais, ça a été réfléchi. Hein. C'est l'histoire d'Akane, une jeune orpheline qui est issue de la noblesse militaire, qui, on ne sait pas trop pourquoi, veut entrer dans les quartiers du plaisir en tant que courtisane, veut recevoir sa formation de courtisane. Alors elle a une quinzaine d'années, je crois, au début. Oui, c'est dit par tout le monde, c'est vieux, normalement, pour pouvoir, alors, pouvoir faire cette carrière. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, qu'on mette les choses au point, c'est pas... Je veux dire, on est d'accord, c'est de la prostitution. 15 ans, c'est vieux, parce qu'en fait, il les élève très jeunes à apprendre toutes les traditions, tous les trucs et tout ça, et du coup, en fait, ils ont peur que ce soit trop court pour une formation. Voilà. Non, parce que là-dedans, il faut justement s'accrocher, hein. C'est pas du tout nos bases, et ça se passe dans la période Edo. Oui, c'est ça, voilà, il faut garder ça en tête, c'est la période... Bon, sachant qu'elle rentre pas dans le bordel de Madame Michu, le truc obscur au bas de la rue, c'est vraiment le truc de grand luxe où elle va. On nous le dit dès le premier chapitre, oui, c'est celui où vraiment les riches peuvent aller, quoi. Mais c'est le plus réputé, ouais. Bah, c'est... De toute façon, je crois que le quartier dans lequel elle va, il y a quasiment que des trucs de luxe, c'est pas... Alors, d'ailleurs, elle vise le fait d'être courtisane de luxe, vraiment le plus haut niveau, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est, en fait, celle qui va faire sa formation, bah, c'est la plus grande... La plus grande courtisane du quartier, celle qui est réputée partout pour la qualité de ses services. On ne peut pas dire autrement. J'ai bien réussi. Hein, ah ouais, t'as bien. Bien amené, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va dire et non, ah, je suis sorti. Bien joué, bien joué. Et donc, attends, je récupère juste pour un truc. Et donc, elle va rencontrer là-bas Sosuke, un jeune noble un peu dévoyé. Non, Sosuke, pas Sasuke. Sasuke. Un jeune noble un peu dévoyé qui va s'intéresser à elle et qui va vouloir en fait très rapidement. En fait, avoir la main sur elle, c'est ça, avoir l'exclusivité sur elle. Hein. C'est dur de le dire en d'autres termes. C'est en gros, dès les premiers chapitres, il dit bon, bah vous la formez, mais c'est moi qui consommerai pour la première fois. Bah, il dit surtout combien vous la vendez, je vous l'achète. Quoi. Oui, aussi, ouais. c'est elle qui refuse de se faire acheter. Elle veut vraiment devenir courtisane. Ouais. Et donc, petit à petit, au cours du tome, bah, outre qu'elle découvrira les mœurs de ce quartier. On commencera à découvrir petit à petit pourquoi elle a cette envie de devenir courtisane alors que visiblement elle n'en a pas besoin. C'est ce que je vérifie, ce n'est pas indiqué dans le résumé du tome, mais c'est très bien. Il y a aussi un truc. La raison pour laquelle elle veut devenir courtisane. Ah oui, mais même à la fin du tome, on ne sait toujours pas. Il y a aussi un truc qui est génial, c'est une règle qui est mise très tôt, c'est qu'en fait, une courtisane formée ne peut pas aller contre la décision d'un achat. Oui. Donc en fait, là, elle est en quelque sorte protégée tant qu'elle est dans sa formation. Oui. Mais le mec lui fait comprendre que, bah ouais, mais à un moment, je t'aurai, quoi. Alors, c'est du shoujo, mais là, on n'est pas dans de la romance, très clairement. Ils l'ont classé avec quel mot ? Alors, drame historique et intrigue. Ça va. Voilà. Donc, ouais, ça va. Ouais. Le mec qui veut l'acheter... Il a mauvaise réputation et très clairement, il est un peu creepy par moment. On ne sait pas pourquoi il veut faire ça. On comprend assez vite que visiblement, c'est pas juste parce qu'il la trouve jolie qu'il y a des intentions vraiment un pas nettes. Un peu politique. Ah ouais, il s'énerve très vite. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il est refusé, tout de suite, c'est « Ah, elle m'énerve, elle me les brise !» Très clairement, il y a un truc pas net dans le fait qu'il veuille la racheter. Il y a des intentions qui puent un peu. On ne sait pas exactement quoi, mais on sent vite On comprend que lui, il sait justement la raison pour laquelle elle veut elle veut rentrer là-dedans, un peu son passé. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'elle est très courtisée ? Oui, parce que... elle se fait très vite remarquer dans sa première apparition en ville, parce qu'ils font... Non, mais il y a aussi tous ceux de son passé Oui, c'est vrai, ouais. Il y a son ancien fiancé, d'ailleurs, celui qui a été promis à elle quand elle était encore noble, qui veut la sauver de cet univers, mais encore une fois, c'est elle qui refuse. Donc, très clairement, elle a un objectif dans tout ça. Visuellement, je trouve ça très beau. Mmh, ouais. Alors, il n'y a pas forcément énormément de décors, mais ça donne pas une impression de vide. Et quand ils sont là, ils sont vraiment chouettes. Les visages, et notamment sur, par exemple, la, celle qui est justement la, la première, je veux dire, la plus belle des courtisanes, sont vraiment très beaux. C'est vraiment bien, bien dessiné. Bah, le, justement, le défilé nocturne qu'ils font, là, où il y a toutes les nouvelles courtisanes, Oui, à la fin. Et vachement bien ce passage. Ouais. Et non, c'est bien géré, c'est bien équilibré. Les costumes aussi sont bien. On l'a pas dit, mais c'est une autrice connue qui a déjà signé plusieurs séries également éditées par également édité par Pika. D'accord, donc Blackburn, j'en ai entendu parler. Il paraît effectivement que c'est très très bien. Ouais, et Blackburn, alors, Blackburn et c'est Last quoi Notes, et Last Note qui est celle-là, j'en ai jamais entendu Last Note qui est une petite série par contre en 3 tomes, alors que Blackburn par contre ça compte ça un bon nombre de tomes. Ça parle de musique, Last Note, ou aucun rapport? Il me semble que oui. Mais ça peut m'intéresser. Et Blackburn, même, ça m'a l'air sympa. Ouais. Alors, petite précision, c'est un truc qui m'a, que j'ai trouvé génial. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a quand même un décalage avec cette culture-là. Et, je sais pas pourquoi tu dis ça. Et en fait, quand elle arrive dans, justement, je veux dire, elle arrive dans une maison close, elle est toute jeune, elle a 15 ans, et là, on lui dit elle est trop vieille quand même, hein. Je veux dire, même si elle avait 13 ans, déjà. Et là, je veux dire, elle se le prend dans la gueule, avec la même violence que nous au moment où on lit le truc sur le coup, parce que justement, on se dit, mais attends, 13 ans, maison close, quoi, qu'est-ce qui se passe? Ah bah, ouais, il faut remettre dans le contexte voilà. Historique, quoi. Alors, une fois que tu mets dans le contexte historique, et une fois que tu mets dans le contexte qu'effectivement, elle va passer des années de formation, là, ça passe mieux. Mais sur le coup, tu dis... Enfin, ça les empêche pas d'ailleurs de leur dire bon ben on va quand même tester le truc, tu vas en ville et si t'en ramènes un on te prend quoi. Ça c'est la courtisane qui lui fait le coup, hein, mais normalement c'est pas les règles. Elle lui fait le coup pour la manipuler parce qu'elle est certaine que ça marchera pas. Qu'elle va se casser les dents et comme ça qu'elle aura pas à s'en occuper quoi. Mais c'est bien fait. Bon, personnellement, c'est pas une lecture qui m'a touché ou quoi que ce soit, mais je reconnais quand même que c'est... Tu reconnais les qualités. Ouais, voilà, c'est oui, ça. Ça m'a pas touché, mais franchement, c'est cool, quoi. Nouveau shoujo de coup de cœur pour ça. Encore ? Oh là là, mais Issam ! Eh oui. Et pour du va falloir passer à la caisse, hein, bientôt. Ne serais-tu pas devenu... J'ai une petite fille au fond de mon cœur, moi. Ne serais-tu pas devenu un shoujo addict ? Oh ! Pour du shoujo, j'ai trouvé ça, franchement... limite, tu vois, que ce soit comme ça du financement tel quel. Je me demande si c'est pas édité en José. Hein, en José. Au Japon, faudrait se renseigner, mais j'ai un doute. Parce que là, franchement, on arrive sur un truc. C'est quand même très mature. Très borderline par rapport à du shoujo. Bah, c'est vrai que la dimension shoujo, on la voit pas trop dans le premier. Pas tellement. Hein. C'est... Bah, en même temps, c'est un problème en France, vu qu'on n'a pas de distinction entre manga pour filles plutôt jeunes et manga pour filles plus adultes. Oui, et puis c'est aussi le fait que pendant des années, tous les shoujo qu'on éditait chez nous, c'était que des romances. Ouais. Alors qu'il y a des shoujo où c'est aussi de l'aventure, sans une once de romance. Oui. C'est aussi ça le souci, quoi. Bah, oui. C'est pour moi, ça n'a pas étonné parce que j'en ai eu d'autres des shoujo matures, mais voilà, c'est effectivement. Par exemple, je l'ai déjà dit dans une émission, Les Enfants de la Baleine, c'est du shoujo. Je l'ai pas lu, donc je peux pas dire. Voilà. Alors que ça pète tous les codes du shoujo qu'on a l'habitude d'avoir en France. Mm-hmm. C'est pour ça que Glénat l'édite en seinen chez nous. Voilà, ça veut tout dire. Voilà, c'est parenthèse fermée. Est-ce que vous en avez fini avec la courtisane d'Edo ? Oui, bah oui. Donc encore une lecture coup de cœur pour Issam. C'est pareil pour toi, Nécro ? J'ai trouvé ça très cool. J'y arrive pas jusqu'au coup de cœur vraiment, mais franchement, disons que ça te marque quand tu lis ça, surtout le début, comme je disais. Du coup, tu t'impliques vraiment dans l'histoire pour essayer de comprendre jusqu'où ça va. Ça tient bien en haleine. Très bien. Passons maintenant au dernier titre de Shoujo Addict, toujours chez Pika forcément, Shinobi Quartet, écrit et dessiné par Tohu Imuka, où nous suivons l'histoire d'une jeune fille appelée Shoko, il me semble, c'est bien ça, Shoko, qui est l'héritière d'un riche industriel, qui va faire des études dans une école de ninja. Pour intégrer un groupe de musique, d'où le quartet. Voilà, c'est ça. Je pense que le pitch se suffit à ça, tout simplement. Et du coup, elle va rencontrer au fur et à mesure de sa scolarisation des shinobi qui vont tout faire pour devenir, comment dire, pas son bras droit, enfin ses gardes du corps, quoi. Mm-hmm. C'est surtout ça. Alors, sachant qu'elle entre dans cette école-là, parce que son but, c'est d'être indépendante et de pas avoir un garde du corps qui la suit tout le temps. Ouais, et son père lui dit, si tu n'arrives pas à montrer que tu as la possibilité d'être indépendante, bah, ton garde du corps, tu devras en choisir un, tu n'auras pas le choix. Voilà. Et justement, tous les garçons de l'école veulent devenir son garde du corps. Voilà. Donc ça part mal pour elle, quoi. C'est peut-être pas le meilleur titre de toute la sélection Shoujo Addict que Pika a lancé, mais c'est un titre plutôt sympathique, plutôt rigolo. Alors là, pour le coup, c'est peut-être le plus romancé de tous les titres Shoujo Addict. Ouais. Clairement. Bah, soit c'est... Non, Toi ma belle étoile, c'est quand même vachement romancé. Ah non, oui, peut-être, c'est peut-être Toi ma belle étoile, ouais, le plus. Bah moi, ça m'a beaucoup fait penser... Tu penses que t'appelles romancé. Bah, disons que la courtisane d'Edo et Waiting for Spring pourraient continuer dans cette voie-là de ce que vous nous avez dit. Clairement, Shinobi Quartet, au moment où l'amour va s'en mêler. Ça se ah sort. Oui, tu veux dire romancé au sens où il y a une romance qui arrive, oui, voilà. Pas romancé au sens où c'est... voilà, romance ouais, au sens d'accord. Amour, okay. Au sens vraiment premier degré du terme. Clairement, on sent que dans Shinobi Quartet, à un moment, les relations amoureuses vont s'en mêler. Mais pour moi, c'est vraiment... Ça m'a beaucoup fait penser à un Fruit Basket like, quoi, en fait. Oui. C'est qu'on va rencontrer plein de nouveaux persos à chaque fois, et à la fin, elle va se faire un espèce d'entourage de mecs, et... Non, et voilà, il faut que ça dérive, partout, ça y est. Ils savent, non. Non, mais un peu sur le principe des harems, mais version shoujo, quoi. Ouais, version shinobi, quoi. Ouais. Ouais. Soyons honnêtes, oui, ça fait un peu harem inversé, mais on voit moins les mecs à poil que les nanas dans harem. C'est moins de spamster, mais c'est honnête. C'est clair. Mais ouais, c'était une petite lecture sympathique, sans être transcendante. Si tu veux jeter un petit coup d'œil, toi qui ne l'as pas lu. Visuellement, c'est plutôt propre. Ouais, c'est cool, ouais. Bah, oui, en fait, c'est un shoujo normal, entre guillemets, quoi. Oh ouais, avec peut-être quelques trucs un peu inattendus dans les scènes un peu plus d'action. Oui, parce qu'il y en a un petit peu, ouais, effectivement. Mmh. Moi, pour le coup, je trouve que c'est le plus oubliable du lot, mais très clairement, c'est pas honteux. Oui, c'est clairement pas une mauvaise lecture. Hein. Mmh. C'est une série terminée, celle-là, en 8 tomes. Ouais, c'est correct. Donc, peut-être moins... un peu long, 8, mais ouais. Moi, s'il y a un fil rouge qui s'installe un peu plus par la suite, 8 tomes, ça peut les tenir largement. Hein. Mmh. La fin du tome 1 donne plutôt envie d'aller voir la suite. Hein, oui, ça, je suis d'accord. Pour le coup. Oui. Je te souviens qu'on termine. Sachant que moi je suis vraiment quasiment sûr qu'à la fin du tome 1, le quartet est pas formé. Parce que je pense vraiment que les deux frères ils comptent que comme un. Mm. Vu qu'il y en a qu'un qui veut la défendre, oui, elle, l'autre il suit son frère. L'autre fait. C'est juste parce qu'il est très fraternel. Ouais, tu dois avoir raison. Ouais. Comment tu dis ça comme pour t'en débarrasser? Oui, tu dois avoir raison. Non, pour le coup, quand il dit des choses bien, il faut lui dire. Hein. Quand même. Ça arrive tellement rarement. Faut l'encourager sur la bonne voie quand même. Non mais toi je crois que tu l'as beaucoup aimé celui-là. J'ai pas beaucoup aimé, mais en fait ça m'a, enfin j'ai plus apprécié cette lecture-là, ça m'a un peu plus touché que la courtisane d'Edo, parce que ouais j'aime bien quoi, c'était une lecture agréable, un peu fraîche, c'était rigolo, il y a des passages marrants. Oui. Enfin on peut dire quand même que sur leur collection Shoujo, on s'est tous retrouvés, on a tous retrouvé plus ou moins. Mais ce qu'il y a de bien, ouais, c'est ça, c'est qu'il y a une diversité dans le genre quoi, entre guillemets. Enfin, bah c'est là que c'est des sujets différents. C'est quoi. Là que le projet est cool, c'est si ça peut permettre de montrer que le shoujo c'est pas juste. Oui voilà. De la romance un peu débile. Ouais. Là les quatre ont quelque chose d'autre à apporter. Et il y a objectivement rien de mauvais. Mmh. Ouais, il n'y a rien de mauvais, alors ça c'est sûr. Ça, donc, ouais, rien que pour ça, le projet est super louable, je trouve. Leur nouvelle collection démarre plutôt bien. Là, les trois mots pour résumer, c'est comédie, glamour et lycée. Le glamour, je ne sais pas pourquoi. Glamour, je ne sais pas pourquoi. Ah, peut-être parce qu'on voit quand même régulièrement les mecs qui prennent des pauses. Oui, à la limite. Je pense que c'est pour ça. C'est vrai que rien que lui. Ah oui, c'est vrai, oui, à ce côté-là. Ouais, sinon, dans la posture, ça c'est très. Enfin, c'est tous des beaux mecs, quoi. Mm-hmm. Bah, en fait, oui, c'est pour ça que ça me fait penser à Fruit Basket, quoi. C'est tous les BG, les BG de leur collège, quoi. Enfin, ouais, de leur collège, de leur lycée. Ah oui, non, mais là, ils sont allés fort quand même. Donc voilà, ouais, pour le côté glamour, quoi. Mm. Mais c'est vrai que l'aspect comédie est plus mis en avant, je trouve. Ouais. Mm-hmm. Oui, c'est le plus. Je pense que c'est le plus drôle du lot, ouais. Et pour le coup, c'est comme Ma Belle Étoile, c'est aussi un titre très tout public. Ouais. Oui. C'est là où la courtisane d'Edo va plutôt viser un public plus adulte, plus ouais. Fin d'adolescence, adulte. Bah, même Waiting for Spring, bah, ça va, il est adolescent, accessible à un peu con, large quoi, public. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, t'as pas tout à fait le recul pour. Mais bah, ouais, faut voir si. Pour tout comprendre. L'adolescent qui s'intéresse. À la période d'Edo, à lui, il, par contre, il est à fond dedans. Là. Oui, voilà. Même qui veut un peu s'ouvrir, tu vois. Qui veut se cultiver. Non, mais ah, voilà, très bonne entreprise. Cette nouvelle collection. Cette collection Shoujo Addict. Oui. Lisez du shoujo. Voilà. C'est bon pour la santé. Mangez-en. Voilà. C'est, ça a trop longtemps eu la réputation d'être que un truc pour midinette voilà. Adolescente. Alors que là, la collection, que vous soyez homme, femme, licorne, allez-y. Ah, d'accord. Une nouvelle classification. Je vais parler au nom de nous quatre, mais je pense que j'inventerai rien. Ça rejoint la tendance qu'on a ressentie, c'est qu'il y a beaucoup plus de shoujo qui sont publiés ces derniers temps, ouais. Et c'est vachement cool. Quoi. Et des shoujo très bons, différents. Des bons très différents des bons, ouais. Qui t'ont... Même ceux à quels on n'adhère pas ou qu'on n'apprécie pas, on ressent quand même derrière qu'il y a un effort ou quelque chose derrière, et c'est cool. Quoi. Ouais, et puis même s'il y a une romance... voilà, bah, même ça, il n'y a pas que cette romance-là. Je veux dire, il y a d'autres choses autour qui font que c'est intéressant. Ouais. Parce que sinon, voilà, il n'y a que ça, tu t'en fous, quoi. C'est du shoujo de base et puis tu t'emmerdes. Mm. Bah, et puis, ouais, ce serait cool aussi que, bon, dans l'ensemble, les shoujo, c'est écrit plutôt par des mangaka femmes. Et même si on a beaucoup de femmes mangaka publiées en France, j'ai l'impression qu'il y en a peu qui ont des séries vraiment très mises en avant. Sortie de Arakawa. En termes de shoujo, tu veux dire. Même dans tous les styles, je veux dire, on trouve des femmes qui écrivent dans tous les genres, mais à part Arakawa et Clamp. Voilà, c'est où j'y pense, j'allais dire Clamp aussi. Voilà, c'est... Ouais, je trouve. Je cherche. Voilà, même l'auteur de Ranma 1/2, finalement. Ranma 1/2 qui est connu, mais c'est une nouvelle série, moins. Oui, c'est une nouvelle série moins, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, c'est connu parce que c'est Ranma, c'est oui. Pas connu parce que c'est elle. Enfin, après, c'est pareil pour Arakawa, c'est parce que c'est Full Metal, quoi. Enfin. Ouais, enfin, Arslan marche bien, j'ai l'impression, quand même. C'est en voie d'évoluer. Voilà. C'est parce que Full Metal, justement, a plus. Voilà, c'est d'évoluer. Parce que Full Metal a plus. C'est en voie d'évoluer, et je pense que de plus en plus, le chouchou, je remarque en plus, effectivement, que c'est lu par de plus en plus d'hommes. Je veux dire, à part nous qui lisons, parce qu'effectivement, il y en a vraiment qui achètent ça de plus en plus. Mais après ouais c'est surtout un problème éditorial parce que sinon des femmes qui font autre chose que du shoujo, il y en a de plus en plus. Ah bah oui. Tu vois, il suffirait que Kurokawa se bouge le cul et fasse une vraie com autour de Maggie et puis voilà quoi. On tiendrait un putain de shonen fait par une femme et voilà. L'auteur de Silent Voice aussi. Ouais, qui du coup fait maintenant Toujours Eternity. Ah, et puis oui, j'ai lu quelques shonen déjà où effectivement je savais pas que c'était une autrice qui s'en occupait. Bah, l'auteur et... de. Ouais. Yamada-kun. Oui, Yamada-kun. Ah, ouais, il y en a pas mal en fait de femmes dans le manga. C'est vrai que je me rends compte, moi, au final, les auteurs côté manga, j'y fais pas trop attention. Ouais. Sur le comics, beaucoup, mais. Les auteurs en tant que tels ou alors non, les auteurs en tant que tels, ouais, voilà, qui m'influeraient sur mes choix ou quoi, en fait, ouais. J'y prête pas attention. C'est bon, je fais gaffe à l'éditeur, généralement. Et ouais, puis, moi, c'est pareil, ça, c'est plus l'éditeur. Ouais. Est-ce que ça viendrait pas du fait que dans le manga, les auteurs, au final, font moins de séries Ils sont pas mis en avant, je trouve, surtout, par rapport dans le comics, où là, on te présente vraiment l'auteur et on te dit, lui a fait ça. Dans le manga, je trouve que les auteurs, en tout cas en France... Non mais justement, est-ce que ça n'a pas du fait que les auteurs de comics travaillent sur beaucoup plus de séries que des mangaka? Peut-être. Ouais. Tu vois, il y a plus matière à dire c'est l'auteur de ça. Peut-être. Quand t'as fait 25 séries au bout de seulement 3 ans de carrière, que quand t'en as qu'une au bout de 40 ans. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Sinon, si l'atelier des sorciers aussi, mise en avant de l'auteur, là, ouais. ça fait plaisir... Bah, elle a aussi, c'est une femme d'ailleurs. Voilà, je vérifiais ça, c'est pas noté, mais je suis quasiment sûr que c'est une femme qui fait Altaïr aussi. Bestiarius, sans doute, c'est un homme. Non, c'est un homme. C'est un homme. Ça aurait pu être écrit par une femme, hein. Je veux dire, c'est. C'est celui qui a fait les dessins aussi de Rainbow, finesse. Qui est vachement bien. Mm. Oh, Rainbow, ouais, c'est chef-d'œuvre ça. C'est vrai que Bestiarius, il y avait une finesse dans les moments calmes où tu te dis. Peut-être que. Non, c'est un homme. Qui est génial aussi, Daruma Matsura. J'avais acheté le premier. Après, j'ai pas non plus. J'ai pas suivi. Peut-être que je suivrai plus tard, mais le premier m'avait plu. Pour le coup, j'ai l'impression. Altaïr, c'est une femme. Ouais. Pour le coup, j'ai vraiment l'impression. Alors, je connais moins le comics, mais qu'il y a plus de femmes dans le manga que dans le comics. Oui. C'est un peu étonnant d'un aux États-Unis aussi peu progressiste que le Japon. Aux États-Unis les femmes voilà quoi c'est et en fait elles sont il y a des coloristes oui Des dessinatrices. Mais genre en auteur. Mais en auteur, en scénariste, pas énormément. Ouais. En fait, il faut se mettre dans l'idée que les éditeurs veulent pas mettre une femme sur les gros titres. Parce que. Ouais, j'ai envie de te dire, même dans les dessinatrices, hein, j'en vois moins passer. Bah, il suffit de se souvenir du scandale Hawkeye. Bah, Mockingbird. La série Hawkeye. C'était la série Mockingbird qui avait été écrite par. Elle a été tellement bâchée, mais qui avait été écrite par Marguerite Sauvage, il me semble. C'était Marguerite Sauvage. Non, Marguerite avait fait les couvertures, mais. Non, parce que oui, elle est dessinatrice, mais. Non, l'autrice, c'était. Enfin bref, qui a été fait par une autrice, et Twitter s'est insurgé, enfin les connards, comme d'habitude. Se sont insurgés parce qu'elle insufflait. Du féminisme. Vision féminisme à la série. Ouais, non, mais c'était horrible. Ce qui est normal, quand tu écris une série super-héroïne, c'est normal d'insuffler du féminisme. Et c'était bien. Et c'était, paraît-il, très bien. Ouais. Il y en a qui gueulent encore sur Wonder Woman, parce que. Non, mais tu vois, typiquement, Wonder Woman, c'est pas une femme qui est rigolo dans le genre. Oui, mais à côté de ça, c'est un personnage qui est féministe friendly, quoi. Oui, oui, carrément. Mais là, c'est bien, parce que dans les nouveaux titres, bon, on fait une petite parenthèse, mais côté Wonder Woman, dans pas longtemps, il y a Kelly Sue DeConnick qui va écrire un titre sur Wonder Woman. Ça va être cool. Mais pas avec Wonder Woman, mais à l'époque, il y avait eu Catwoman, à l'époque du film. Il y en avait beaucoup, dont les producteurs, qui s'étaient dit, si ça a fait un beat, si c'est nul, c'est parce que c'est parce qu'il y a une femme. Non, mais parce que c'est nul, parce que c'est de la merde. C'est de la merde. Le film, il était nul à chier, c'est pas parce qu'il y a... Enfin, vous auriez mis Vin Diesel dans le rôle principal, ça aurait été tout aussi foireux. Vin Diesel en Catwoman. Ah, ça aurait été rigolo. Ça aurait été j'aurais préféré. Le film aurait été génial. Il aurait gagné un capital curiosité, en vrai. Le mec, il aurait eu un Oscar et un Razzie Award en même temps, tu vois. Miaou. Non. Par contre, un truc, je me dis, c'est qu'en fait, il y a aussi un truc qui peut aider aussi beaucoup d'autrices, c'est que au Japon, il y a les doujinki avec un salon, et en fait, il y a beaucoup de doujinki qui sont faits par des femmes, parce que c'est comme nous en France, les femmes qui font des petites histoires de leur héros préféré, qui ont des histoires un peu différentes, et tout ça. Ça, c'est un truc que chez eux, c'est beaucoup plus graphique. Et du coup, y a beaucoup de femmes qui se retrouvent à se lancer comme ça. Mais, parce que j'allais y venir, mais... Clamp a commencé comme ça. J'allais y venir, mais la problématique n'est pas que aux États-Unis. Cite-moi des autrices de bande dessinée en France. Je peux en citer quelques-unes, mais c'est vrai qu'il n'y en aura pas beaucoup. Quoi. Il y a Pénélope, je ne sais pas si on dit Bagueux ou Bagieux. Bagueux, je crois. Mais qui fait aussi du comics. Elle fait du comics. Qui fait aussi du comics. Mais oui, je pense que... Il y a celle qui a fait... La série sur quand elle est partie aux États-Unis pour ouvrir un truc de jeux vidéo, c'était vachement sympa en plus. Mais je sais plus son nom. Désolé. Non, mais vraiment navré en plus. Enfin, concrètement, on va pas se le cacher, les vieilles sociétés comme ça, les vieux rouages comme ça, c'est encore trop patriarcal, quoi, c'est tout. Mais disons que voilà, là pour l'instant, on en est, nous, en France, à l'ère de la fanfic encore. Donc la fanfic écrite. C'est-à-dire que si à un moment, par exemple, on arrive sur une période où il y en a beaucoup plus qui font, par exemple, des histoires dessinées, en bande dessinée, là, on pourrait effectivement peut-être avoir un âge d'or d'autrices qui, d'un seul coup, sortiront du lot. On n'y est pas encore. Mais il y a espoir. Non, mais oui. Il faut espérer qu'avec les prochaines générations, ça va se passer et que ça va s'équilibrer. De plus en plus de dessinatrices. Le problème, c'est même pas tant le public. Quoi. Le problème, c'est... C'est les boîtes, quoi. Mais c'est les boîtes en elles-mêmes. C'est les éditeurs, c'est les auteurs qui les vieux trucs, tout, quoi. Les vieux trucs comme ça, c'est que des mecs en haut, donc... Parce que très souvent, tu vois les mêmes noms, quoi, sur les BD. C'est toujours comme ça, tu vois les mêmes noms. Tu vois, l'auteur de Landfust, il a 10 000 projets, quoi. Au bout d'un moment, ça rime plus à rien, quoi. Alors, la série dont je parlais s'appelle Comme convenu, et c'est Laurel qui a fait ça. Et pareil, c'est vachement bien ce qu'elle fait. C'est disponible en intégralité sur son blog, si ça vous intéresse. C'est très cool. D'accord. Mais ouais, non, mais je vérifie. En fait, j'étais curieux à ce sujet-là, et je vérifiais un peu ma mangathèque. Et sans que je jamais cherché spécialement à faire express, j'ai à peu près un équilibre entre les auteurs de manga hommes et les auteurs de manga femmes chez moi. Ouais, donc voilà, ça prouve que c'est peut-être le milieu de la bande dessinée où elles sont le mieux intégrées. Il serait temps qu'on fasse pareil, effectivement. Terraform Mars, c'est un homme qui fait ça. Oui, c'est un homme. Oh, je pense, là. Non, c'est pas une femme. J'ai grandement majoritairement des hommes, moi. Je veux dire, entre Berserk, entre Transformers et Bestiarius, tout ça, bah, je veux dire. Bah après, le but en soi, c'est pas d'avoir un équilibre chez soi. Ah oui, c'est juste dans le voilà. commerce, quoi, donner c'est sa chance à tout le monde, marché, voilà. Et puis c'est tout. Quoi. L'idéal serait d'avoir un équilibre dans le marché. Là, c'est parce que je cherche des trucs un petit peu bourrins et violents quand je lis, quoi. Mais sinon. Oui, parce que là, en plus, on est dans l'optique de grosses séries, alors que dans les petites séries, on a énormément des autrices. Mais je veux dire, par exemple, bah, les autrices qui réussissent à faire des trucs qui ressemblent plus ou moins à ce que je recherche. Là, c'est une autrice, là. D'accord. C'est bon. Dites-moi pas. Que c'est une autrice. Non, à mon avis, c'est un auteur, ça. C'est un auteur ? Bah, je pense, oui. Ça s'appelle comment ? Makoto, c'est... Je crois que ça peut être... Je suis pas sûr. Faudrait vérifier. Bah, pourquoi ? Makoto Shinkai, c'est un homme ? Ouais, mais je crois qu'il Par peut exemple. Être mixte, comme prénom. Ouais. Enfin, mais bref. Voilà. Bah, sinon, t'es très bon shoujo, hein, à mon avis. Voilà, c'est une petite parenthèse sympa. Et sinon, du coup, la suite. Eh ben, on va terminer avec un autre shoujo, mais cette fois-ci, édité par Soleil Manga, un titre qui a créé un schisme okay. dans cette équipe, messieurs. T'as décrit, j'ai compris. Le diable s'habille en soutane, édité par Soleil Manga. Un titre que nous avons tous lu autour de la table, qu'un ignoble individu n'a pas apprécié. C'est l'inverse de Game. Dans les avis. Nécro, tu l'as dans les mains, est-ce que tu veux nous faire un petit résumé ? Donc, tu as dit qui c'était en fait ? Non, pas du tout. Donc, Yuki, alors... Yuki Yoshihara, donc le diable s'habille en soutane, des éditions Soleil Manga. Alors, c'est l'histoire... Soleil Manga qui ont fait des trucs aussi bien que Gambling School, ou... Gambling School... C'est l'histoire d'une femme qui a une grosse mésaventure relationnelle ah oui, avec son mari... Et qui se retrouve à, du coup, demander conseil à un prêtre qui va l'exploiter. Qui va l'exploiter, mais de façon... C'est ça. Je veux dire, là, si on veut donner des leçons de management à Macron, elles sont là-dedans. L'exploitation non, est maximale. Oui, il n'a pas besoin de leçons, il s'y connaît très bien comme ça. L'exploitation est maximale. Jusqu'où ça passe par le mensonge de façon à effectivement aggraver les situations virtuellement pour qu'elle s'implique moralement à mort. Favorise la culpabilité. Tout, enfin... Ah mon Dieu, ah je suis blessé, ah je peux pas faire la messe et tout, ah il faut que tu m'aides, je suis un peu responsable. Bah voilà ce genre de choses. Et je pense que le Vatican lui retire sa licence rapidement à lui. Ah mais oui. Quoique. Bah ouais, enfin elle est trop vieille pour ça. Ouais, non, ouais, il doit y avoir sur la licence. Tant qu'il ramène l'argent de l'aumône à la fin, c'est bon. Ouais, voilà. Oui, c'est ça. À côté de ça, il a investi dans plein de trucs caritatifs et tout ça. Je veux dire, il bouge quand même, mais tu sens la perversion de la manipulation, quoi. Le mec, à chaque fois, il la fout dans les situations les plus catastrophiques. Et moi, je me suis marré dessus. Moi aussi. Voilà. Et alors, Issam, est-ce que tu peux donner effectivement tes... Mais présentez déjà pourquoi vous avez bien aimé. Après... Déjà parce que c'est de l'humour absurde. Voilà. C'est de l'humour déjà, totalement absurde. Rien que le début, quand elle découvre que, on va le dire, que son mari la trompe, même ça, c'est tourné en dérision. Dans leur futur appartement. Dans leur futur appartement, même ça, c'est tourné en dérision. C'est marrant, quoi. Enfin, Et alors, ce qui est terrible, c'est que t'as le décalage entre elle qui fait le truc de façon très terre-à-terre et l'autre qui lui fait un délire d'à côté qui fait qu'elle se retrouve effectivement captive de... Surtout qu'au début, en plus, tu as l'impression qu'elle est un peu naïve, un peu nunuche, quoi. Et dès qu'elle voit la scène, elle se transforme en monstre, quoi. Genre, elle veut le buter, quoi. Et lui qui lui dit, fais-le. Mon père, que dois-je faire? Bute-le. Donc même ça, c'est drôle, quoi. Donc... Alors, aussi, des trucs marrants, le fait que t'as l'impression qu'il se téléporte à chaque fois sur elle. Oui, ça, c'est ouais. super drôle. Il est toujours là. Et surtout, les gueules qu'elle fait quand elle se rend compte qu'il est là. Ah ouais. Mais même dans des moments où c'est pas possible qu'il soit là, il est là. Ah oui. C'est ça qui est drôle. T'as l'impression de lire un résumé de jeu vidéo, quoi. C'est ce personnage qui apparaît d'un coup en mode. Et puis le contraste, parce que tout le monde le voit comme un prêtre super sympa et tout, alors qu'elle est sexe et un enculé de première. Il y a ce contraste-là qui est extraordinaire aussi. C'est une petite série en 3 tomes, hein, il faut le signaler aussi. Alors, sauf que là, effectivement, on a ses pensées. Hein, genre, effectivement, on sait qu'elle considère que non, c'est pas normal, que c'est plus ou moins un connard et qu'elle comprend pas pourquoi personne le voit. Mmh. Enfin, c'est. Mais c'est pas pour autant qu'elle le hait. C'est pas pour autant qu'elle le hait, mais elle se rend compte. Elle... En fait, elle voit le contraste dans la situation, elle se dit mais non, mais ouais, non, c'est pas normal. C'est... Stop. Elle a dépassé par la situation, mais de manière humoristique. Mmh. Et elle fait... oui, beaucoup de choses sont prises à. Vraiment. 15e degré, quoi. Et un truc qui résume bien, c'est la couverture avec sa tronche, où là, effectivement, tu sens qu'elle a l'enfer devant les yeux, dans sa tête et tout, et qu'elle dit, mais non, je veux mourir, je veux plus être là. Et ouais, voilà. C'est ça qui ouais, fait qu'on l'a aimé, quoi. C'est... Après, toi, qu'est-ce que tu as trouvé Moi, on va dire qu'il y a deux gros reproches. Le premier, c'est graphique. Déjà, je trouve pas que les personnages soient particulièrement beaux. Et niveau décor, il n'y a rien, quoi. C'est ultra vide. Donc, c'est surtout l'esthétique qui te fout dedans ? C'est pas surtout, mais c'est... voilà, c'est... Déjà, je trouve ça vide, donc... ouais. C'est, on dirait qu'il n'y a pas d'assistant, en fait, pour s'occuper des décors. Donc, c'est possible. C'est possible, parce qu'il n'y a qu'un seul nom de la chanson, le truc. C'est possible qu'il n'y ait pas d'assistant. C'est pas rare que les assistants ne soient pas précisés. Oui, bah, Akira Toriyama avait plein d'assistants et c'était pas marqué. Et au niveau de l'histoire, en fait, moi, je ne l'ai pas ressenti votre second, voire 15e degré, comme tu disais. J'ai l'impression que c'est très premier degré. Et du coup, si, ça m'a fait rire, mais ça m'a fait rire en tant que nanar. Et quand bien même ce serait volontaire... Ben, ce serait pour moi un nanar volontaire et ça reste quelque chose qui m'intéresse pas. C'est faire un truc un peu nul volontairement, pour moi ça reste un truc un peu nul. Alors que moi je l'ai vu comme une comédie vraiment. Oui. Comédie, mais en fait, t'avais une sorte de surcouche morale pour qui moi, donnait n'importe quoi. En fait, j'ai même du mal à comprendre où tu peux voir du premier degré dans ça en fait. Ouais. J'ai vraiment l'impression que qu'elle se prend super au sérieux l'auteur. Mm-hmm. Ah non, non, je sais pas. C'est... Enfin, moi je l'ai vraiment pas pris comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui peut effectivement vu être comme sérieux, c'est elle. C'est-à-dire le personnage tel qu'elle ressent les choses. Mais à côté de ça, tout le reste autour est complètement second degré. C'est, Mais pour moi, ce titre, il est vraiment fait à l'ancienne, entre guillemets. Quoi. Il aurait pu sortir il y a 10, 15 ans ou 20 ans. Quoi. Et donc oui, comme je l'avais signalé en off, oui. Lors de notre soirée Lilo Chien, c'est une autrice qui bosse depuis la fin des années 80. Mmh. Ça se ressent. Hein. Même clairement. Sur le côté esthétique, clairement. Et pour le coup, je pense qu'autour de cette table, on est tous d'accord pour dire que esthétiquement, c'est pas une claque. C'est, hein, la vieille école. Pas, hein. C'est la vieille école. Mais je veux dire, tu prends tous les mangas qui étaient dans les années 80, à part quelques vraiment cas à part, il y avait beaucoup de trucs qui étaient même... Non mais Berserk, ça compte pas, le mec depuis ses 11 ans, il dessine pareil. Après, il n'y a pas que Berserk, hein. Non mais il n'y a pas que Berserk à cette époque-là. Je veux dire, t'as Gun, The Gun, c'est quoi, c'est années 90 mais je veux dire, t'as les auteurs qui avaient une putain de patte, mais à côté de ça, je veux dire, tu prends les trucs qu'on avait en série télé, à côté, quand ils étaient en manga, c'était pas non plus... Des trucs qui sont bonifiés dans le temps. Je veux dire, tu prends par exemple Oui, Bizarre Aventure. Bizarre Aventure. T'étais bon. C'est... Oui, j'ai quoi avec la chaîne. C'est... je veux dire, les premiers tomes, c'est pas non plus une esthétique. C'est une esthétique très datée. C'est très fouillé. Alors que tu arrives dès que tu arrives sur les stands, et puis après, maintenant, tu arrives sur des trucs extrêmement travaillés, extrêmement esthétisés. À la limite, le truc qu'on peut pas excuser au Diable s'habillant en soutane, qu'il a... Il n'y a pas eu d'évolution. Bah non, c'est pas ça. C'est que par contre, l'absence de décor, ça... Que ça soit dans les années 80, 90, 2000, 2010, ça n'a pas d'excuse. Oui, c'est vrai. Ça, l'absence de décor, par contre, c'est un réel problème. Bah, ça, c'est un truc qu'on pouvait tolérer dans un truc comme on l'avait vu, par exemple, avec les Kaiju, avec les écolières qui s'occupaient de Kaiju. Dresseuses de monstres. Où, effectivement, le fait que les décors soient vraiment complètement effacés ou quasiment absents donnait l'importance au personnage. L'absence de décor, c'est quand même un truc que j'ai tendance à reprocher dans n'importe quelle série que ce soit. Pour moi, c'est quand même assez problématique. Puis on parlait d'une évolution des auteurs qui justement développent leur style pour que ce soit un peu mieux. Et il y a eu l'inverse aussi, hein. Bleach au début c'était entre guillemets bien et vers la fin le mec, il n'y avait plus de décor, il n'y avait plus rien. Après là tu parles d'un auteur qui en avait clairement marre de sa série, qui voulait arrêter depuis très longtemps. Winter Hunter, exactement. Là on parle d'auteurs qui en ont juste marre et qui sont poussés par leur éditeur à continuer. Bah Winter Hunter il veut juste jouer aux jeux vidéo. Hein. Voilà. Et donc forcément... Contrairement à ce que pense notre cher président, forcer les gens à travailler, ça améliore pas la qualité du travail, n'est-ce pas ? Ça a plutôt tendance à la faire régresser. Voilà. Tu lui diras moi, ce soir au dîner. C'est moi, ça. On dit que j'arrête pas de placer Hitler, mais toi, c'est Macron. Hein, ah, ce que c'est marrant, c'est ça me fait penser au fait justement que dans le management, par exemple en Asie, et ça commence à arriver aux USA, c'est le fait, par exemple, ah, de oui, faire des managements pauses en Asie. Des pauses encore une fois. Mais aussi aux USA non, maintenant. En Asie. En apostrophe, Asie. Hein, tout à fait. Donc le fait qu'il y ait par exemple des sortes de micro, des moments de micro-siestes, tous les trucs comme ça, de façon à pouvoir justement être plus productif. Et ça, on le fait déjà depuis longtemps en France, les micro-siestes au travail. Pendant le travail. Et justement, ce qui est au final encore moins productif de faire des micro-siestes, qui est plus dangereux pour la santé. On va pas partir en discussion sur le management, mais... Il y a des études récentes qui ont dit qu'il fallait faire des micro-siestes, c'était pas des nuits complètes. Non mais les micro-siestes comme ils font au Japon, c'est genre, t'es à ta table de boulot, tu t'endors 10 secondes et tu te réveilles. Ah oui, non, moi je te parle de 20 minutes. Genre tu dors 3 minutes, ça suffit, il paraît. Est-ce que c'est les mêmes études qui, dans les années 80, nous disaient que la cigarette était bonne pour la santé? C'est des études, quoi. Dans 10 ans, on va te dire le contraire, et dans 20 ans, on te redira la même chose. En fait, le truc qui avait été étudié, c'est qu'il fallait... Il fallait pas dépasser un certain stade, c'est-à-dire qu'en fait, il fallait s'arrêter le sommeil à un certain moment du cycle. Et donc, en fait, le temps est calculé, quoi. Mais je crois que c'est sur le court terme, effectivement, ça peut te faire gagner en énergie, mais sur le long terme, c'est ultra nocif. Bah oui, voilà. Ouais. Parce que si tu le fais une fois par jour, ouais, si tu le fais une fois toutes les heures, là, à mon avis, ça commence à devenir problématique. Enfin, si tu te fais écraser le travail non-stop aussi et que tu dois te concentrer à 100% pendant toute la journée, c'est nocif aussi, mais, sur le long terme. Mais je pense que le mieux, on sera d'accord, c'est quand même de dire à tes employés, bon, la journée est terminée, vous pouvez rentrer chez vous, vous n'êtes pas resté ici jusqu'à minuit, quoi. Ouais, ça peut être une bonne idée. Ou alors tu fais comme au Disney, tu dis la journée est terminée, vous pouvez rentrer dans vos appartements gentiment fournis par nous. Voilà. Et vous n'avez pas le droit de recevoir de visiteurs. Sinon tu es déguisé en mascotte, comme ça ça se voit moins qu'ils sont détruits. Qui sont pas vraiment, d'ailleurs, qui sont pas vraiment des appartements, ils sont plutôt des... C'est des lotissements. Voilà, des lotissements. J'avais vu un reportage capital sur ça. C'était fascinant parce que le ton du reportage était... Enfin, ça montrait tout ça comme si c'était génial. Mais en fait, vrai, c'est des gros bésodromes. Tout ce que ça disait était tellement glauque. T'as pas le droit d'inviter quelqu'un. T'as pas le droit d'avoir de visiteurs au-delà de 22h. T'as pas le droit de te mettre en couple, à part avec des gens qui viennent du parc. Ouais. Ouais, c'est ça, en plus. On te change régulièrement de poste pour pas que tu t'ancres à un poste précis, donc pour pas que tu te sentes installé. C'est, sauf quand tu balayes. C'est un glauque. Alors, j'ai une amie qui a travaillé à Disney, mais Disney, donc, elle, c'était le truc qui est juste à côté, où il y a tous les restos et tout ça, principalement, qu'elle traînait. Et elle s'occupait d'une attraction aussi. Et elle est restée toujours au même poste, quasiment. Ouais, mais il y en a. Mais, ceux qui sont le plus dans le parc, ils changent vraiment de poste. Pour. Le but, c'est vraiment de leur faire comprendre qu'ils sont remplaçables. Ouais. Ah non, mais ça, c'est les techniques management très bonnes, hein. C'est ça. Preuve. La team digression pour vous servir. On est enfin, là. Voilà. Pour revenir au diable, comment on est parti de là? Je sais pas. On parlait quand même du diable. Non, c'est... On est allé loin. Hein. Mais quand je vais faire le montage... C'est objectivement pas honteux. Quand je vais faire le montage, que je vais me rendre compte comment on a fait pour en arriver jusque là, je vais me dire, mais putain. Ah bah là, il va y avoir au moins 7 heures de podcast. Hein. On est vraiment balèze, quoi. Hein. Il est déjà 18h, là, non? Non, il est 17h30. Mais on est mardi. Ah, il y a eu le changement d'heure. Donc non, le diable s'habille en soutane, c'est pas honteux. Faut pas exagérer. Voilà, j'ai pas aimé, mais c'est pas honteux. À la limite, il faudrait peut-être que je lise d'autres séries de l'auteur. Peut-être que je vais pas commencer par la bonne pour rentrer dans son univers. Mais peut-être aussi. Est-ce que tu penses que peut-être que tu as pas aimé parce que tu l'as peut-être mal interprété? Oui, je l'ai peut-être aussi lu au mauvais moment. C'est possible. J'ai dû le lire à l'hôtel, celui-là. Donc, dans l'ensemble, je suis pas forcément dans les meilleures dispositions. Oui. Ouais, et puis je pense que c'est comme quand tu, par exemple, tu sais, tu vois un acteur qui fait de la comédie, tu vas voir un film où il est dedans, tu t'attends à une comédie, et là finalement tu tombes sur un truc un peu sérieux, plutôt dramatique. Bah, c'était pas prêt, quoi. C'est sûr que si à l'époque. Enfin, d'habitude j'ai une bonne réaction à ça, justement, donc là c'est peut-être c'est sûr que si à l'époque, mauvais moment. Si à l'époque les gens ils s'attendaient à se fondre la gueule sur le Ciao Pantin, à mon avis ils ont dû être déçus, quoi. Ah ouais. Zéro étoile, très peu d'humour. Je trouve que ça peut créer l'inverse aussi, c'est rendre le choc encore plus agréable, entre guillemets, que ce soit sur Tchao Pantin, sur le miroir de... C'est le miroir de face, le truc où Bourville joue un mari jaloux. C'est ça. Enfin, Tchao Pantin, c'était quand même quelque chose qui était tellement à part. C'est vraiment une expérience qui fallait se le prendre, qui fallait se prendre dans la gueule, limite sans savoir ce qui t'attendait. Que. Ouais. Mais je veux dire. La team digression qui est partie. Moi, ça me fait encore plus. Ça me choque. Enfin, ça me choque entre guillemets. Chez Coluche, encore plus dans son film suivant, Le Fou de Guerre. Ah, il est excellent. Parce que là, c'est, il n'est pas juste dramatique. Il est vraiment dans un entre-deux qui le rend hyper malsain. Et ce qui fait que ça rend l'humour dramatique. Ouais. Et ouais, c'est... Alors, par contre, il va vraiment falloir... On va vraiment falloir reparler manga et BD, là. Ouais. Manga comics. Il a pas fait des comics, il a pas fait des BD, Coluche. Non, par contre, il y a une bande dessinée Hanouna. Ah, ben parlons de ça. Alors, celle-là aussi, on est obligé d'en parler à chaque podcast, quand même, non? Oui. Ça, si tu veux, il y a celle avec le mec qui fait chasseur d'appart. Bon, allez, refermons, là. Refermons ce tunnel... Shoujo, nous en avons terminé avec cette sélection. On va repasser à des trucs de mec. Ok, t'es viré. Alors maintenant, nous allons passer à l'un des gros titres du mois qui, comme d'habitude, n'a pas plu à l'équipe casse sur table. Parce que nous, on n'est pas comme tout le monde, on est des mauvaises têtes. Ce sera plus nuancé pour moi, mais... Ah oui ? Celui-là, je parle. Oui. Ah, ok. Ça m'a pas déplu, mais ça m'a pas... J'avais une hésitation. Oui, non mais pareil, c'est... Ça m'a pas déplu, déplu, déplu. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde gueule au chef-d'œuvre. Bah oui, voilà, je veux dire, je suis pas hypé comme les trois quarts. C'est pour ça que je dis qu'on est en contre-courant, une fois de plus, quoi. Il s'agit bien sûr de Dr. Stone, édité par Glénat. Non, c'est pas pour se donner un genre. En vrai, on aime beaucoup mon scar enclumé. Oui. Alors, ce qui était. C'est... En plus, le pire, c'est que le peu qu'on a entendu sur le net, les gens sont plutôt là. Ouais, c'est cool, faut le lire. Là, ben, nous, on n'a pas le même avis, vraiment. Voilà, c'est ça. C'est écrit et dessiné par... Alors, scénario de Rishiro Inagaki et dessin de Boichi. Voilà. Donc, édition Glénat. Alors, avant de continuer, Boichi, autant je sais qu'il a fait d'autres trucs, mais le scénariste, il a fait des trucs connus avant. Oui, il a fait Elchid 21. D'accord. Alors, ils nous ont fait une très belle couverture brillante. Pour ça. La couverture, je la trouve horrible. Hein? Bah, l'idée est bonne, mais le résultat n'est pas là. C'est-à-dire qu'en fait, tu sens qu'ils ont voulu faire un truc super classe, mais que. Voilà. Mais l'idée est bonne. L'idée est bonne. Et puis surtout, le tome s'appelle Stone World. Ils ont loupé le jeu de mots, le monde est stone. Moi, j'ai été vachement déçu. Tu t'attendais à avoir un joint avec le. Merde, j'avais même pas fait gaffe à Stone World. Et sinon, bon. On va dire que l'histoire commence par juste déjà une illustration où on voit que les gens se sont transformés, toute l'humanité s'est transformée en pierre. Et il y a un petit retour arrière pour suivre les personnages qui vont être les personnages principaux de l'histoire. Donc une sorte de jeune scientifique qu'ils ont voulu rendre trop cool. Par des artifices que franchement j'aurais même pas osé. D'ailleurs dont l'aspect esthétique change progressivement. Je veux dire, quand tu vois la première, entre la première image et tu passes quelques pages, déjà il a changé d'aspect physique. Mm-hmm. Donc je pense qu'il y a eu un souci de... Je crois que l'auteur n'a pas réussi à se mettre d'accord avec lui-même sur il va ressembler à ça au final. Et son, on va dire son pote, hein, qui lui est plutôt sportif, grand, bonnet, un peu gentil. Un peu bonnet, ouais, c'est le mot. Ouais. Voilà, moi, j'appelle pas ça un pote, hein, j'appelle ça un faire-valoir. Ah, c'est un faire-valoir. À la limite, ouais. Mais c'est ça que je disais, c'est son Robin, quoi, mais Robin très con, quoi. Ouais. Et... C'est une mauvaise image de Robin. Là, c'est le Robin de Batman et Robin. Que ah, mais oui, c'est celui-là, c'est celui-là. C'est... Et Robin, on va se faire les mollets. Et le Robin en question, eh ben, il est amoureux non, d'une fille. Non, d'une statue de pierre, Batman. Putain de merde. Nom d'un ornithorynque, Robin. Oh mon dieu, j'étais figé dans l'action. Que se passe-t-il? Je ne peux plus bouger, mais que se passe-t-il? Quel mystère. Enfin bref. Il faut aller aider Superman, Robin. Donc, le grand bonnet, sinon, il a un love interest qui est une fille kawaii et tout ça, qui est juste, en fait, dans le livre, dans le, enfin, le premier tome au moins, une fille kawaii, point barre, on s'en fout. Voilà. Et sinon, le scientifique, il fait des trucs un peu pétés, on sait pas trop ce qu'il fait, mais... il est en train de nous résumer le manga page par page. Il est en train de nous faire un nickel. Je feuillette, mais j'ai déjà bien... je veux dire, j'ai déjà donné le pitch de base, quoi. Donc, ouais. Il se retrouve pétrifié, et il se passe plus de 3000 ans avant que, finalement, il y ait un des mecs qui décide... Enfin, qui sorte enfin de son cocon de pierre. Alors, qui sorte de son cocon de pierre, c'est entendu que c'est un mélange de, d'un phénomène scientifique, mais de la science manga, quoi. Putain, la science, ouais. Science. Et de sa volonté, de la force de sa volonté, c'est le sidekick, en fait, qu'on suit le plus. C'est lui, on va dire, le protagoniste, narrativement parlant. C'est lui qu'on voit le premier sortir de son cocon et c'est impliqué que c'est à force de son amour pour, lol. Pour la fille qui lui permet de sortir de son cocon. Voilà. Et sinon, ah oui, il y a eu un tsunami aussi. D'ailleurs, ça a embarqué du coup beaucoup de personnes qui étaient transformées en pierre et il y a beaucoup de statues qui sont brisées. Donc il y en a, bon, ben, ça va être délicat de les sauver. Hein. En 3000 ans, c'est compréhensible qu'il se soit passé des trucs. Hein. Voilà, voilà. Mais bon, la nana, le love interest, est accrochée à un arbre. Donc voilà. C'est cool, ils peuvent la sauver, et puis sinon, bah, à un moment, ils sont attaqués par les bêtes sauvages, et ils sauvent une autre personne qui, effectivement, les aide à buter les bestioles, mais par contre, il est super dangereux, et il décide de buter tout ce qui n'est pas digne pour lui de vivre. Ouais. Enfin, sauf que lui, il meurt. Oui, encore. Il a l'air de buter un peu tout le monde, en fait, du coup. Surtout les adultes, en fait. Adultes. C'est surtout les adultes. Son but, il veut tuer les adultes et laisser la nouvelle génération avoir la chance de bâtir un nouveau monde. Il s'en prend aussi à une famille complète à un moment en butant aussi les enfants. Donc à un moment, il bute tout le monde. Je veux dire, je suis pas sûr de ça. Hein. Je retrouve ça. Et à un moment, il y a une famille. Les parents, je me souviens, mais. Mais je crois qu'il pète toutes les statues à un moment. Oui, bah ça va. Donc je crois qu'il en a plus rien à foutre à un moment. Bon, mais après, tu sais, un enfant de perdu, 10 de retrouver, quoi. C'est ça. Comme mais voilà. Le reste de l'intrigue, je le donne pas. Non, je me rends compte de la connerie, mais c'est pas grave. Le reste de l'intrigue, je le donne pas, mais voilà, c'est décevant. C'est décevant. Alors, c'est décevant pourquoi? Alors, j'ai trouvé. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des moments où. Des parties du pitch qui collaient parfaitement bien, sauf que les personnages étaient nuls. La violence. C'est un peu ça en fait. Il y a un contraste dans le ton qui ne fonctionne pas entre l'univers post-apo survival et les personnages qui sont complètement délirants et complètement pétés au niveau de leur capacité. Entre celui qui peut tuer des lions à main nue, celui qui porte 500 kilos sur son dos, parce qu'à un moment il transporte la statue de pierre de la fille, voilà, elle doit peser une demi-tonne la machine. Et le scientifique dont on nous dit qu'il sait précisément combien de temps est passé parce qu'il a passé tout son temps à compter les secondes. Note en passant, c'est pas possible parce que vraiment, c'est plus long de compter à seconde que t'as le essayé temps pour le dire. De la seconde qui passe. T'as essayé de faire comme lui. T'as jamais essayé t'as de jamais compter essayé les secondes avant de t'en compte, c'est pas possible au bout d'une centaine. Vous faites le compte, mais comme je 3 578 512. Je suis sûr que ça a duré plus d'une seconde. Mais moi je t'ai dit, il compte jusqu'à genre 100 et après il fait un petit truc dans son palais mental et hop, il repart à zéro. Et puis après il compte et il a tous fait les ça battelets. Un milliard de fois. Mais justement, au bout d'un an, le truc dans son palais mental, il est resté 3000 ans pétrifié. Au bout d'un moment, son truc dans le palais mental, il a dû dépasser le milliard, donc on retombe sur le même problème. Ouais, c'est vrai. Puis à un moment, tu commences à vouloir penser à autre chose parce que tu te fais chier quand même. Ou alors il a des palais mentaux dans son palais mental. T'arrives à un nombre de puissances après la virgule qui est délirant. Enfin, sinon, sans aller jusqu'au mat avancé, sont faussement cool. Bah, et puis surtout, ils sont trop cheatés en fait, donc je peux pas avoir peur pour eux. Mais je veux dire, ils pourraient être surcheatés du moment où ce serait bien géré. Ça passerait, je veux dire, tu peux avoir le côté dramatique et des personnages surcheatés qui se sentent impuissants face à une situation catastrophique. Là, ils sont faussement cool en plus. C'est-à-dire, t'as pas envie de les aimer spécialement. Bah, faudrait que la situation soit bien plus catastrophique que ça, parce que là, en plus, dès le premier tiers du tome 1, ils ont compris comment dépétrifier les gens. Donc, c'est le truc qui a lancé tout le manga, ouais, voilà. Finalement, et zappé dès la fin du tome. Mais je veux dire, par exemple, la statue de la nana serait brisée au début et il chercherait un moyen finalement en quelque sorte de la reconstituer, de rechercher les morceaux éventuellement pour peut-être la faire sauver. Tu vois, une connerie, hein. Mais ça se trouve, ça marcherait pas. Mais une connerie qui ferait que d'un seul coup, ça rendrait le truc beaucoup plus dramatique, tu vois. Moi, là, je suis en train de les imaginer avec leur petit tube de colle UHU. Et les boules de statues partout. Et tu sais, après un petit moment, c'est. Au fait, elle avait pas de barbe. Ah merde, j'ai pris un mauvais morceau. Mais t'es sûr que c'est ça qu'elle avait entre les jambes? Oh, alors moi je suis pas d'accord avec toi par contre sur le fait de résoudre le problème de la pétrification trop rapidement. Au contraire, heureusement qu'ils ont fait ça. Parce que sinon, on se serait vraiment fait chier quoi pendant les 3-4 premiers tomes. Parce qu'en gros, ça aurait voulu dire qu'on aurait eu que lui ou que les quelques personnes qui seraient dépétrifiées par leur volonté. Justement, qu'ils mettent 2-3 tomes avant de trouver comment faire. J'aurais trouvé ça super intéressant qu'on ait un premier tome avec effectivement très peu de personnages. Genre lui et le scientifique. Ça aurait pu faire un tome survival super sympa pour le coup. Puis même. Je pense qu'il faut pas tant se focaliser sur la cause, sur le fait d'être pétrifié, etc., mais plutôt sur les conséquences derrière, le fait que justement on perde toute l'avancée technologique et machin truc de l'humanité, et qu'on revienne à l'âge de pierre et que tu vois, il y ait quelques rivalités après entre certaines personnes. Et, ouais, je suis d'accord que c'est intéressant. Enfin, je mais vois avec l'âge de pierre là, c'est ça. Ils auraient pu mieux gérer les deux en fait. C'est vrai. Ah, puis il y a un souci. C'est que vu la facilité avec laquelle ils arrivent à trouver les ressources dont ils ont besoin, la technologie, ils vont vite la récupérer. Quoi. Ça, c'est encore autre chose derrière, mais oui, ça, je suis d'accord. L'aspect survival, la commode. Quoi. Le fait qu'ils dépétrifient les gens, ça me convient. Quoi. Non, parce que, par exemple, ils auraient pu décider de se dire, il y avait par exemple telle centrale à tel endroit, telle centrale nucléaire, peut-être qu'il y a des techniciens sur l'énergie qui pourraient nous aider à commencer justement à redébuter des trucs. Bon, normalement, après tant d'années, les centrales nucléaires, à mon avis, ils ont plutôt pété. Hein. Oui, normalement, l'archipel du Japon n'existe plus. Hein. Ouais, moi, non, mais garder le côté industriel je parle des scientifiques. Je parle d'essayer de trouver un scientifique, du statut de scientifique dans un sous-sol, une connerie qui pourrait effectivement les aider. Quoi. Ça aurait pu être sur ça, essayer de choper les compétences de plein de personnes. Mais, mais pareil, pour que ça marche, à la limite qu'ils aient trouvé le remède, admettons, mais il aurait fallu au moins que ce soit un remède rare, réellement rare. Tandis que là, finalement, il suffit qu'ils fassent de l'alcool, ce qui est relativement simple. Et puis surtout, à eux deux, il serait été un remède vraiment rare, ils auraient dû choisir, vraiment, il y aurait eu vraiment un dilemme à choisir les personnes qui sauvent dans un premier temps. Non, mais, et puis surtout, à eux deux, ils cumulent déjà tous les besoins. C'est ça qui est... C'est pour ça qu'ils sont surchités. Non, ils avaient juste besoin de la fille. Non mais voilà. Le mec, il s'est chassé. Il s'est chassé, il est un petit peu balèze, voilà. Lui, c'est un cerveau qui maîtrise un peu tout. Bah voilà. Ils ont déjà tous les savoirs qui suffit, quoi, limite. Enfin, à part le fait de savoir se défendre, du coup. Bah, et encore, je comprends pas même l'autre, il devrait... C'est un peu... Ouais, non, mais je veux dire, ils étaient... Enfin, dans l'histoire, ils étaient face à une meute de lion. Mais de lion. Le mec, l'autre, il peut porter une statue de pierre à main nue au-dessus de sa tête en courant. Non, mais le perso, en fait, est présenté comme genre une statue, genre hyper musclée et tout, mais il sait pas se défendre, quoi. Mais enfin, c'est parce qu'il est non violent. Oui, quand on est à ce stade de force, t'as pas besoin de savoir te défendre. Tu donnes des patates aléatoires. Mais tu comprends, il est non violent, t'as dit. Mais pour ça, lui, il sert juste de bouclier, quoi. Non, mais j'essaye de justifier un peu le fait que. Mais il s'est réveillé l'autre. Tu vois, comme par hasard, le premier Gus qui réveille, c'est un gros psychopathe qui va devenir leur ennemi, quoi. Ouais. Et on se demande comment il a pu vivre dans une société humaine, ce mec-là. Originalité zéro. Je suis désolé, quoi. Pour moi, il est interné. Enfin, je veux dire, il l'aurait retrouvé dans des anciennes traces de ruines d'un hôpital psychiatrique parce qu'il est taré. Il est dangereux, vraiment. Mais vraiment, moi, en lisant le résumé tel que avant de lire le manga, je me disais, le premier tome, au moins le premier tome, voire le deuxième, ce sera quasiment que eux et ce sera un vrai survival avec quasiment personne, avec un vrai travail d'ambiance. Bah non. Un peu comme l'était le premier chapitre de Touillon Eternity, quoi, quasiment personne, juste la survie. Et ben non. Et non. Mais ouais, c'est vraiment... Enfin, c'est une déception, moi j'en attendais beaucoup, parce que Boichi... Oui, j'assume, j'aime beaucoup Boichi. Mais oui, mais là, il est qu'au dessin. Oui. Non, mais même, enfin, je veux dire, l'auteur qui a fait Eichil d'avant, tu t'attends quand même à un truc un peu léché, quoi. Et puis, bah non. Il est qu'au dessin, et puis du coup, c'est pas le style Boichi, parce qu'il s'adapte au Shonen Jump. Oui. Il fait un style beaucoup plus enfantin. C'est clair. Alors, c'est loin d'être moche. Mais après, c'est pas moche. Mais c'est pas ouf non plus. Les statues sont très belles. Ouais. Les statues, enfin, toute la pétrification, la nature et tout ça, c'est vraiment très beau. Après, le style de Boichi, c'est pas non plus un truc qui plaît à tout le monde. Quoi. J'ai pensé à toi, parce que la dernière fois sur Insect, t'avais montré un beau défaut du dessin horrible. J'en ai trouvé un là-dedans. Ah, j'en ai trouvé un là-dedans. Regarde, ça, c'est censé être l'épaule du personnage. Ouais. C'est quand même relativement horrible. Ouais. Là. Regarde. Ouais, c'est un os qui sort de l'eau. On dirait là. Un genou, le truc. C'est très bizarre. Bon, et pour le coup, autant... Mais après, globalement, c'est plutôt joli. autant le personnage. Elle a le doigt plate qui est passé sur l'épaule. C'est autant les mecs qui sont hyper cheatés, autant les personnages féminins, oui, c'est un peu à rien pour le moment. Ah bah, puis à mon avis, ça va rester comme ça jusqu'à la fin. Hein. Elle est assez nunuche, elle n'a pas de connaissances particulières. Puis du coup, le twist de fin, c'est même pas un twist, mais. Oh, putain. Il est assez classique, quoi. Et puis en plus, je veux dire, tu sens que t'es la moitié, quoi. Je veux dire, il y a une histoire sur un ingrédient, tu sais où ça va déboucher très vite. Enfin bref. Tu vois, c'est pour ça que même l'aspect survival, il est tout pourri, parce que il faut qu'il trouve un ingrédient, il faut qu'il fasse je sais pas combien de kilomètres, ils le font en deux pages. Mmh. Bah c'est nul à chier. Ah mais c'est pas moi qu'il faut le dire, moi je suis d'accord. Hein. Non mais voilà, enfin, il est où l'aspect survival là-dedans, quoi. Mmh. Voilà. Un titre que Casse sur table ne recommandera pas. Ne recommandera pas. En fait, pour moi, c'est ce genre de titre où soit t'en lis trois d'un coup et tu te dis ouais, ok, mais tout seul, non, ça marche pas. Ouais, donc du facile à digérer. Ouais, c'est ça. Et puis trois d'un coup, voilà, j'ai pas envie de payer 20€ pour avoir trois titres. Ah, mais ça, je suis d'accord, c'est le problème. Après, je dis pas qu'il faut absolument le fuir, encore une fois, on lui tape dessus depuis tout à l'heure, je dirais pas que c'est honteux. C'est décevant. Ouais. Voilà, il y a des visuels qui sont sympas au demeurant, quoi, dedans. Ah oui ? Il y a des trucs qui sont... pour ceux qui aiment bien les trucs bien dessinés, il y a des moments où, oui, c'est cool. C'est vraiment cool. Par contre, voilà, c'est les persos. Bah, c'est un peu beauf, quoi, en fait. Enfin... Ouais. Non, mais après, c'est si ça, tu... Après, si tu rushes... pour les gens qui aiment des trucs bien dessinés et qui recherchent vraiment du dessin, bah, il y a des titres qu'on a conseillés avant celui-là qui sont aussi bien dessinés et mieux scénaristiquement, quoi. Mmh. Bah, notamment avec La Magical Girl, déjà, il y a des trucs... Ou même Ranjo Desperado, quoi. Voilà, donc rien que ce mois-ci, déjà, il y en a plusieurs mieux. Ouais. Et il y en a encore un autre, il y en a encore un ou deux autres à venir, là, dans ce qu'on n'a pas encore fait. Ah bah, du coup, oui, c'est vrai que ouais, la hype autour de ça... Je comprends. Enfin, je comprends parce que justement, moi, j'en attendais beaucoup aussi, mais. Bah, donc, y a une elle n'est pas quoi. Justifiée, quoi. Quand tu lis le premier tome, tu peux pas te dire que ça mérite. Il y a une autre hype manga, ça sera le dernier titre de l'émission, qui, pour le coup, est plus mérité, quoi. Pour montrer qu'il est intelligent, en fait, ils ont allé jusqu'à marquer un an sur sa blouse Regal MC2. Et il le dit en plus, genre. Bah, c'est pas M6 normalement là, le résultat, c'est pas Regal. Ils se sont trompés. Je pense qu'il faut arrêter de citer Regal MC2 à chaque fois qu'on veut montrer que quelqu'un est intelligent parce que non. Mais en même temps, tu crois que sa coupe de cheveux c'est une inspiration de qui? C'est Egon Yogio. Non, bah. C'est une fusion entre Egon et Yogio. C'est clairement Einstein, la coupe de cheveux en pétard comme ça avec les cheveux blancs, bah bien sûr que oui. Mais alors, Einstein qui s'est électrocuté au réveil. Hein. Bah oui, mais bon, c'est clairement, c'est ça la référence. Hein. Non, parce que là, ça ressemble plus à Yogio qu'à Einstein. Je veux oui, dire, mais. Il y aurait une coupe afro, j'aurais encore plus accepté, tu vois. Alors, depuis quand t'as pas vu de photo d'Einstein? Non, mais je veux dire, il y aurait une coupe afro, j'aurais encore plus accepté que c'est un clin d'œil Einstein que cette coupe-là, quoi. C'est... Surtout qu'en plus il y a des petites mèches vertes. C'est un mix entre Einstein et le Doc. En plus il s'est fait des mèches vertes. Donc et Marty, on retourne dans le passé comme ça après on sera plus en pierre. Marty, on va aller dans le passé et on va coucher avec ta mère. Allez, on y va. Merci. Non mais après ouais, c'est vraiment beauf quoi. Même le bonus de fin, le petit truc, le petit gag manga à la fin c'est. Après beauf, j'irai peut-être pas jusque là. Non. Enfin, Osef, je crois que tu l'as dit. Le mec bonnet, il fait un caca, quoi. Donc, sacré bonus, quoi. Ouais, mais le gamin, c'est pas beau. Le caca, c'est sacré. Regarde à râler. Caca, c'est sacré. Après, joue à Binding of Isaac. Après, tu me diras, dans un monde de désolation, faire du caca, c'est plutôt utile. Quand tu veux faire pousser des choses ou ce genre de truc. Non, mais là, oula, c'est du caca. Ouais, c'est... c'est une poterie, quoi. Il a fait une poterie en forme de caca. Ah, d'accord. Bah. Je t'avouerai que j'ai pas lu le bonus. Tu as installé Extrême Agriculture dans Skyrim. Bon allez, terminons de parler de Kirsten. Le truc, c'est que c'est un shonen. Au niveau des personnages et au niveau de ce qui semble devoir devenir l'histoire, c'est un shonen ultra académique et du coup, on peut en citer facilement une dizaine qui sont beaucoup mieux que ça. Mmh. Bah, on t'attend. Ben non, mais ne serait-ce que les personnages ultra délirants comme ça, moi, ça me fait penser à One Piece suite. Oui. Sauf que One Piece, il y a tout ce qui va avec, il y a l'univers qui est complètement délirant aussi, et Oda est beaucoup plus doué que le scénariste de ça pour créer un attachement malgré Malgré les personnages qui sont... Tout ce qu'on a dit, finalement, jusque-là, dans les vieux classiques, hein, je veux dire, tu prends aussi Berserk, pareil, de l'univers un peu apocalyptique, avec de la survie et des pouvoirs. Là, on parlait de shonen, quoi. Les personnages sont sérieux de base, dans Berserk. Puis on parlait de shonen, surtout, quoi, donc bon. Ouais. C'est comparable, aussi. Bah, mais sérieux, du coup... Oui, voilà, pareil. Voilà, c'est mieux. C'est du shonen. Bon, on en a terminé avec Dr. Stone. Ah oui, ouais. Je l'ai posé là, d'ailleurs. Une lecture qu'on ne recommande pas. Si, dans le genre shonen un peu post-apo, il y a Satan 666. Ah oui, donc... J'ai cru qu'il recommandait. Donc, une lecture qu'on ne recommande pas, oui. Ne dis pas oui après que je dise ça. Non, t'as pas suivi ce qui vient de se passer. Non, mais si, mais j'ai réagi avec une seconde de retard. Fais pas chier. Comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Ouais. Moi, t'as pas le droit de me virer, tu te rappelles, les quotas, tout ça. Je dirais pas que je la recommande pas, mais ça ne mérite pas la hype qu'il y a dessus, quoi. Moi, tome 1, je ne le recommande pas. Bon, par contre, ça mérite plus la hype qu'un truc qu'on avait déjà eu, qui a été fait en France, qui était Headtrick. Ouais, mais en même temps, il n'y avait pas de hype autour de Headtrick. Ils ont essayé. Ils ont essayé. Ils ont essayé. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Non mais voilà, je veux dire, c'est pas à fuir, je recommande pas, mais si quelqu'un me dit qu'il a envie de le lire, je lui dirais pas de le fuir non plus. Bah, je veux dire, un gamin de 15 ans qui lit ça, je veux dire, il peut passer un putain de bon moment, quoi. Ouais, il est un peu con. Oh, putain. Ou si c'est ses premiers mangas, quoi. Oh putain, mais non. Mais pourquoi tu veux toujours mettre tout le monde à dos? C'est pas possible. Non, mais au bout d'un moment, c'est pas possible. Mais j'ai un bingo à remplir, hein, à chaque épisode. Il aime crier. Ah, avec toi, au bout d'un moment, on va être suivi que par le FN, quoi. C'est ouf. Si ça continue comme ça. C'est bon. Un public comme un autre. Hein. Bon, passons. Ça fait du monde maintenant. Ah putain, mais il continue en plus. Passons à une recommandation spéciale bilan fin de série. Faudra qu'on fasse un générique pour ça. Avec Issam. On fait le bilan calmement. Ouais, voilà, on va faire ça. Avec Issam, on va vous donner tout notre amour envers Area 51. Qui vient de se terminer. Et si vous spoilez, je vous tue, mais pour de vrai. Qui fait le résumé? Bon, tu peux y aller si tu veux. Pas de spoil. Alors, il va falloir résumer les trois premières saisons. Vraiment, pas de spoil. Oui, t'excites pas, oh là là. Area t'as qu'à le lire. 51, ça se passe dans une... Bah, ça reprend l'idée de l'Area 51 américaine. Alors qu'en vrai, ça se passe au purgatoire parce qu'ils sont tous morts. Oui, ça, c'est le twist de fin, c'est la dernière planche. C'est ce que Alex veut pas savoir. Je vous écoute pas. De toute façon. Non, mais t'inquiète, on va pas spoiler. Donc, ça se passe dans l'Area 51, une ville totalement isolée du reste du monde et totalement secrète, dans laquelle on enferme toutes les créatures fantastiques, mythologiques, magiques qui peuvent exister pour ne pas qu'elles fassent de dégâts dans le monde réel et surtout pour que le monde, enfin, pour que les gens normaux, entre guillemets, ne se rendent pas compte que ces créatures existent. Donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est un monde où se côtoient Amaterasu, des zombies et Cthulhu, à la limite. C'est ça. Voilà. Donc il y a vraiment tout. En fait, l'Area 51 est régi, entre autres, par un panthéon qui est formé de dieux venus de toutes les religions principales, les religions polythéistes, c'est voilà. Le principal. C'est-à-dire donc tu vas croiser Odin, Ares, Zeus, Amaterasu, donc folklore japonais. Voilà. Du coup, il y a aussi des créatures mythologiques égyptiennes, je pense. Oui. Oui, t'as parce qu'il y a Imhotep. Horus aussi, qui a un rôle important. Voilà. Et tu vas croiser des minotaures, tu vas croiser aussi des créatures tout simplement fantastiques, oui, genre une créature de Frankenstein. Des zombies. Vampires. Vampires. Il y a les Hokai. Des copas. Des kappas, pardon. Les Hokai, ça c'est chez Marvel, ça. Ah. Des copas. Des Hokai. C'est bon, la copa. Pas Hokai, le personne. J'ai jamais compris. Mais donc, en fait, qui sont effectivement les esprits du folklore japonais, qui sont des fois bien dégueux. T'en croises beaucoup. Qui sont bien dégueux, des fois. À chaque interchapitre, t'as un petit descriptif d'une créature en particulier. Ouais, bah, le monstre du Loch Ness aussi apparaît. Donc oui, il y a plein de trucs. Et donc, dans cette ville, il y a une humaine parfaitement normal. Oh là là, il va spoiler. Super badass. Voilà, qui s'appelle... McCoy. Alors, qui se fait appeler McCoy, mais on découvre rapidement, en fait, qu'en vrai, elle est japonaise et que son vrai nom, c'est Magoy. Oh, il a spoilé, putain. Il commence à me casser les couilles. Elle meurt au top 3. C'est pas vrai. Qui a ouvert... En vrai, elle s'appelle Bernadette. Elle s'appelle Brigitte. Elle récolte les pièces jaunes. D'ailleurs, il y a Jacques Chirac qui apparaît en fantôme dans le tome 8. C'est très dérangeant. Ah, donc il est sorti de l'hôpital, c'est bon. Oui, mais bon, il est un peu moins bien. Donc, McCoy qui a ouvert une agence de détective dans cette ville et donc qui aide à résoudre des enquêtes diverses, voilà, et les détectives privés. Sachant que du coup, c'est la seule humaine, donc du coup, elle enquête. C'est ça, c'est la Sherlock Holmes de l'Area 51. Mais c'est la seule humaine, mais elle est ultra badass et t'inquiète pas, elle est là pour botter des culs. Elle est ultra badass, elle est bourrine. Elle est bien portée sur la bouteille. Ouais. Elle est bien portée sur la bouteille. Une planche sur deux, elle va te lâcher une punchline. Elle a pas mal de points communs avec Jessica Jones. Voilà, je pense à Jessica Jones. Ouais, elle va encore plus loin que Jessica Jones. Oui, elle va plus loin parce que l'univers est plus bourrin. Ouais, c'est ça. Le personnage est ultra badass, ultra attachant. Oui, très rapidement. Mais tous les personnages sont très attachants. Ouais, mais il y en a, ça met un peu plus longtemps, le style. Bon, son Kojiro, ça vient assez vite. Oui. Mais Amaretsu, par exemple, c'est plus long. Mais voilà, on a envie de suivre ses aventures dans ce monde qui est foisonnant, parce que vu qu'il s'inspire de tous les folklores, en fait, il arrive à toujours nous surprendre avec un nouveau truc, tout en donnant une vraie cohérence. C'est ça, à son monde. Tout cet univers-là est super bien mélangé. Alors ça fait bien entendu beaucoup penser à la série Fable, le comics US, pour le coup. Bon. À mon avis, l'inspiration vient de là, quand même. Ouais. Au niveau narration, au début, ça commence par des petites histoires plutôt indépendantes. Ouais. Le fil rouge s'installe petit à petit. Ouais, le fil rouge arrive à partir du quatrième tome, je crois. Le fil rouge, vu que ça vient tard. Ouais, parce qu'il arrive au bout du quatrième, cinquième tome, peut-être. Donc, du coup, sur une série qui compte 15 tomes en tout et pour tout. Hein. Graphiquement, c'est une claque. C'est très identifiable. L'auteur a un style immédiatement identifiable. Bah, clairement. Énormément sur les aplats noirs. Bah, clairement, l'auteur a lu Sin City et voilà quoi. Ouais, il a lu Sin City de Frank Miller et donc voilà, il a pris exactement le style. Et pour le coup, peut-être pas au début, mais à la fin, je trouve que c'est plus maîtrisé que ne l'était Sin City. Oui. Encore. Et puis il a pris exactement le style, il a quand même son style, ça n'a pas de graphique. Montre aux copains, enfin, un écran en tout cas. Voilà, visuellement. Je sais pas si c'est le plus représentatif là que t'as mis. Ouais, je me suis rendu compte après coup sur quel plan j'étais tombé. Comme par hasard, hein. Mets des scènes d'extérieur. C'est dans le tome 1 qu'on nous présente les divinités ou pas ? Passe. Autant de la table ronde, tu sais. Non, c'est dans le tome 2. Tout ça, c'est une page à montrer pour le coup, où tu vois vraiment la puissance, quoi. Ouais, déjà, mais très rapidement, c'est évoqué, quoi. On arrive déjà plus sur. Ouais, c'est vraiment du pur Sin City au niveau du style. Ah ouais ? C'est super dynamique. Ouais. Le style est vraiment super maîtrisé. Je suis tombé sur ce personnage que j'ai trouvé super classe, il m'a fait sourire. La méduse, en mode. Oui. Bah, typiquement, ce manga, t'as envie de vivre en fait dans ce monde-là, quoi. Ça a l'air tellement craqué de partout. Alors, ça dépend. Oui, ça dépend, mais ça dépend quand même. Ça a l'air tellement craqué. Mais t'as des trucs qui ont l'air fun, quoi. Il y a des personnages assez récurrents aussi dans les personnages fantastiques, genre la mémé qui court vite, comment ça s'appelle? Ah, c'est celle qui fait la course. Ouais, voilà, ouais. Enfin, j'ai vu que ça pour l'instant. Oui, qu'on revoit au moins 2-3 autres fois dans le manga. Avec le médecin du quartier qui est un centaure, trucs. Énormément de références, alors très discrètes, mais cinématographiques. On sent que le mec, il a vu ses grands classiques du film noir et du film fantastique. Ah, c'est une ambiance très polar, ouais. C'est genre un manche, je sais plus dans quel tome, t'as un personnage de Minotaure ou de Centaure, je sais plus, qui s'appelle Del Toro. Voilà, ça passe crème. Dans un autre tome, il y a un personnage qui s'appelle Carpenter. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. Et c'est super cool. Bon, par contre, le clodo qui s'appelle Michael Bay, j'ai trouvé ça un petit peu osé. Celui qui s'amuse à jeter des petits pétards dans la rue. Voilà. Explosion. Et... Par contre, Uwe Boll dans l'hôpital psychiatrique, j'ai trouvé ça sympa. Alors, le truc qui me fait rire, c'est aussi les fins de chapitre, enfin les fins de tome. En bonus, il y a ce qu'il appelle les festins de l'hécatocéphale. Où en gros, c'est les passages narratifs où il se met en scène lui-même qui va dans un restaurant un peu chelou qui s'appelle l'Hécatocéphale, où on lui sert toujours des créatures fantastiques à manger qui ont des effets un peu particuliers sur lui. Okay. Donc, c'est le petit bonus, ça n'a aucune incidence sur le manga, mais c'est très bien à lire. Et on peut souligner le travail éditorial de Casterman, avec la qualité des covers à chaque fois au niveau texture, qui est vraiment très très chouette. Oui, il y a un grain très sympa. Enfin, les covers, elles sont toutes dingues visuellement. Casterman, un éditeur qui vraiment ne sort que des bons trucs, quoi. Alors ça devient très vite très dramatique. Hein. Oui. C'est, voilà, c'est, il y a de l'humour pour ce que le personnage principal est drôle et que il y a tellement de créatures what the fuck autour d'elle qu'il y a forcément des passages humoristiques, mais c'est du bon gros drame bien sombre. Ouais, carrément. Mais donc voilà, une série que nous ne pouvons que vous recommander avec Issam, qui vient de se terminer du coup en 15 tomes. Ça ne spoil pas, ne t'inquiète pas, mais la fin est largement à la hauteur des attentes. Clairement, c'est une série qui vaut le coup de bout en bout. Et voilà, il faut la lire. Si vous la lisez pas, c'est ça que vous passez à côté de l'un des meilleurs seinen de ces dernières années. Quoi. Et un des plus originaux, que ce soit visuellement ou au niveau de, ou au niveau du, de l'univers, donc. Merci de me l'avoir fait commencer, Christopher. Mais de rien. Et ça t'a rapporté combien Non, mais on va pas faire les petits papiers. 130 euros à peu près. On va pas faire les petits papiers. Petit coup. Oh la vache, pourquoi tu veux un bon cadeau, c'est ça? Non, je signale. Tu veux une image? Du coup, t'as Jabberwocky à faire maintenant. Oui, c'est prévu. Et puis. Faut se dépêcher, à mon avis, ça va commencer à. Pour l'instant, tout est encore dispo. Nous allons passer maintenant à Saltiness, l'une des nouveautés de chez Akata. Le vieux blanc tout d'un coup, dans la collection What the Fuck, il me semble. Oui. C'est bien ça, c'est dans la collection What the Fuck. C'est une petite série en 4 tomes où on suit l'histoire de Takehiko, qui est un trentenaire. Un trentenaire qui pense qu'il a une vie super cool. Voilà, il pense que c'est un winner, il pense qu'il a une vie extraordinaire, alors qu'en fait c'est juste un gros branleur. Qui est bien loser aussi sur les bords, et qui en fait va le découvrir le jour où il se rend compte que sa petite sœur a toujours, c'est toujours, comment dire, privé d'avoir une relation amoureuse et tout, pour entretenir son petit frère. Son grand frère. Son grand frère, oui, son grand frère. Du coup, elle se retient de se marier, ce genre de choses, pour pouvoir s'occuper de lui et tout. Et le jour où lui se rend compte de ça, bah, sa vie part totalement en vrille. Il décide de quitter la maison, de partir en road trip pour essayer de trouver un but à sa vie. Est-ce que ce premier résumé te convient, Issam? Oui, sachant que ça part vite en couille. Bah oui, c'est pour ça que, pour le résumé, on s'arrête là. Donc en fait, c'est un résumé, de la, enfin, c'est l'histoire de la vie de Benzaï, c'est ça? Faut que t'arrêtes avec Benzaï. C'est pas parce que le personnage lui ressemble sur la cover qu'il faut toujours revenir à lui. Bah, le personnage Benzaï est un loser qui est persuadé qu'il a une vie magnifique. Hein. Bon, toujours est-il que c'est un très bon manga. Alors, on est d'accord. Le personnage est un gros enfoiré. Alors, le personnage. En fait, c'est là que j'ai trouvé le personnage super bien géré. C'est que. Il est super attachant. Il y a des fois. Ah, mais c'est ça le truc. Il y a des fois, il est super mignon presque. C'est un connard mais attachant. Ça, c'est tellement un connard. Ben oui, parce que très vite, donc, il va rencontrer des gens. Donc, le premier qu'il rencontre, c'est un mec comme lui, un loser qui vit dans la rue, quoi. Mmh. Et direct, il va s'imposer à lui en tant que, bon, je te domine, tu vas m'obéir maintenant, tu vas devenir mon esclave, quoi. Mais dans le genre domination, c'est le genre, à un moment, il se dit, bon, il faut que je trouve un boulot. Il dit, bon, moi, je vais dormir. Toi, pendant ce temps, trouve-moi une idée de boulot. Et si je ne trouve pas, et là, il sort un énorme caillou, je te fous ça dans le cul. Il le fout dans le cul, alors, du coup. Je laisserai découvrir. Ah, c'est pour ça qu'il est salé, du coup. C'est vraiment le personnage, et des fois, odieux, c'est un tyran. Ouais. Et j'ai trouvé ça assez osé de mettre un personnage comme ça en personnage principal. Ah, surtout qu'il s'en prend à tout le monde, il s'en bat les couilles. Ouais. Lui, comme le lycéen chez qui ils vont squatter. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, ils vont squatter chez un lycéen, ils lui laissent même pas le choix. C'est genre, bon, toi, bah, je vais squatter chez toi, ta gueule. Celui qui est censé appuyer justement pour que la pierre rentre. Voilà. Oh, il faut que je le lise, pour vous donner une idée de l'humour du truc, le mec, quand il se rend compte qu'il ne trouvera pas de boulot à l'autre, en fait, sa seule réaction, ça va être de poncer la pierre pour qu'elle rentre, tout simplement. Enfin, voilà. N'importe quoi. Comment il les appelle, les deux, là? Je sais plus. Tu sais, il leur a trouvé un nom bien rabaissant, quoi. Et genre, pour les punir, il leur dessine des points sur la gueule. Tu sais, genre comme s'ils étaient malades. Et le lycéen, du coup, il se retrouve avec ses points marqués sur la gueule. Non, même pas au boulot, au lycée bah, et au boulot, oui, après. Oui. Et c'est totalement nawak. Et voilà. Saltiness, c'est. Mais c'est super bien écrit. Mais c'est ça, parce c'est que super en même bien temps, écrit, tu sens qu'il y a une vraie tendresse pour les personnages. Mais oui. C'est pas le gros truc, parce que t'aurais pu craindre, du coup, à ce résumé-là, que ce soit un gros truc de droitard, mode Emmanuel Macron. Encore. Vous êtes des ratés, vous avez raté votre vie, vous méritez ce qui vous arrive. Il y a des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Voilà. C'est ça. Là, clairement, ces personnages sont des ratés, mais il y a tout un message social derrière. Alors, ça n'empêche que c'est des ratés et que c'est des ordures par moment. C'est vraiment parce qu'ils ont été mis au banc de la société, une société qui est montrée comme pas très attirante. Oui, voilà, c'est ça. Clairement dégueulasse, quoi. C'est ça la question qui est posée. Est-ce qu'ils sont pas comme ça à cause de cette société pourrie ? Pour moi, les meilleures œuvres sociales de gauche, parce que c'est très clairement de gauche, c'est celle-là. C'est quand les personnages principaux sont pas non plus tout roses, mais qu'on montre que s'ils en sont arrivés à ce stade-là, il y a des raisons. C'est celle-là et Mein Kampf, hein, parce que tu m'en parles assez souvent. Et... Oui, c'est écrit par un socialiste, hein, Mein Kampf. Ouais, un de ses grands inventeurs. Hein. Non, mais voilà, ça rappelle ça rappelle un peu le cinéma dont j'ai déjà parlé, de Carverne et de Lépine. C'est le même type de perso. C'est ça, des persos totalement barjots qui sont à mille lieues de pouvoir s'intégrer dans la société tellement ils sont extravagants, quoi. Quand tu parles de Carverne, un côté crade réel, quoi. Quand tu parles de Carverne, je pense à Gustave de Carverne. Bah, c'est lui. Oui, c'est bien lui. Ouais, voilà. C'est lui. Oui, effectivement, non, tu peux pas l'intégrer. Une fois de plus, l'une de mes grosses lectures du mois. Visuellement, c'est super beau. Ouais, c'est très très beau. Avec quelques pics d'originalité, genre un homme fraise à un moment. Oui, voilà. Un homme fraise. Oui. Voilà, dans un délire du personnage. Voilà. C'est dès le début en plus, hein, vraiment. Voilà. Et du coup. Bah, même où ce passage où il s'imagine sous une pluie de caca. Oui, aussi. Voilà. Voilà. Il s'imagine sous une pluie de caca. Comme ça. Et il y a une page magnifique où, genre, il est droit, comme ça, t'sais. Il est droit, il est fier, et il dit ma vie. Elle mérite un 20 sur 20. Ah oui, je l'ai vu cette page. Et puis même lui, le look qu'il a, quoi, quand il est en train de gueuler, il a de ses têtes. C'est génial. Ah oui, quand je l'ai feuilleté, je l'ai vu ce passage-là. Ma vie, elle mérite un 20 sur 20, alors que c'est un gros loser, quoi. Mais donc voilà, une très très très très bonne lecture. Mm-hmm. Une petite série en 4 tomes. Et l'auteur a fait quoi d'autre ? C'est, alors, il a fait plusieurs autres séries. Et Akata, qui ne sont pas sorties chez nous. Ouais, mais Akata a déjà signalé qu'ils avaient acheté déjà d'autres séries de l'auteur. Okay. Lorsqu'ils se sont fait piquer 2-3 auteurs chez Akata, donc cette fois-ci, ils ont pris les devants. Et notamment dans les séries qu'il a fait, je suis content que tu poses la question, parce qu'il y en a une qui s'appelle Imizu et qui a été adaptée au cinéma par Sonocion. Et donc, regardez Imizu de Sonocion, c'est un vachement bon film. Ou alors, attendez que le manga sorte, éventuellement, et après, regardez le film. Ouais. Ça pourra peut-être donner envie. Ou faites les deux en même temps. Ou faites les deux. Mais en même temps. Mais en attendant. Lisez Saltines. Voilà. Je pense qu'on en a terminé avec Saltines. Ouais. Et ben on va enchaîner. Et nous allons passer à un comics. Nous allons retourner en comics, dans l'univers comics, chez Panini, avec un one-shot sur Nick Fury, écrit par James Robinson, dessiné par Akko. Et à mon avis, c'est Hugo Petrus, il doit être à la colorisation, je pense. Lettrage. Ah non, il est au dessin aussi. Bah oui, il est au dessin sur l'épisode 5, parce qu'il y a quelques petites choses qui il y a aussi la signature sur la cover de la personne qui a fait l'illustration, donc je sais et pour le coup, s'il y a un coloriste, il faut le citer parce qu'il y a un mais c'est Greg Land. Oui, c'est Greg Land. C'est Rachel Rosenberg qui fait la Oui, c'est Greg Land. Arrêtez de me poser des questions tous en même temps, on va pas s'en sortir. Ah, c'est pas une question, c'est une affirmation. Ah, c'est Greg Land. Nick Fury, déjà on peut directement indiquer que si vous ne connaissez pas l'univers Marvel, ce n'est pas un problème, puisqu'il n'y a rien à savoir de particulier sur l'univers Marvel. Ce que vous avez à savoir, c'est que Nick Fury, c'est un agent du SHIELD, et voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour comprendre le bouquin. De toute façon, ouais, concrètement, ce qu'il y a besoin de savoir, vous le saurez même en n'ayant pas vu les films, parce qu'on en parle tellement au quotidien, dans les discussions ou quoi. Et puis surtout que c'est des trucs qui sont même pas introduits dans les films, ce qu'on va voir. Genre et Atlantis, puis... Hydra, c'est des méchants. Voilà. Et puis à un moment il y a un tableau de crâne rouge façon Andy Warhol. On est sur une mini-série en 6 épisodes, donc du coup dans ce volume là nous avons l'intégralité où en fait chaque épisode est une aventure de l'agent Nick Fury dans des aventures très Mission Impossible dans l'esprit. Missions, ouais, à chaque fois. Et alors ça pique beaucoup de la culture pulp. Où on retrouve effectivement tous les thèmes. Je veux dire, t'as le voyage dans l'espace, les créatures sous-marines, tu as la partie James Bond. La première partie, c'est une partie de James Bond avec la montre qui fait tout. Je veux dire, elle fait le café, tout est piratable. Alors, si dans les James Bond, vous aimez les gadgets, là, vous allez être servi. Il y en a énormément. La voiture volante, on disait le petit pistolet qui se met au bout des doigts et piou-piou. Les Yakuza dans l'espace. en armure de samouraï. Voilà, c'est... Il y a tout. Donc voilà, un récit vraiment Mission Impossible en diable. Et surtout, une patte graphique extraordinaire. Là, je pense que on ne peut être que tous d'accord autour de cette table. Visuellement, c'est une claque. C'est GTA Disco. Il y a des moments, c'est ça. Non, mais il y a des moments, t'as des pages où... alors là, pas celle-là du tout. Mais t'as des pages où t'as vraiment un éclaté où tu vois, par exemple, Nick Fury qui est sur un quad, telle personne qui fait qui tire au flingue et tout ça. Et le posing est très disco, les couleurs aussi. Mais sinon, t'as l'impression de voir du GTA. Bah, c'est un peu un Mission Impossible si on avait demandé au Terry Gilliam de la période Las Vegas Parano de ça. Réaliser. C'est ça. Et voilà. Donc un bon trip sous acide. Hein. Ouais. Mais qui, vu sa poisse, ne serait jamais sorti au cinéma. Pour ce Tom Cruise, serait probablement mort pendant le tournage ou paraplégique. Il serait pris une overdose en voulant tester les drogues pour voir les mecs que ça fait. Pour le coup, c'est peut-être... alors c'est génial, mais c'est peut-être pas un comics que je recommanderais à quelqu'un qui n'a jamais lu de comics. Ouais, ça, justement, c'est ce que je voulais dire. C'est un truc que je t'avais parlé, oui, parce que... Ouais, ça plaira pas à tout le monde, ça c'est sûr et certain. Ah, mais c'est même pas en termes de dessin. Ça profite à fond des codes de mise en page du comics. C'est même pas ça, c'est vraiment la mise en page. Ça pousse super loin les codes de mise en page du comics, et donc ça peut être un peu cryptique. Il y a des pages, si tu n'as jamais lu de comics, tu ne peux pas savoir l'ordre des bulles au premier abord. Ouais. C'est impossible. Si t'en as jamais lu. Il y en a beaucoup. Par exemple, bah cette page-là, par exemple, la double page. Oui, celle-là. Si t'as jamais lu de comics, tu sauras pas. Je sais pas. Disons qu'en fait, j'ai réussi. Ce qui est bien, ça m'a fait plaisir. J'ai réussi à choper le dialogue dans le bon sens. Donc, mais... donc pour le descriptif, on parle d'une page où en fait Nick Fury est dans sa voiture et qu'il fait des zigzags sur les deux pages en fait. Et donc du coup, bah il faut lire les bulles selon le déplacement de la bagnole, tout simplement. Mais c'est pas un truc qui te saute aux yeux si t'as jamais lu de comics. Alors, par exemple, est-ce que Issam ça a été pour Bah oui, mais j'ai lu pas mal de comics. Oui, maintenant, Il y a un personnage qui est habillé en flic. À un moment, pendant une demi-seconde, j'ai cru que c'était un caméo de Stan Lee. Il y a énormément de double pages. Oui. Ouais. Ça travaille beaucoup sur les double pages pour créer justement des jeux de mise en scène assez dingues. Mais tu sens que Akko, il s'est fait plaisir en fait. Quoi. Bah, surtout que Akko, à la base, il vient du numérique. C'est un dessinateur qui fait beaucoup de comics uniquement pour le format digital. Et donc, ça se voit sur Nick Fury. La colérimétrie a été mise à 200. 2000. Ah. Oui, tu disais 2000. 2000, et on retrouve vraiment des gros contrastes avec des noirs purs qui sont assez sympas. Bah, niveau couleur, ça fait limite les comics d'il y a 20-30 ans. Quoi. Ah mais oui, mais même, c'est un hommage constant à ces comics-là. Il y a un gros travail sur les détails. Honnêtement, je ne sais pas si c'était du mensuel, mais c'est assez dingue. C'était du mensuel, visuellement. Et alors, ce qui était... C'est, on ne peut pas en dire plus au niveau de l'histoire, parce que franchement, c'est à lire, c'est tout. Bah, c'est, et puis, il n'y a même pas vraiment d'histoire. Il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est des séquences. Pendant l'histoire, à chaque fois, il y a une petite mission. Oui, il y a l'histoire, vous ne trouverez rien de révolutionnaire. Il y a un petit fil rouge qui est conclu à la fin, et c'est correct, quoi. Mais c'est juste qu'il pète la classe. Parce que c'est Nick Fury. Non, c'est Nick Fury Junior, hein. C'est pas celui des films Marvel, c'est son fils. C'est ça. Un peu comme James Bond Junior. Donc oui, c'est constamment... Non, c'est le neveu de James Bond Junior. C'est ça qui est con. Et donc oui, c'est constamment un hommage aux vieux comics, et notamment cet épisode-là, qui est la suite directe d'un vieil épisode de Nick Fury des années 70. Mmh. Voilà. Oui. Et dont la cover, en fait, reprend... Ça, c'était la cover originale, sauf que c'était le vrai Nick Fury qui était à la place. Sur le dessin original. Globalement, les pages titres sont extraordinaires. Ah, les pages titres, donc ouais. Très souvent sur double page, exclusivement sur double page. Elles sont extraordinaires, ces pages-là. Ah, mais il y a un vrai travail de mise en scène, c'est hallucinant. Mm-hmm. Donc, vous l'aurez compris, une lecture que nous recommandons tous les quatre. Ces pages titres qui, du coup, où les titres n'ont pas été traduits en VF, justement parce qu'il y avait un tel travail dans l'inclusion du titre dans le dessin, qu'ils ne pouvaient pas se permettre de le traduire. Là, c'est impossible. Ben, ouais. À part lui dire, tu peux nous la refaire en écrivant le mot en français. Ouais, voilà. Et puis, à mon avis, il te fait, tiens. Ouais, donc, ils déjà contentés de mettre une petite traduction en bas. Du coup, on a les traductions en bas. Voilà, c'est à lire. C'est ça, c'est super cool. Et puis c'est que sur un tome. C'est une intégrale quoi, donc ouais. C'est ça. Ça vaut le coup. C'est vraiment très très bien. On va rester chez Marvel pour le prochain titre de la sélection avec le tome 1 de Hawkeye, la nouvelle série Hawkeye, qui est écrite par Kelly Thompson et dessinée par Leonardo Romero. Michael Walsh, il me semble qu'il fait la colo. Ah non, il est aussi au dessin, c'est Jordi Belair, oui, qui fait la colo. Quand il a dit Leonardo Romero, j'ai failli dire Camoulox. On suit du coup Kate Bishop, la seconde Hawkeye, qui arrive en Californie, il me semble. Elle s'installe à Los Angeles. C'est ça, elle s'installe à Los Angeles. Cabinet, ouais. Pour devenir détective privé. Yes. Et donc changer d'air un peu. Et donc sa première enquête, ça va être une enquête au début, une disparition de jeune fille, qui ensuite on va vite se rendre compte que. Il y a une histoire de secte derrière tout ça. C'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît au début. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, en fait, elle fait ses petites enquêtes assez anodines au début, et puis ouais, elle va se retrouver très sur vite, un plus gros truc où ça va partir en couille par rapport à une secte. Pour le résumer, on peut s'arrêter là. Oui. Oui, parce que concrètement, ouais, c'est ça. Elle va se trouver à enquêter sur cette secte qui va mêler des personnes. Auquel elle sera, va se rapprocher, parce que du coup elle va se créer un petit entourage de sidekick lycéens. Oui, va... c'est une série très teenage, ouais, c'est teenage dans, ouais. dans l'ambiance. Mais pas non plus teenage overdose, quoi. Mm. C'est-à-dire on peut très bien l'apprécier même en ayant passé ce cap-là, quoi. Mm-hmm. Ça, c'est clairement pas un souci. D'autres personnages de l'univers Marvel qui arrivent après, ça on va pas le dire, forcément. Mm. Parce que c'est à partir du deuxième arc que propose le bouquin. Ouais. Parce que le premier tenant sur trois numéros, forcément. Bah après, je crois que ça spoil derrière dans le résumé. Donc, Ah ouais ? Ouais. Ils te disent qu'elle est là ? Ouais. Ah bah oui, effectivement. Bah donc vous croiserez Jessica Jones dans ce premier tome. Mais ce sera pas le seul personnage. Voilà, ce sera pas le seul. Dans la série. Mais beaucoup d'humour dans cette nouvelle série Hawkeye, notamment sur le fait que. Bah oui, elle s'appelle Hawkeye, comme un autre Hawkeye. Et que très souvent, les gens, quand ils vont la voir dans son cabinet, bah ils s'attendent à trouver le Hawkeye homme et ils font. Ah, ouais, pof quoi. Je m'attendais à voir le vrai. Bah après, sans spoiler, enfin moi qui ai lu toute la série en VO du coup, forcément il y aura un moment le vrai Hawkeye qui va la rejoindre. Bah, et là, le jeu de mots là-dessus, ça va foiser forcément. À 10 000 quoi. Vu que les deux s'entendent bien. Ouais, c'est ça. Alors j'ai bien apprécié le fait que cette nouvelle équipe, parce qu'avant c'était Mac Fraction et Aja, je sais pas comment on prononce pas son nom. Donc Mac Fraction et Aja au dessin, qui étaient sur la série Hawkeye, là c'est une toute nouvelle équipe. Mais j'apprécie le fait qu'ils gardent les codes qui ont été intégrés par Aja et par Fraction. C'est-à-dire, typiquement. Toutes les pages d'analyse de Kate, c'est où, ça. Elle tombe sur des scènes et elle dit alors lui, il y a le gros bonnet, là c'est là où je peux tirer la flèche. Voilà, c'est ça. Le truc que je pourrais trigger. Ça c'est un innocent, c'est un tel, ça c'est un surfeur qui est beau gosse, voilà. Un peu à la façon des scènes de combat dans le chef des Sherlock Holmes avec Donnie Junior. C'est un peu comme ça, ouais. Ouais, c'est un peu ça. Exactement. Ouais. Bah, attends, on va t'en montrer une. Tiens, envoie le bouquin. C'est bizarre, je suis tombé sur une sorte de censure à un moment dans une phrase. C'est parce qu'ils ont retiré une insulte ou. Oui, bah. Ouais, ça doit être une insulte. Mais comme très souvent dans les comics Marvel. Alors, du coup, ouais, je l'ai pas lu en VF, mais en VO, je sais que les dialogues, ils sont. Franchement, ils sont cool parce que c'est une manière de tourner les blagues ou les jeux de mots qui sont super. Après, je sais pas en VF si ça a bien si été ça rentre très bien. Ouais. Ouais. Tiens, voilà. Des pages comme ça, par exemple. Voilà. Tu vois, elle rentre sur un lieu et tac, hop, cordon de l'escalier, horrible flyers, abdos. Ouais, elle est parce que tu sais, elle est très... Ouais. Elle-même, elle est plutôt jeune, elle doit avoir une vingtaine d'années, ouais, Kate Bishop, donc les beaux gosses, ça l'attire un petit peu, quoi. Et il y a beaucoup de trucs. Elle localise tout de suite ce qui l'intéresse, c'est ça. Au cas où elles doivent tirer. Et en fait, ça, c'est un code vraiment qui a été introduit par l'équipe d'avant, par ceux qui faisaient la série d'avant. Et en fait, j'aime bien quand des auteurs arrivent sur une nouvelle série, mais qu'ils gardent certains codes qui ont été faits par les autres. Ça crée une cohérence, en fait, à l'univers. Bah, plutôt que les bonnes idées. Ouais. C'est ça, plutôt que de tout virer et d'un... comme un certain Brian Michael Bendis aime bien le faire, par exemple, de virer tout ce que les précédents ont fait et dire « Non, maintenant, c'est moi qui fais. » Voilà, j'aime bien quand les auteurs font tu ça. Tu fais bien, Bendis. Bah, à mon avis, il a une voix plus grave parce qu'il est un petit peu gros. Un vrai Bendis, tu le croises dans la rue, tu dis pas ça parce qu'il a une gueule de mafieux. Donc... Ah ouais, il fait peur. Il fait un peu flipper. C'est un peu le Kingpin. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Un peu le Caïd, effectivement. Mais encore une fois, c'est comme pour Nick Fury. La série Hawkeye, il n'y a pas besoin de forcément connaître l'univers Marvel avant. Non. Parce que tu n'as pas beaucoup de points d'ancrage avec ce qui s'est passé avant. Du moment que... À partir du moment où tu sais que Hawkeye, c'est un archer, et donc elle, c'est une archère aussi, bah voilà, c'est tout. Mais finalement, c'est les meilleures séries, hein, au final. Hein. clairement. Vu qu'il n'y a pas eu Jessica Jones. Oui, les séries qui ne sont pas plus impliquées que ça. C'est ça. Elle, elle tire très bien. Et Jessica Jones, elle tape très fort et elle résiste. Voilà. C'est ça. C'est tout ce qu'il y a à savoir pour lire ce truc. Et ce qu'il y a de bien, c'est que la série ne fait que devenir de mieux en mieux. De mieux en mieux. Elle est terminée, il me semble, aux US. Oui, elle est terminée, ouais. Comment ? En combien de... Je pense que ça en fera 3, du coup. Il y a combien de numéros, là ? Il y en a 6. 6, ouais, c'est bon, parce qu'il y en a 15 ou 16. Oui, donc ça sera en 3. Ça sera en 3 volumes. 3 tomes reliés. Ouais. Avant d'avoir une autre série Hawkeye. Sachant qu'il y a quand même un fil rouge tout le long. Qui se développe après. Ouais. Le truc de la secte, etc. Même si ça va être résolu, sans spoiler, je dirais pas comment, ça reste quand même canon avec tout le reste, quoi. D'accord. Qui va amener à une conclusion chef d'œuvre. Carrément. Ouais. C'est bon, moi, c'est chiant. Non, mais c'est vraiment une série coup de cœur. Voilà, ça fait un an que je la lisais et ça me fait chier qu'elle soit mise en pause parce que ça va être repris cet été, mais je sais pas avec quelle équipe. Oui, voilà, c'est, ça change de. Bah, ça repart en numéro 1 même. Ouais. Bah, comme beaucoup. Bah, en fait, maintenant. Comme la majorité des séries Fresh Start, quoi. Ouais, non, mais j'ai un petit aparté. La numérotation maintenant dans les séries Marvel, ils mettent le 1. Les deux, ouais. Mais ils mettent aussi le. En fait, maintenant, ils vont mettre. Ils mettent tout, quoi. Pour expliquer aux gens, ils vont mettre l'ancienne numérotation. Donc, par exemple, Spider-Man redevient. Mais Spider-Man numéro 800, ouais. Et t'auras un petit indicatif en bas, quoi. Genre, en fait, c'est le numéro 1 de la nouvelle série. Mais ils gardent l'indicatif original. Mais c'est beaucoup plus cohérent que la politique actuelle qu'ils ont faite il y a quelques mois de mettre que la numérotation originale et pas. Oui. Ouais, mettre les deux, c'est mieux. Ouais. Oui, mettre les deux, c'est beaucoup mieux. Ouais. Enfin, même celle d'avant, ça rimait à rien. Parce que tous les 6 mois, ils relançaient au numéro 1, quoi. Ça n'a rien. Je suis d'accord. C'est quoi ce bordel ? Donc, oui, je suis bien content qu'ils fassent ça en espérant qu'ils s'y tiennent. Parce que si c'est pour, encore une fois, changer d'avis et au bout de 6 mois repartir à numéro 1 et en virant le vieux nu en haut, bah ça sert à rien, quoi. Bon, alors que c'est pas bien compliqué de mettre les deux, hein. Ça va. Oh, mais tu sais, pour Marvel, des trucs compliqués, des trucs simples, ça devient très compliqué. Alors imagine-toi les trucs compliqués. Tu sais, il y a des films qui influencent les comics, alors faut pas... Hein. Voilà. Pas trop froisser, quoi. Est-ce qu'on en a fini avec Hawkeye ? Oui. Je pense qu'on peut dire à tout le monde de l'acheter, parce que c'est super bien. Oui. Bah moi, de toute façon, perso, c'est un coup de cœur de la vie, donc... Un coup de cœur de la vie. Faut y aller, quoi. Un coup de cœur de la vie. Même la série d'avant, si ça vous intéresse. Mais t'as vu ce qu'il a dit ? Il a dit quoi ? Il a dit que t'as vraiment une vie de merde. Alors, enculé. Même si ça vous intéresse de découvrir l'ancienne série et de découvrir un Hawkeye un peu plus travaillé que dans les films, justement, allez-y, quoi. Ça vaut vraiment le coup. Un Hawkeye encore plus humain que dans les films. Ouais, ouais. Carrément. En e-code, c'est à 30 euros, vous aurez l'intégrale des. 36 Ah, c'est 36 euros. Mais c'est un gros pavé. Hein, de ouais, c'est un pages. Énorme pavé avec toute la série, donc allez-y, quoi, ça vaut le coup. Clairement. Et puis, Fraction au scénario, c'était extraordinaire, et David Aja au, ah bah oui. Au dessin, voilà, c'était une bonne claque. Pareil, même le... C'était encore l'ancien Hawkeye. Ouais. Oui. Alors, même la mise en page, elle était énorme. T'as des... C'était l'ancien Hawkeye, mais il y avait Kate Bishop aussi qui était quand même là, en tant qu'Hawkeye. Bah, c'est ses débuts, quoi. C'est ça. D'accord, c'était un peu la passation de flambeau. Bah, en fait, un arc sur deux, c'était elle. Oui, c'est ça. C'est un arc, t'avais un arc, c'était lui, l'arc d'après c'était elle, et ainsi de suite, en fait, jusqu'à la fin de la série. Mais ils se partageaient pas le même arc, ça aurait pas été pratique. Putain. Bon, allez, terminons-en avec Hawkeye en disant aux gens d'aller l'acheter parce que c'est super bien. On va passer au 16e titre de cette sélection qui n'en finit pas. Il s'agit de Kenen, édité par Doki Doki. Kenen le survivant. Alors celle-là, je sens que tu l'as préparée, mais en amont, pendant des jours et des jours. Je l'avais noté sur un petit papier. Je me souviens, tu l'avais préparée quand on prenait notre bain la dernière fois. Je l'ai fait déposer. Bah d'ailleurs, c'est une marque déposée. Hein. C'est, là, c'est... Elle est à la SSM. Les blagues du bain. On va sortir un livre bientôt. Les blagues du bain. J'ai quand on prend notre bain. En parlant de blagues du bain, il est sorti le livre de blagues pour les chiottes de Tex. Je ne crois pas. Je ne sais pas. Pourquoi tu veux l'acheter ? Et je reste planté là. Nous t'écoutons, Nécro. Donc, Kenen de Fuetsudo et de Ishimura Itoshi, pardon. Y a pas de souci. C'est l'histoire c'est l'histoire d'un prêtre qui arrive dans une ville et qui tombe sur des habitants qui sont terrifiés parce que il y a une lettre qui arrive avec une flèche. Comme quoi il doit livrer une des filles du village à des créatures. Et, à des mononokés. Des mononokés. Et le prêtre est accompagné, va laisser un chien, va avoir un chien avec lui qui va laisser à la place de la fille. Et le chien va être très pot de colle avec le Mononoke. C'est surtout que le chien s'est endormi au lieu de l'attaquer. Oui. Et savoir que ce chien sacré peut prendre une apparence humaine, parce que lui-même est un esprit. C'est ça. Et donc... Censé chasser les singes. Et on apprend que, bah, en fait, les Mononoke qui voulaient enlever la fille, c'est une tribu d'hommes singes. Et en fait, l'idée, c'est qu'ils ne sont que des hommes. Et ils sont obligés de se reproduire avec des femmes humaines. Et donc, y en a un qui est en âge bientôt d'avoir une copine. Et donc, il doit ramener une humaine d'un village. Le personnage qu'on voit en couverture. Exactement. Et en fait, il va être sous la menace du chien qui lui exprime que si jamais il ne fait pas ce qu'il faut, il va se faire bouffer. Lui et toute sa famille, il va les tuer, les bouffer. C'est un peu un chien façon il au chien quand même. Hein. C'est un petit peu un chien façon oh, je mords. Je mords. I bit. C'est chef de l'île au chien, quoi. C'est ça. Et finalement, le prêtre qu'on a au début est le narrateur. Mm. Et il le dit, non, c'est pas mon histoire en fait, moi je suis juste narrateur dans ce truc-là. C'est un manga qu'on a tous lu autour de cette table. Et je sais que Necro, Issam et moi, on a trouvé ça plutôt sympathique. J'ai trouvé ça cool. Ouais. Je trouvais vraiment ça bien. D'accord. Ouais. Et je sais que ce cher Alex a trouvé ça totalement osé. Ouais, mais c'est un ressenti perso en fait, j'ai pas accroché à l'histoire, ça m'a. Alors moi. J'ai trouvé ça plutôt drôle. Vraiment des passages avec un humour qui fonctionne bien, je trouve. Visuellement, je trouve ça très joli. Mm-hmm. Les personnages et tout. Et l'univers m'attache bien. Mm-hmm. Ainsi que les personnages. Hein. Je les trouve plutôt bien développés. Après, oui, c'est peut-être pas une série que je suivrai assidûment. Non, je n'irai pas jusque-là, mais c'est vraiment sympa. Mais oui, c'était une bonne lecture. C'est pour le coup le ton comique m'a un peu surpris parce que entre la couverture et le résumé, je m'attendais à quelque chose de plus mélancolique, ouais. Lent et dramatique. Mais il y a non, quand même fait, ça. Quoi. Il y a ça qui peut te donner un indice, quoi. Ouais, mais c'est vraiment, en fait, c'est ce qui est vraiment très mis en avant, la comédie. Il y a des blagues qui sont de l'abus, quand même. Genre, par exemple, le Mononoke qui doit écrire un message pour parler à la place du chien sacré. Et pourquoi tu fais pas toi-même? Je suis un chien. Ah oui. Alors que lui pourrait se transformer, il pourrait largement le faire, mais non. Tu l'aimes bien ce chien-là? Je suis un chien. Je pose la question, c'est pas un vrai chien. Écoute, c'est pas un vrai chien, donc ça passe. Ah, puis il fait plus loup visuellement. Ah ouais. Il fait loup. Ah, le tricheur. Oui, est-ce que c'est pas la visuelle qui te dérange chez les chiens? Ouais. Bon. Ah là là. D'ailleurs, c'est marrant, on retrouve la problématique du collier. C'est le collier qui est donné au chien, ça veut dire qu'il a un maître, on le retrouve, on le retrouve là-dedans aussi. Mais il y a vraiment des moments d'éclat, en fait. Il y a des passages qui sont très plan-plan, et il y a des passages d'éclat, genre le passage de la chasse, oui. Qui, visuellement, à la vache. Avec le découpage, rend très très bien. Et ouais, ça, c'est une vraie réussite au niveau mise en scène et tout. Non, moi, je sais qu'il y a un passage dont je me souviens qui m'avait bien plu, c'est quand il lui fait découvrir la mer. Oui. Où je trouve que le personnage du loup sacré là se lâche un peu plus, tu vois. Il est moins froid, ouais. Moi, quand il va dans l'eau, genre. J'ai bien aimé ce passage là. T'as vu cette imitation du chien qui va dans l'eau? Pas mal. Je comprends pas que Wes Anderson t'es pas embauché. N'est-ce pas? By bite. Par contre, il va être embauché par Paul W.S. Anderson. Pour fichu. C'est pas la même chose. C'est ça, pour faire l'île au morpion. T'as un autre budget quand même. Voilà, il y a des pages. Globalement, visuellement, j'aime beaucoup, mais je trouve que niveau mise en page, c'est très plan-plan, à part certains passages. Et j'aime bien le prêtre. Mais sinon, ouais, mise en page, c'est très quadrillé, quoi. Il y a rien de transcendant. Il y a une blague récurrente, c'est aussi le prêtre qui essaie de rassurer les habitants en disant non, mais tout va bien et tout, vous inquiétez pas, il s'en occupe. Et intérieurement, c'est mais il fait quoi ce putain de chien? J'ai pas de nouvelles. Alors, au moins, il s'inquiète, quoi. C'est pas le prêtre de le diable s'habille en soutane, quoi. Il les aurait tous laissés crever. Dans les personnages, ce qui est sympa, c'est que le Mononoke principal, finalement, il doit enlever une fille pour pouvoir se reproduire parce que c'est la tradition. Mais en fait, lui, il a pas envie de le faire. Oui. Lui, il a pas envie de passer par là. Il préférerait passer par des moyens plus civilisés. Donc, c'est pour ça aussi qu'il se met un peu à dos sa famille. C'est quoi c'est... Non, je l'enlève, je fais comme tout le monde. J'aime beaucoup les deux jumeaux qui arrêtent pas de le rabaisser tout le temps. Oui. En même, mais quel bolos, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est vraiment un crétin. Non, mais en plus, ils essaient d'être gentils, tu le sens la plupart du temps. C'est, en fait, ils le rabaissent en essayant d'être gentils. C'est encore pire. Enfin. Donc voilà, une petite lecture sympathique, mais qui ne transcende pas, comparé à tout ce qu'on a lu le reste de ce mois-ci. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ouais. Eh bien, nous allons passer à un titre qui va tous nous mettre d'accord, qui s'appelle Archangel. Et vous avez entendu quelqu'un souffler. Bah, n'achetez pas, ça vaut pas le coup. Et donc, c'est écrit par le frère caché de Mel Gibson? Non. Alors, Archangel, ou l'histoire d'une bande de cons qui font des allers-retours entre les dimensions, alors que ça sert à rien, en fait, concrètement. Non, attends. Et dans le temps aussi. Déjà, préparez-vous à sauter 5 minutes, le temps que je dise les crédits. Écrit par William Gibson et Michael St. John Smith, dessiné par Butcher Geiss, Alejandro Barrio Nuevo et Wagner Rice, ancré par Tom Palmer et Butch Geiss, colorisé par Diego Rodriguez et Wes Dioba, le seul étant cité sur la couverture étant William Gibson, parce que les autres sont des merdes, je pense. Ah non, il y en a deux qui sont cités en tout petit. Voilà. Moi j'ai fait les crédits, je vous laisse vous débrouiller pour le résumé. Hein. Résumer, alors, à part dire qu'il y a des... La couverture, il y a un crâne dessus. Oui, alors d'ailleurs, j'ai pas compris le rapport entre la couverture et l'intérieur, mais c'est pas... Bah, à part la mouche mécanique, c'est-à-dire qu'il y a une mouche mécanique sur le truc, bon, cette mouche mécanique-là, c'est une sorte de traceur qui les suit dans les dimensions, temps, machin, truc... Bah, parce qu'il y a des morts. Chouette. Franchement, j'ai eu le premier tiers et je me suis dit, putain, j'en ai marre. Il y a un moment où, effectivement, lors d'une mission dans le passé, si j'ai bien compris, il y a une trahison. En fait, ils retournent en arrière. En fait, c'est des gens qui vont dans le passé. Je ne sais plus pendant quelle guerre, la deuxième, je crois. La deuxième, guerre parce mondiale. Que là, l'avion, c'est un travail. Mais on met très longtemps. C'est un zeppelin, non ? On sait qu'il y a une trahison. Début d'avion. Je crois qu'il y a des zeppelins. On sait qu'il y a une trahison, mais effectivement, on met très longtemps avant de savoir qui trahit qui, pourquoi ils sont allés dans le passé et pourquoi ils ont été trahis. Enfin, tu comprends très vite qu'ils se trahissent tous entre eux. Quoi, en fait, c'est hein. Moi, les deux premiers chapitres, honnêtement, je ne comprenais rien à ce qu'on me racontait. Il n'y a pas grand-chose, quoi. Bah, et en fait. Ça, j'ai lu. Les trois chapitres suivants, je me suis rendu compte qu'en réalité, c'était très compliqué pour pas grand-chose. Ouais. Bah, en fait, ça m'a cassé les noix à partir du deuxième chapitre. Où là, je me suis dit, tant que je ne comprends pas un bout de la situation, je me contrefous de ce qui s'arrive à ces personnages. Et puis, vu qu'à aucun moment, on comprend clairement ce qui se passe... Bah... Et puis, il n'y a pas une accroche qui fait que tu t'attaches vraiment à ces personnages-là. C'est juste, ils sont là, c'est « Ah, machin, il a telle fonction. Ouais, ah, oui. Je m'en fous. » Mais en gros, ouais, enfin, le postulat de départ, c'est la situation désespérée. On va envoyer des hommes dans le passé pour essayer d'améliorer les choses. Mais c'est même pas envoyé dans le passé, c'est envoyé dans une autre dimension. Oui. Ça rime à rien. C'est un passé alternatif. Un passé alternatif pour éviter que dans cette dimension parallèle se passent les mêmes choses que dans la dimension actuelle. Mais vu que dans la tienne, c'est le bordel. Bah. À la base, en fait, c'est. Et ça, tu l'apprends plus tard en plus. C'est ça le pire. Bah oui. C'est, je veux dire, ceux qui envoient dans le passé, à la base, c'est pas la rébellion. C'est ceux qui ont pris le contrôle du monde dans une dimension qui décident d'envoyer des gens dans le passé d'une autre dimension pour prendre le contrôle du monde, et la rébellion en profite pour envoyer des espions en même temps pour empêcher que la même chose arrive dans une autre dimension. Mais le plan de base de ceux qui veulent prendre le contrôle d'une dimension, enfin pourquoi ils veulent faire la même chose que ce qu'ils ont déjà dans une autre dimension? Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Ce sera même pas eux qui contrôleront le monde. Donc sinon, en tout aussi foireux, il y a la partie Cro-Mag dans Sliders, c'est à peu près la même chose. Après, on peut imaginer que s'ils arrivent à se transporter dans une autre dimension, ils veulent peut-être faire une espèce de colonisation de dimensions parallèles. Pourquoi? Bah parce qu'il y en a jamais assez. Enfin, bah c'est ce que je disais, les Cro-Mag dans Sliders, c'est ça. C'est en fait ils vont de réalité possible en réalité possible pour faire des conquêtes de la même planète mais à l'infini. Ouais mais. Mais c'est mal fait. La différence c'est que Sliders c'est une vieille série. Ouais. Aujourd'hui en 2018, tu peux plus faire des scénarios comme ça. Tu peux plus faire des méchants qui sont en mode ha ha ha je veux dominer le monde. Non c'est ridicule à notre époque. Ouais c'est vrai. Hein? Vu, c'est comme les méchants qui veulent détruire le monde. Mais c'est quoi ton intérêt? Oui, c'est ridicule parce qu'on les a déjà en vrai, donc. Bah oui, en plus. Ah, puis une fois qu'il a détruit le monde. Bah, il te reste plus rien, donc c'est quoi l'intérêt? Voilà. Bah, aujourd'hui, tu peux plus faire des méchants comme ça, ça rime à rien. Donc ça, c'est pour le scénario, parce que maintenant, on peut aussi parler des dessins qui est moche comme un cul, quoi. Mais le pire, c'est que la conquête. Un peu, ce genre, ils sont OSEF. Oh, moi, je trouve ça laid. La conquête du monde, ça, c'était un truc qui avait été quasiment, qui était devenu quasiment une obligation suite à, aux grosses censures qu'il y avait eu dans les comics. Où, ben, finalement, le plan des méchants devait être le plus bateau possible parce que ben, sinon, ça ne rentrait pas dans les cases de la lutte contre la censure. Et du coup, bah oui, c'est resté, mais il n'y a plus besoin. C'est bon. Bah oui, voilà, c'est ça. On n'est plus dans cette censure abusive. Donc, ils peuvent continuer maintenant. Bah, et puis même maintenant, on a plutôt tendance à vouloir des méchants qui ont des plans cohérents, quoi. Mmh. Ouais, bah oui. Mmh. Alors là, en plus, c'est en 5 chapitres, donc ça va à 200 à l'heure. Bah oui, c'est ça. Si t'aurais voulu développer une vraie histoire, t'aurais dû mettre ça sur puis, le temps au moins. Et à la fin, tu te posais la question, tout ça pour ça, quoi. Bah oui. Ah bah, le rebondissement de toute fin... Bah, il est ridicule, quoi. Ouais. C'est vraiment du message politique de merde. Voilà. C'était bien, hein. Bon, comme vous l'avez compris, on vous le vend pas trop. On vous le conseille pas du tout, quoi. C'est clairement le pire de ce mois-ci. Ah ouais, clairement. Je pense c'est le, ouais, c'est le c'est pire. C'est le fond, quoi. Puis c'est le pire de chez Glénat Comics, je pense aussi. Hein. Si vous collectionnez, ouais, ça, pense, si vous collectionnez les comics et que vous avez un décor un peu goth macabre, sinon la couverture peut vous intéresser. Quoique le, comment ça s'appelle, voilà, là, le truc fait par le mec qui a fait Lady Mechanica, Raph, je sais pas quoi. Ouais, c'est un truc qui est nul, mais ah, Revborn. Ah, ça, c'est nul. Oh, c'est d'une nullité. Elle est plus nulle que ça. Ah, mais oui. Bah, déjà, pour moi, je vais te dire un truc. Pour bah, attends, Revborn, c'est pas le truc avec les sorcières au Japon, là, je sais pas quoi. Non, bah, ça aussi, ça, c'est bien nul, ça aussi. C'est autre chose. Mais déjà, pour moi, Lady Mechanica, c'est nul. Ah, moi, voilà. Moi oui, Lady c'est Mechanica. Un... C'est contemplatif. Hein. C'est du dessin. Mais si je veux avoir du beau dessin, j'achète un book. J'achète pas un comics. Oh, moi, j'achète Lady Mechanica. Pff, non, c'est nul, Lady Mechanica. L'histoire est cool. Et qui c'est qui a édité Mycroft? C'était c'est la chaîne Tu m'as fait peur, j'ai cru que tu parlais encore. J'ai cru entendre Mein Kampf, moi aussi. Non. Et mon cerveau a fait ça, non. Ça, c'est Alain Soral. Hop, nouvelle case dans mon bingo. C'est Hachette Comics qui a sorti Mein Kampf. T'as pas encore le parler Dieudonné. C'est sûr que c'est pas Delcourt. Non, non, c'est Hachette Comics. C'est Hachette. Petite digression d'ailleurs. Ah bah, c'est pas comme si on en faisait pas beaucoup, quoi. J'ai vu qu'il y avait un manga Moriarty qui allait sortir. Oui, qui sort chez Kana bientôt. Ah, c'est... sympa ça. Ça a l'air cool, voilà, ouais. C'est tout ce que j'en sais. Bon, passons au dernier titre de cette sélection. Un manga édité par Kazé, l'une des grosses sorties de ce mois-ci. Promise. Nul. Neverland. Nul. Mais qu'est-ce qu'il dit, lui? Il est totalement fou. Quelqu'un aurait-il le tome sous les yeux? Bah, il l'a planqué à un moment, je crois, ah, que j'avais en main. Là. Et à partir de là, je sais pas où tu l'as mis. Promise Neverland. Promise Neverland, donc scénarisé par Kayu Shirai et dessiné par Pozuka Demizu. Où nous suivons le quotidien de Emma Norman et Ray, qui sont trois orphelins qui vivent à Gracefield House. Un orphelinat, tout ce qu'il y a de plus banal en apparence, n'est-ce pas? Où. Ils vivent au jour le jour, tranquillement, ils ont leur petite routine, le matin ils se lèvent tranquillement, ils déjeunent, tout va bien. Mais donc ça devient chelou quand on leur fait faire des tests... Des tests vénères, quoi. Bah c'est, voilà, genre, rien que la page, elle veut tout dire, quoi. C'est, à ce moment-là, tu fais, ouais, il se passe des trucs bizarres, quand même, dans cette orphelinat. Et surtout, en fait, jusque-là, il y avait un aspect très... à l'ancienne dans le design de l'orphelinat et on n'avait aucun élément technologique qui nous indiquait à quelle époque on était. Ah mais ça aurait pu et là tout à coup t'as les tests sur tablette qui débarquent et tu te dis mais ça se passe quand là tu m'aurais dit ça se passe dans les années 30, 40, 50, ouais. J'y aurais cru. Ouais, hein. Ça faisait très Dickens en plus, c'est clairement. L'orphelinat et compagnie. Oui, oui, limite un recul d'un siècle, ça bah, passe. L'ambiance à la Charles Dickens elle est là tout le long. Ouais, clairement. Et du coup t'as cet élément technologique qui apparaît et plus tard c'est déconfirmé. Ouais, en fait ça se passe dans le futur carrément. C'est ça. Et. Bah, à un moment, il se passe un truc. C'est qu'il y a une petite fille qui doit quitter l'orphelinat parce qu'elle est adoptée. Et on comprend très vite que bah, l'adoption, bah, c'est pas comme on l'entend, quoi. Pas tout à fait. C'est pas tout à fait comme on l'entend. Disons que ça vire chocolat pour la gamine. Hein. Et tout ça parce que justement, bah, la protagoniste plus un autre. C'est-à-dire deux des meilleurs élèves de l'établissement. Court vers le portillon parce qu'elle a oublié sa peluche. Ouais, et donc il va lui ramener et là il voit quelque chose qui effectivement va tout changer. C'est ça. Dans leur vision de l'adoption. Bon, ça, on, ça, on peut le dire. Hein, c'est, peut le dire c'est dans le résumé. C'est ouais. Que la gamine, en fait, elle a été filée en pâture à des démons pour les nourrir, quoi. Voilà. Parce qu'on apprend très vite que, bah, en fait, c'est plus une ferme qu'un orphelinat, quoi. Et donc, elle est mise en boîte. Voilà. Mmh. Non, en bocaux. Elle est mise en bocal. Elle est en bocal. De formol. Alors, sachant que, voilà, c'est alors qu'on avait un ton plutôt mignon, plutôt enjoué jusqu'à présent. Et tout d'un coup, ça tombe dans l'horreur. Il y a cette planche avec la gamine de 6 ans à l'intérieur du camion, avec une fleur qui lui sort du ventre au milieu d'une mare de sang. Mmh. Voilà, le choc est brutal. Et après, puis, ils l'ont cherché aussi, parce que le fait de ramener la peluche, c'était pas anodin. Ils voulaient quand même savoir ce qui se passait derrière ce petit portillon depuis un certain temps. Ouais. C'était un bon prétexte pour y aller. Eh ben, oui. Il fallait pas. On sentait que les gamins étaient quand même assez, assez curieux. Bah, oui. Mais c'est dès qu'ils arrivent vers le portail hein, que ça commence à, que l'ambiance commence à devenir plus sombre, avec t'sais bien, toutes les ombres et tout. Ouais. Déjà là, ça commence. Et puis après, bah, c'est la double page où on voit pour la première fois les démons et leur design assez particulier. Ouais. Et ça, c'est une page, t'en prends plein la gueule quand tu la vois, celle-là. Alors, petite précision, ils ont des tatouages au cou aussi. Tous les gamins ont des tatouages au niveau du cou avec un numéro de série. Mmh. C'est ça. Mais c'est quand ils vont... avec le bétail, c'est ce qu'on réalise. Oui, voilà, c'est ouais. ça. C'est quand ils vont au Super U, comme ça, la dame, elle peut les... Alors, moi, j'ai pensé, parce que... C'est une nouvelle boutique Amazon où tu n'as pas besoin de passer à la caisse. moi, j'ai pensé aux expériences qu'il y avait eu au Japon sur les prisonniers, qu'il y avait aussi des tatouages comme, ben, comme, dans les camps, comme dans les camps allemands. Si l'expérience, les personnes survivaient, c'était pas... Ouais, c'était bien. Mm. Vous pouvez en faire une deuxième sur lui, alors. C'est un shonen, mais un shonen assez sombre. Ah la vache. Un shonen, édité par le Shonen Jump. Mais il est dark, hein. C'est ça qui perturbe beaucoup de monde, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup, forcément. Et du coup, bah, en fait, là, justement, le truc dont je parlais, le tempérament enjoué de la nana qui entraîne tout le monde, pleine d'énergie et tout ça, et bah, elle va devoir le simuler. Ah oui. Pour faire comme si elle n'avait rien vu. Et là... J'imagine la difficulté du truc de... Allez les enfants, on va jouer, ouais. Oui, parce que après cette découverte, bah il faut commencer à penser à un plan d'évasion, quoi. Oui, parce que il faut coup, se barrer. Quand ils vont à cet endroit-là où ils découvrent les démons, ils sont obligés de se cacher un moment, ils entendent des choses, ils découvrent certains personnages, etc. Et du coup, ce qui fait que derrière, ils vont devoir se planquer, voilà. Aussi. Ouais. Oui, sans bah potentiellement oui. les prochains sur la liste. Ouais. Ouais. Du coup, c'est... Voilà, c'est... Et puis alors, au fur et à mesure, d'ailleurs, ils apprennent tous les dispositifs de sécurité qui sont mis en place pour leur éviter de se barrer. Mmh. Bah, c'est ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir une vue d'ensemble de... du terrain et de comprendre qu'au final, c'est des espèces de... Bon, je vais pas trop en dire après, mais... Mais c'est chaud, quoi. Ils sont pas... En fait, ils sont pas seuls, quoi. Mmh. Mais c'est vraiment chaud de se barrer, quoi. C'est... Mmh. C'est compliqué. Quand il y a un mur de plus de 5 mètres devant toi, c'est compliqué, oui. Ouais, quand tu fais 1m20... Ouais, ouais, voilà. Bah, remarque, même quand tu fais 2 mètres, s'il y a un mur de 5 mètres, c'est quand même compliqué. Ouais, alors, j'ai trouvé relativement bas, parce que je crois que c'est 3 mètres. Ah, disent. Peut-être, ouais. Et du coup, je me suis dit qu'il y a encore moyen. Oh, c'est 3 mètres, il y a moyen à 2. À 2, tu sais... Dans la courte échelle. Il y a moyen. Mais alors, pour le coup, comme le dit... en fait, c'est justement là que l'héroïne est importante. C'est elle veut pas se barrer toute seule voilà. Les deux autres. Il y a quand même l'esprit shonen, quoi. On emporte tout le monde avec nous. Il y a quand même l'esprit shonen, on laisse personne derrière nous. C'est ça la vraie difficulté. Voilà. C'est trop bien. Mais il y a encore quelques petits plot twists qui arrivent pendant l'histoire où finalement ça remet en question même la moralité des personnages que tu penses à d'une façon ou d'un seul coup. Tu dis ah merde, il y a d'autres enjeux. C'est bien fait. Et puis oui. Même ce qui est ultra pervers, c'est que même s'ils arrivent à s'évader, tu sais pas ce qu'il y a derrière. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça se trouve, ils vont se faire quand même niquer à la fin. Et ça aussi, on en joue un petit peu, l'auteur en joue un petit peu sur mais qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que le monde maintenant appartient aux démons ou pas? Non, et puis sinon, il y a aussi l'esprit de compétition entre les personnes qui gèrent le truc. Où là, tu te dis, ça oui. aussi, c'est pas bon pour eux. Enfin, je veux dire, ceux que tu penses être des connards, des fois, tu te dis, ah, ils sont pris au piège aussi. Mm. Donc très intéressant. Ça, pour en avoir parlé avec Alex, il y a des plot twists en fait qu'on aurait tous les deux plus vus vers la fin. En fin de tome, ouais. En fait, je trouve ça assez intéressant justement que les plot twists soient pas tous à la fin parce que ça aurait fait un peu trop de trucs à la fin, tandis que là, en fait, c'est vraiment une découverte au fur et à mesure. J'ai trouvé ça sympa, moi, justement. Oui, mais enfin, c'est juste comment c'est amené, c'est. Parce qu'au final, à la fin du tome 1, bah. Entre guillemets, si le... bah, je trouve que le plot twist du coup est moindre bah, à la fin du tome 1 que celui auquel on pense quoi. Carrément. Il est pas, enfin il y a même pas de plot twist en fait à la fin d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a rien. Il y en a même pas. Non, je te dis, il y a rien. Enfin, c'est pas indispensable. Tout à la fin, il y a. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des twists tout le long qui sont éparpillés en petits cailloux. Enfin, en tout cas, l'univers a l'air assez riche. Mm-hmm. Ouais. Clairement. Bah, il y a moyen de faire un truc long et de pas rester sur 10 tomes sur leur évasion quoi. concrètement. Ah oui, non, parce qu'après. Ouais, normalement, ça sera pas le cas. Là, parce qu'après, il y a ce qui est au-delà de la muraille qu'il faut imaginer, parce que là, on n'en sait rien. Ils ont une deadline pour s'évader, donc. Ouais. Ah oui, la deadline, en plus, elle est courte. Hein. Mm. Bon, après, les deadlines repoussées, c'est pas comme si dans le manga, on en avait tout le temps, hein, mais bon. Tu as 5 minutes avant que je détruise le monde. Mais d'abord, je vais t'expliquer pourquoi. Plus que 5 minutes. Et ça fait déjà 3 épisodes. Voilà. Tu as exactement 8 minutes. Quoi? Bon, allez, disons 3 heures et on n'en parle plus. Les deadlines, hein, on sait ce que c'est. Voilà. Il y a une grosse mode en ce moment, sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube et tout, pour dire que Promise Neverland. Ah, c'est le nouveau Death Note. C'est le nouveau Death Note. Ouais, non, mais ça, non. Non. Alors, il faudrait que les gens arrêtent de se vouloir, prendre la tête. Ouais. Dr. Stone, c'est le nouveau Naruto. Et qu'est-ce qu'ils avancent comme. Parce que c'est un shonen psychologique, mes couilles sur la commode, voilà. Mais il faut arrêter. Alors, qu'il y en a eu plein, quoi. Mais puis ça n'a rien à voir. Bah non, mais je suis d'accord. Ça n'a rien à voir. Ça n'a aucun rapport, quoi. C'est mais ce qui est génial, c'est pas quand. Ah, si, le rapport, c'est Shonen Jump. Quand on parle d'un réalisateur en disant, par exemple, c'est le nouveau Spielberg, ou c'est. Non, putain, appelez-le par son nom. Bah, surtout qu'avec le nouveau Spielberg, c'est pas un compliment, donc. Voilà, déjà, c'est pas un compliment, ou forcément. Ou mais en plus. Il y a quand même des gens qui vont voir le film. Ou alors, il y a 2-3 ans, je lisais beaucoup Hans Zimmer, c'est le nouveau John Williams. Shyamalan qui a eu son truc, justement, aussi. Makoto Shinkai, c'est le nouveau Miyazaki, paraît-il. C'est ça. Gros début, c'est le nouveau Bederna. Hein, oh, celui-là, il était beau. Oh la vache. Alors, par contre, après. Bon, par contre, c'est super privé de joke. Ouais. Mais bon. Après, on peut parler, par exemple, des fois d'héritage, succession, tout ça, parce que bah, des fois, il y a des trucs qui montrent que, bah oui, il y a des grosses inspirations. Ouais, mais. Des fois, c'est complètement affirmé. Oui, des fois, ça, je suis d'accord, mais pour le coup, ça n'a aucun rapport. Là, ça n'a rien à voir. Je vois vraiment aucun rapport entre Death Note et Promised Neverland, mis à part, encore une fois, que c'est le même magazine qui les a publiés, enfin pré-publiés, bah, et oui. Que c'est un petit peu psychologique, quoi. Et encore. Et puis, quel magazine, déjà? Shonen Jump. Bah dans ce cas-là, je veux dire, c'est le successeur. Voilà, c'est le successeur d'Arale, quoi. Mais non, là, il y a vraiment aucun rapport là pour le coup. Bah Rocket, il est Arale est passé dans le Shonen Jump aussi. Oui, non, mais il y a aucun rapport. Non, mais tu vois, non, ce que je veux dire, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas les mêmes thématiques. C'est pas pris pareil. C'est pas présenté pareil. Les chocs ne sont pas pareils. C'est comme si tu disais, je sais pas, tu compares une horloge à une montre, quoi. Voilà, là je peux comprendre le rapport. C'est pas comparable, c'est pas la même utilisation. Bah disons que j'ai déjà essayé de me balader avec mon horloge pour avoir l'heure partout sur moi, c'est compliqué quand même, hein. C'est délicat. Ah, moi dans le bus, il y a des fois on m'a pas laissé monter, hein. On m'a dit non monsieur, il faut pas monter avec ça, hein. Arrêtez les gens de dire c'est le nouveau. Insérer un nom derrière. Mais ouais, depuis, ça marche pas. Là, c'est depuis cette semaine, c'est la nouvelle mode sur YouTube et Twitter. Mais ça se trouve, c'est un mec de Kazé qui a utilisé ça à un YouTuber et puis après, ça s'est propagé. Peut-être. Hein. C'est une mode qui existe depuis très longtemps. Les YouTubeurs sont influencés par les éditeurs. Ah bah, on les appelle bien des influenceurs après derrière. Donc, ouais. Ils sont influencés pour influencer d'autres. Mais du coup, je sais que Alex, tu es peut-être celui qui a été le moins attiré. Non, c'est pas que je suis moins attiré, c'est que. C'est un souhait personnel, mais je sais que ça n'arrivera jamais, parce que de toute façon, tu m'as dit plusieurs fois. Je voudrais que ce soit plus violent, mais ça n'arrivera jamais, mais c'est sûr. Voilà, du coup, en fait, ce que... Mais pour moi, ça a un potentiel tellement énorme pour être un truc vraiment où on peut se lâcher. C'est dommage, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un truc quand même qui est délicat autant, c'est qu'en fait, il faut maintenir l'illusion pour le plus grand nombre. Donc, mettre plus de violence, ça aurait été délicat. Ça reste le Shonen Jump, donc c'est pas possible. Non, mais qu'en fait, on est derrière... Aussi. Parce que je pense qu'à un moment, on nous placera dans la partie des démons. Ouais. Et qu'on voit vraiment les choses telles quelles, quoi, tu vois. Non, tu verras pas des boyaux. Hein. Bah non, peut-être pas voir des boyaux, mais voir vraiment la violence du truc, quoi. Par contre... Peut-être que tu les verras bouffer des gamins, mais genre, ils seront pas en mode gamins normaux, il y aura pas de sang, ça sera pas gore, quoi. Ça reste d'être dans l'ombre, vachement l'ombre, comme on a certains passages, effectivement, dans les visions cauchemardesques. Mais c'est juste c'est un souhait perso. Oui, parce que quand tu me le disais toi, j'avais vraiment l'impression que... Tu le reprochais, quoi. Non. Voilà. Bah non. Je veux vraiment qu'il bouffe des gosses. Pour le coup, je m'attends un peu à ce qu'il y ait des passages niveau mise en scène, un peu comme ce jeu vidéo que tu avais fait, Little Nightmares. Little Nightmares, ouais. Ouais. Où il y avait ces scènes-là très glauques, mais plus dans la suggestion qu'autre chose. Mm. Je pense que ce sera un peu comme ça. C'est très bien. Mais par contre, s'il y a un reproche dont je t'avais parlé, c'est le fait que j'espère que dans les prochains tomes, on ne nous fasse pas à chaque fois un chapitre un but, tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Là, ils ont fait un chapitre, c'est un chapitre, on va chercher une corde, un chapitre, on va chercher un bouton, enfin, tu vois. J'espère que ça, c'est fini, que c'était que pour quand le premier faudra aller chercher le quand faudra aller chercher le Justin Bridou, oui, ça risque d'être chiant, quoi. Non, ah, mais qu'on sorte quand même de cette... comment dire? Cette façon boucle. Claire, là, cette boucle-là, c'est saoulant, quoi. Oui, parce que ouais. C'est vrai que c'est une suite de MacGuffin, ça risque d'être chiant, mais... Faut que ça tabasse, là. Faut que ça tabasse. Là, dans le tome 2, faut qu'il y ait de l'action. Là. Après, vous cherchez 6 pierres d'infinité. Mais t'es pas la première personne à me dire ça. Dans le tome 2, il faut qu'il y ait de l'action. Là, pour moi, si le tome 2 reste dans cette même ambiance, moi, ça fonctionne. Moi, ça marche aussi. Hein. Ouais. Moi, il faut qu'il y ait un peu... Enfin, il faut qu'il se passe un truc, quoi. Mais il se passe des trucs. Il se passe des trucs. Non, mais pour l'instant, il y a un seul enfant mort, mais pour moi... Ouais, pour c'est moi, là qu'il faut des enfants morts. Bah, oui, mais pour moi, il en faut plus. Il faut vraiment montrer la cruauté de la situation. Oui, mais donc, du coup, encore une fois, le mec, ça fait 5 minutes qu'il nous explique qu'il aime pas parce qu'il n'y a pas assez d'enfants. Non, je dis pas que j'aime pas. J'ai jamais dit que j'aime pas. Mais du coup, en fait, là, tout simplement, ce que tu reproches au manga, c'est de ne pas être ce que toi tu voudrais qu'il soit. Oui, mais c'est pour ça que je dis que c'est pas un reproche, je dis que c'est un souhait perso. D'accord. Parce que là, au niveau psychologique, on est déjà dans le torture porn, hein, quand même. J'irai peut-être pas jusque-là, mais. Non, non, mais je veux dire, dans leur tête, c'est quand même. C'est. Voilà. La tête des gamins, oui, d'accord. Non, c'est un souhait perso. Après, dans le tome 2, je maintiens que j'espère vraiment qu'il va y avoir quand même plus d'action. Mmh. Sinon, je vais être un peu déçu quand même. Mais le fait que ce soit plus violent, oui, c'est un souhait perso. Ça, je maintiens. je sais que ça n'arrivera jamais. Donc, bon, c'est comme ça. Bah oui, c'est le Seinen Jump n'existe pas encore. Mmh. Ou alors, il faudra que ça se change, ça ira dans l'Ultra Jump, quoi. Ouais. Comme Jojo Bizarre Aventure. Il y a l'Ultra Jump, je connais plus, quoi. Mais bref. Voilà. Mais moi, sinon, mais si, moi j'aime, hein, sinon. Mais moi pour l'instant, ouais, c'est ma lecture manga du mois. Ouais, bah clairement. Pareil, bah, moi, c'est dans mon top tier. Ce mois-ci, mais c'est clairement excellent. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y en a qui était dans le top tier. Celui-là, c'est le 1 aussi. Donc, J'ai pris mon pied à le lire, mais du début à la fin. Bah, le scénario est génial. Visuellement, c'est magnifique. Ouais, visuellement, c'est beau. Il y a des petits ratés par moment. Il y avait certaines cases où je faisais. Bah, ouais, notamment des ratés, mais sur la fin où on a d'autres protagonistes qui rentrent dans l'histoire et il y en a un notamment qui est dessiné un peu raté par moment. On sent que le dessinateur cherche le ou là d'ailleurs je ne sais pas cherche à prononcer un de ses caractères et un trait de ses caractères et c'est pas ça marche pas trop. Des fois typiquement là, c'est des cases comme ça. Ça c'est moche. Voilà. Mais sinon, oui, moi, j'ai adoré aussi. Hein. C'est juste, j'ai un souhait perso, et derrière, j'aimerais que le tome 2, ça tabasse. En fait, il est en train de chercher des excuses, hein, mais son seul problème avec ce truc-là, c'est qu'à aucun moment, on ne voit la culotte. Ça, c'est toi, ça. C'est ton souhait perso à toi, ça. Alors tu veux la petite culotte. Alors que page 7, il y en a une. Page 7. Non, je t'ai connu. Ah, regarde. Tu vois. Je dis la merde. Ça m'a fait peur, parce que donc, j'en ai pas eu. Pour vous. Second tome, le 27 juin, au Japon, ça compte... Ah oui, on a oublié de dire, Kazé, ils ont aussi bourriné le truc, c'est que d'ici la fin de l'année, il y aura 5 tomes. On aura 5 tomes cette année, au Japon, je crois qu'il y en a 8, et l'auteur a dit qu'on était à la moitié de la série, ça sera pas une série longue. Cool. Donc voilà. 16 tomes à peu près. Potentiellement, entre 10 et 20 tomes, quoi, disons. Enfin, à moins qu'il nous fasse une Oda, quoi. Oui, je vais prendre une pause. Ou une attaque des titans. Hein. 20 ans plus tard. Alors là, ils ont vieilli entre temps et alors sont quoi à peu près. Enfin, après, Oda a jamais dit dès le début que ça serait court, quoi. Comparé à l'attaque des titans, qui à la base devait durer une quinzaine de tomes. Et aujourd'hui, on Mais Scocchino, il a attendu 60 tomes pour dire qu'il en était qu'à la moitié, quoi. Oui, c'est pas faux. De qui ça? Bah, Oda. Ah oui, non, parce qu'en plus, il a refait la même blague 20 tomes plus tard en disant bon, là, on est à la moitié. Merci. Non, mais en fait, j'ai plein d'idées, je vais les rajouter, c'est trop bien. Bon, vous voyez ce que vous avez eu là? C'était le prologue. Après, on se lance. Bah ça, il a plus ou moins fait comme ça, Oda. Hein. Là, c'est l'introduction. Là, ce que vous avez vu, là, Marineford et tout ça, c'est de la pisse à côté de ce que je vous sors. Là, tu dis, mais mec, t'es fou. Voilà. Bon, nous recommandons tous les quatre Promise Neverland. Ouais. C'est très, très, très, très, très, très, très, très, très bien. Ouais. On peut signaler, même si autour de la table, il n'y a que Issam qui l'apprécie. Mais on peut signaler que pour la première impression, il y a une couverture réversible. Ah ouais, qui ne vous coûte pas plus cher. Donc, qu'on l'aime ou pas, on s'en fout, c'est gratuit. Oui, faite par Benjamin Lacombe, et moi je la trouve très chouette. Mm-hmm. Et ce qui est sympa, c'est qu'ils ont laissé Benjamin Lacombe faire un petit mot d'auteur sur sa jaquette. Ah bah c'est cool. Donc voilà. Et voilà, vu que ça ne coûte pas plus cher, qu'on aime ou pas, on s'en fout, c'est avec, quoi. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de reproche à faire. Même si c'est moche. Allez, très bien. Oh, je rigole. Et donc, si je lance un appel, si on a un dessinateur parmi nous qui veut nous rajouter des planches avec des gamins éventrés pour que Alex soit ouais, content... Ouais, je veux bien, voilà, merci. Je les encadrerai chez moi, je vous paierai gracieusement. Même si c'est Benjamin Lacombe, vu que t'aimes pas trop son style. Ah non, c'est Benjamin Lacombe. Ouais. Ouais, Benjamin, si tu veux nous dessiner des gamins... Les petites culottes aussi, c'est ça? Les petites culottes, c'est pour Issam, c'est pas pour moi. Non, pour Issam, c'est les chiens écrasés. Non, c'est les petites culottes avec les filles d'enfantone qui traversent. Mais non, mais c'est toi qui as dit que t'avais plus aucune petite culotte, donc ça veut dire que t'as fait attention. Non, donc non, j'ai jamais dit ça. Coupons la poire en deux, des gamines éventrées en culotte. Voilà. Exactement. Tout le monde. Exactement. Qui mange du chien. Qui mange des chiens. En lisant Mein Kampf. Ah, ça ferait une sacrée scène, quand même. Quand même, ça ferait du bon nanar. Bon, il est temps de refermer ce podcast sur la recommandation. Alors donc voilà, je voulais parler d'un artiste que j'ai connu surtout sur le net, avec des bandes dessinées dématérialisées sur sur un site qui s'appelle Boulet Corp. Ouais. Et donc le dessinateur s'appelle Boulet. Et il est assez connu maintenant, hein. Je veux dire, il est assez connu de la scène, la scène internet, de la scène geek et tout ça. C'est vrai qu'on en parle un petit peu maintenant sur les internets. Dans le même dans le paysage de la bande dessinée, il est connu, quoi. Et puis même hors bande dessinée, on le retrouve beaucoup dans des conventions, on le retrouve beaucoup dans des émissions autres qui n'ont rien à voir avec la bande dessinée. Par exemple, il a fait, on parle souvent de 2 heures de perdu, il a fait une apparition dedans, il a fait aussi une apparition dans les... à la fâche. Les massives. Dans les conférences. Je vais pas y arriver. Dans les conférences geek où il parlait par exemple de sujets de qu'est-ce qui se passe au niveau de. Où il parlait de thèmes par exemple Black Mirror ou des trucs comme ça, bah, lui il apparaissait pour en parler aussi. C'est un mec qui est capable d'être extrêmement touchant avec quelques cases, juste quelques cases. Il te raconte des histoires qui vraiment peuvent te toucher, te marquer. Il dessine beaucoup simplement avec juste 3 couleurs, c'est-à-dire que noir, du blanc sur un fond crème et du orange. Oui, cet individu a quand même un défaut majeur, c'est qu'il est roux. Oh bah putain, il ne l'avait encore jamais fait celle-là. Alors, tu peux rayer la case là, vas-y. Voilà. Donc, ouais, attends, résumons. Les chiens. Les nazis. Les nazis, ils les aiment. Soral. Mein Kampf. Les roues, il aime pas. Marine, il assigne. Puis je suis content, ce mois-ci, j'ai pas réussi à placer le raptor, mais le mois prochain. On parle de Dino Sapiens. Oh, ça va y aller. Il y a un gros raptor dissident en plus dedans. Oh là là. La vache. Et de cette recommandation-là, je voulais surtout parler de ça parce que c'est quelque chose qui m'a marqué. Comme je m'en foutais en fait de tout ce qui était lecture bande dessinée sur le net parce que c'est quelque chose qui m'affectait pas parce que le support ne m'intéressait pas. Mm. Et là, c'est vraiment le truc où j'ai perdu des heures à appuyer sur mettre une page aléatoire de façon à avoir une nouvelle histoire en continu jusqu'à ce que j'arrive à un moment où ça me propose une page que j'avais déjà lue. Et j'ai passé vraiment un temps fou pour ça. C'est-à-dire que le mec est extrêmement productif. Là, il y a Alex qui m'a rapporté une bande dessinée qu'il a dédicacée de Boulet. Je ne sais pas combien ça coûte, mais c'est une excellente qualité. Je crois que c'est 10 ou 15 balles, ouais, je m'en fais plus. C'est la dédicace numéro combien, si vous voulez nous écouter, on va voir s'il s'en souvient. Alors, c'est la dédicace numéro 22197, et c'est un ours sur... Ragnarok. Sur Ragnarok, voilà. T'as quand même des demandes bizarres. Quand même. Dans le livre, note, Born to be... A larve. C'est parce qu'en fait j'étais un lecteur du magazine Cho, je sais pas si vous l'avez lu aussi. Et quand j'étais petit, enfin c'était mon truc préféré quoi. Il y avait Ragnarok, il y avait. C'était le magazine de Zep. Ouais, il y en avait plein dedans quoi, et ça m'a marqué quoi. Alors c'est pas dans Cho, mais il a fait aussi qui est vachement cool la rubrique scientifique Boulet. Oui. Je crois que c'était dans Spirou. C'était publié. Peut-être. Mais alors, ce qui est super, c'est qu'il est capable de partir dans des tripes oniriques où il va dessiner extrêmement... il va vraiment travailler des couleurs, travailler des pattes, des matières, des reliefs. Et dès qu'il arrive, dès qu'on revient dans le monde normal, la plupart du temps, c'est plat 2D, un petit peu griffonné. Il fait bien le comparo où le monde onirique est souvent beaucoup plus beau, beaucoup plus travaillé que le monde normal. Mmh. Là, il maîtrise beaucoup de style quand même. Il maîtrise énormément de style. Il a fait du pixel art aussi sur son blog de temps en temps. Non, et puis il a aussi des commissions où il fait des illustrations aussi pour d'autres choses. Et des fois, on reconnaît son style, des fois juste par rapport aux couleurs qu'il utilise. Tu dis, ah, mais c'est Boulet ça. Et effectivement. Son seul défaut, c'est qu'il n'est pas passé dans le bon podcast. Quoi. Il n'est pas passé chez nous, c'est ça son défaut. Et donc, les notes, c'est en fait ces notes de blog qu'il a mis en album, alors sachant que dans chaque tome des notes, il y a un paquet de pages inédites. Ouais. Bah, là, c'est entre 2004 et 2005, le Born to be a Larve. Et bah, y a déjà une bonne épaisseur, quoi. Ils sont tous comme ça. Il est très productif. 11-12 maintenant. C'est un malade. Mais vraiment, ce que j'aime bien, c'est le fait qu'il réussit en deux cases à te créer un monde et à t'entraîner sur une micro-histoire qui... En une page, ça suffit. Une page, c'est bon, il t'a fait une histoire, il t'a fait rentrer un monde, tu as accepté ce monde-là et t'es prêt à passer à un autre et à l'accepter à nouveau. Quelqu'un de vraiment talentueux et allez voir. Allez voir, donc Boulet Corp. Vous tapez ça sur le net, vous le trouverez vraiment du premier coup. C'est ça. Et donc, il existe toutes ces bandes dessinées en physique chaque année. Voilà, voilà. Et il ne fait pas que les notes, il fait plein d'autres choses. Et il ne fait pas que les notes. Il a participé à Infinity Height, un des tomes qui est lui. Ouais. Et effectivement, il participe beaucoup à des podcasts et compagnie. Et quand tu l'entends parler, il a l'air à la fois extrêmement intéressant et extrêmement sympa. Oui. Non, c'est vraiment cool, quoi. Le mec détente, il te sort ton truc. Et carré. Mm-hmm. Alors, quasiment tous ses frères et sœurs ont aussi un blog. Il a un frère qui s'appelle Greg, qui a un blog sur l'hôtellerie, parce qu'il est... C'est culture de mine. Voilà, c'est des trucs brefs sur le monde de l'hôtellerie, parce qu'il travaille en tant que réceptionniste. Ah d'accord, donc c'est des brefs d'hôtellerie avec toutes les conneries qui sont passées... C'est ça, ça s'appelle La Réception Bonjour. Mais du coup, il dessine pas, c'est des... Si, c'est des dessins aussi, mais c'est beaucoup plus simple. Ok. Il a un autre frère qui fait du dessin aussi, mais j'ai oublié son nom. Il a un frère qui est cinéphile, qui a le journal du docteur Orloff que je vous recommande. C'est très cinéma d'auteur, mais c'est très bien. Et une sœur qui tient le blog de Beu, qui a un blog de littérature. Voilà. Donc une famille extrêmement... En fait, ils sont tous sur Internet. Une famille extrêmement productive. C'est ça. Extrêmement connectée. Voilà. Et extrêmement artiste aussi. Non, bah voilà. Donc... Je sais pas, est-ce que vous connaissiez, donc oui. Voilà, et est-ce que vous en lisez de temps en temps? Ah bah son blog, moi je le suis très régulièrement, et oui, voilà. Aussi. Alors les notes, j'ai prévu d'acheter les autres, mais pour l'instant j'en ai 15, c'est celui des 24 heures de la BD. Il fait ça chaque année, les 24 heures de la BD, en gros c'est, on leur donne un thème et une contrainte, et ils ont 24 heures pour faire un truc de 22 pages, plus couverture et quatrième de couverture. Et à chaque fois, il fait un super boulot. Pareil, à chaque fois, des trucs complètement différents et totalement inattendus. Bah, là, je vois la dédicace. Il travaille de façon propre et d'un coup. Hein. Mais il a son petit stylo à pointe. Il te le fait tout comme ça. Et tu te dis, mais putain, c'est énorme, quoi. Parce que en fait, tu serais pas passé par le chemin où il passe. Et enfin, c'est, oui. C'est trop bien, quoi. Oui, j'ai déjà vu sa façon de dessiner. Tu te dis, non, mais normalement, tu fais ça. Et non, le normalement n'existe pas chez lui, il fait le dessin. C'est surtout qu'il a pris ses pris ses marques. Même, il est hyper méticuleux, enfin, tu peux être qu'en admiration devant, quoi. Moi, concrètement, j'étais devant lui, déjà, je suis de nature timide, mais en plus, j'étais impressionné, donc, à part lui demander, ça va, Nancy, ça vous plaît, qu'est-ce que vous avez fait comme étude, enfin, je veux un ours, c'est Rania Rock, s'il vous plaît, il me dit, qu'est-ce que tu veux, bah, j'ai fait, je veux ça et ça, et puis, voilà, j'étais content, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, ça doit lui casser les couilles qu'on lui dit toujours eh, « Ça va, Nancy, ça se passe bien ?»« Bah ouais. Ta gueule, tu veux quoi ?» Non, mais en plus, oui, il faut se mettre un peu à leur place au bout d'un moment. Ah bah oui, clairement. C'est du travail à la chaîne, quoi. Donc, ouais. Bah après, quand tu vois ces anecdotes de dédicaces, vu certaines... Bah il y en a une dedans avec un running gag avec le père... Ah oui, le père Louis, l'oncle avec son neveu qui s'appelle Louis, c'est pour Louis. Il est formidable, celui-là. Voilà, quoi. Hop. Donc voilà, Boulet, on recommande ardemment. Il est temps de conclure ce podcast qui n'en finit pas. Beaucoup de team digression aujourd'hui. N'est-ce pas, Issam? Moi, c'est un vrai podcast. C'est ça. C'est un vrai podcast de passionnés. Ouais. Avec des gens passionnants. Ouais. On a parlé de comics et de mangas passionnants, sauf un. Archangel. Glénat Comics. Ah. Messieurs. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Nécro? Bah là, moi au boulot dans très peu de temps. Alex. Bah toujours pareil sur les Twitter des deux émissions et puis sur le mien aussi si jamais vous voulez discuter. Mais. Rappelle le tien du coup. Bah Green Furo du coup. Voilà. Issam. Moi, toujours la chaîne YouTube, l'archiviste du cinéma. Voilà, il y a un nouvel épisode qui devrait arriver bientôt. Putain, il dit la même chose toutes les semaines. Toutes les semaines. Je travaille. Tous les mois. Moi. Mais en fait, je suis productif. Non, en fait, on fait comme s'il venait à chaque fois, mais on prend juste la bande d'avant et c'est puis ça. On colle. En fait, voilà. Issam, c'est une box. Avec des phrases préfaites. Box. Non, mais je parle de cinéma, de vrai art. Quoi. Voilà. Oh, y a des phrases toutes faites, genre. Touk, j'ai une vie de merde. Poum, l'hôtel c'était nul. J'aime manga, pas les chiens. Ce manga est merdique. Ta gueule, Alex. Genre, des fois on se plante. Mein Kampf. Des fois elle appuie sur la touche Mein Kampf, donc du coup on fait pas de blague. Je crois qu'aucun podcast en France n'a réussi à prononcer le mot Mein Kampf autant de fois. Autant de fois, à mon avis. Je crois qu'on a fait une référence aux nazis à chaque fois. À chaque. Truc là. Donc il faudrait vraiment être un podcast d'histoire pour le faire plus. Voilà. Putain, le nazicast quoi. Bon, et puis moi vous pouvez me retrouver à la librairie Au Gré des Bulots, 44 rue du Jard à Reims et sur les chaînes Twitch et YouTube Bizarre Gamer Adventure. Il est temps de vous dire au revoir et à la prochaine. Salut, à bientôt.